pièce à 1 mètre du mur, les gens ont fait hey, ça retec bien. Les gens des ouais, gros c'est pas mais là elle a rien compris. Les balais, ils ont fait, mais là elle a rien compris, elle a jeté à ses pieds. Bella elle a mis à ses pieds, c'est un nouveau concept de pièce. Bon, Bella, on va te frapper. En tout cas, merci à vous tous, merci à Boutal d'être passé. Ça durera évidemment d'être joué de notre part et puis on attend les concerts au mois d'octobre. Merci à OR, on attend le prochain projet. Y a pas de soucis. Merci à Sams, merci à NASA qui était là ce soir. Merci monsieur Youssoufa d'être passé. Merci à Lamine qui a réalisé ce film et qui est un grand ami. Et bah, une grosse dédicace. Et on en parlera d'ailleurs avec les comédiens cette semaine. Vendredi. Merci à Yann et Bella qui font leur soirée demain. On en parlera et on redira demain soir où ça se trouve. Merci quand même. Vas-y. Non, je vais saluer quand même. On est obligé, poto. Si tu le salues pas. Et tu vois, regarde, je vais même rajouter. Et en plus, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tu vois, j'essaye de mettre les formes. On sait jamais une allongée si vite arrivée. Je suis pas si loin. Je suis pas si loin. Le mec peut te le mettre direct. Merci, Tony, en tout cas. Et merci déjà pour tout le bonheur que tu nous as apporté. Merci. Merci et bravo pour cette médaille d'or. Merci à madame aussi, à qui tu feras un bisou. Elle écoute, là, elle est dans la voiture. Elle écoute quand même. Elle m'envoie des messages. Putain, faut pas que je déconne trop, tu vois. Faut que je fasse un big up. Non, c'est chaud. Ah ouais, j'aime bien le coup de C. Tu vois Tony, tu dis ouais, bon, le mec, ouais. rien ne peut le faire trembler. Comme nous tous, il prend ses coups de CP, comme nous tous. Voilà. Normal. Et c'était dans la bagnole. Tu m'as pas assez dédicacé. Tu vas voir la maison. Bon, enfin, un gros bisou et bravo aussi à Estelle qui nous a aussi, pareil, merci, donné beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. Et elle combat elle aussi prochainement ou pas, Estelle ou... Bah, on est en projet, hein, c'est en projet. On est en train de regarder un petit peu comment ça va se passer. Normalement, 2017, je pense. 2017, donc ouais. Pour retrouver Estelle et Tony qui étaient là avec nous ce soir dans l'émission entre 20 et 21. Full la radio libre dans un instant, on attend rapidement de faire tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre 200 places de concert soprano. Avec Erwan de Concarneau, salut Erwan. Salut. Ça va bien Erwan? Ça va et toi? Eh ben écoute, en pleine forme, prêt à faire tourner la roulette, on y va en speed, on a la bourre. Dans un instant la radio libre au 01 53 40 30 20. N'hésitez pas à envoyer plein de messages, à appeler l'équipe de la radio libre en direct, 01 53 40 30 20. Quand tu veux hein. Eh ben c'était joli, c'est magnifique stop. Ah ouais. On est plein les oreilles. Erwan, eh ben voilà en feu, le concert, la tournée de Soprano, tu y seras. Il y a deux places qui t'attendent du côté de Rennes deux le 25 places. Mars. C'est pour toi. C'est propre, nickel. Je peux faire une petite dédicace vas-y, avant. Vas-y, Erwan, ouais, vas-y. Je fais une dédicace à Tom de Rennes, à Laura, à Flora et Nino de Toussa et à tous ceux qui me reconnaîtront. Merci à toi, passe une bonne soirée. Merci à vous tous. Merci Dawala une fois de plus pour ce beau sur pour Sim, c'est Planète Rap. Planète Rap. Et demain il y aura encore beaucoup d'invités du bon monde. N'a pas loupé. Le rap est sur la pièce. Et vendredi, on fêtera en effet ton anniversaire en direct, puisque l'info a été lâchée. Donc ce sera vendredi aussi, entre 20h et 21h. Il n'y a pas de problème. Venez vendredi. Merci à Sori, on a passé lui qui est allé le voir aussi Sori, dans le film. Très très lourd dans voilà. Le film. Et sur la bande-son. Aujourd'hui, on a fait l'écoute de l'album de Black M qui sort le 28 octobre. Internet, éternel insatisfait. Très très très très lourd. Très très très lourd. Franchement, il y a des gros. Et bon, on l'attend gros, pareil gros, aussi avec impatience, Black M. Et à la tournée de Shinsekai. Yes. Je serai avec eux. Merci à vous tous. Merci tout le monde. On va retrouver D-Fool normalement. Ou alors non, on met la pub et on revient dans un instant avec D-Fool et toute l'équipe de la Radio Libre. Appelez, passez en direct à l'antenne 01 53 40 30 20. Depuis la rentrée, D-Fool a déjà distribué plus de 30 000 euros en cash. 30 000 euros en cash. Il faut me dire, quelle est ta radio préférée? Bah, Skyrock. Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. C'est Skyrock. Mais oui, c'est Skyrock. Ouais, c'est gagné. C'est pas vrai. Plus de 30 iPhone 7. Ton iPhone 7. Le tout dernier. Putain, ça c'est bon ça. Romano a déjà arnaqué des commerçants. Bah, que va faire Kuralov, hein? Des familles. C'est encore une arnaque ça, hein? Des vendeurs sur le bon coin. Et vous le vendez 50 euros, c'est ce qu'il y a marqué sur l'annonce. 550 euros. Non, non, bah t'enlèves les 500, tu me le lâches à 50 et puis ça ira bien. Ouais, ouais. Ah bah j'arrive. Et ce n'est que le début. Que le début. 9h. The Morning Show. Le Morning de D-Fool sur Skyrock. Julien Tellouk. C'est un truc de fou. J'adore. Marcus. Tout le monde connaît son côté chafouin. Et tous les experts de la Team Game One vous présentent le talk show le plus fou sur l'actu du jeu vidéo. À mon avis, ça va être du lourd, ça. Team Game One, c'est tous les mercredis en direct sur Game One. Disponible chez tous les opérateurs et en ce moment en clair sur la TV d'Orange. The Morning Show. Envoie 1500 au 720 et multiplie tes chances de gagner 1500 euros toutes les demi-heures dans le Morning de D-Fool. J'arrive chez McDo, je prends un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'embarquent. On arrive dans une base ultra secrète où des mecs bossent sur une équation de physique moléculaire et me demandent la solution. Mais tu t'y connais en physique moléculaire? Ben non, je suis en L. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Des problèmes pointent toujours le bout de leur nez, hein. Moment au 71-777. Les astres vous guident vers la voie. Moment, M-O-M-E-N-T, au 71-777. Nos astrologues vous apportent les réponses. L'amour, le travail, le succès. Vous voulez savoir? Envoyez Moment au 71-777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Freegun fait sa rentrée avec des centaines de fringues à prix canon. Sweat, t-shirt, casquette, parka, doudoune. Avec la nouvelle collection déjà en rayon et toujours tous les maillots et boxers pour un été trop stylé. Freegun, le choix sans se ruiner pour toutes les nanas et les mecs d'aujourd'hui. Freegun, dès maintenant sur le site officiel freegun.com et sur la page Facebook Freegun pour suivre tous les délires de la team Freegun Never Stop. Retrouve la ligne en exclu chez freegun.com et les points de vente habituels. Concert. Il va mettre le feu. En 2017, Soprano choisit encore Skyrock pour sa nouvelle tournée dans toute la France. En concert partout en France pour terminer sur la scène de l'Accor Hôtel Arena de Paris le 30 septembre et le 7 octobre 2017. À l'Orange Vélodrome de Marseille. Ouais. Yeah, c'est Soprano. En tournée dans toute la France avec Skyrock. Plus d'infos sur skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Bon, pour la reprise de la Champions League, on attend Beansport sur tous les terrains. Alex, c'est toi le meneur de jeu. Avec deux affiches françaises en exclusivité par journée, on veut te voir à fond, ok? Ok, coach. Darren, les grands clubs européens sont aussi au rendez-vous. On est sur tous les matchs, compris? Yes, sir. Allez, c'est parti pour une nouvelle saison. Vivez 100% de l'UEFA Champions League seulement sur beIN Sport. Avec ce soir, Olympique Lyonnais, Dynamo Zagreb, en direct et en exclusivité sur beIN Sport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beIN Sport.com. Tu vas te casser le nez, mon pote. Alors, je veux pas me casser le nez, c'est l'accompagnateur, il a un gros nez. Diffoul. Mais ta gueule, monsieur. L'accompagnateur, il a un gros nez. Cédric. T'as déjà eu des mycoses aux pieds, Cédric, toi? Moi? Ouais, t'en as déjà eu. Ouais, mais tout le monde a ça, je suis sûr. Ah bah non. Marie. Mais vous êtes des enculés, Samy. Ah ouais, je lui ai parlé, tout le mec, pas trop blague, quoi. Et Karim. 1 million d'euros, c'est quoi pour vous? Diffoul Radio Libre. 21h, minuit, tous les soirs sur Skyrock. Eh ben bonjour à tous. Eh ben salut. Eh ben salut, comment allez-vous? Jifoul, il a pas son casque. Ça va. Salut tout le monde. C'est bon. J'espère que vous allez bien, mais juste d'arriver là. À l'instant, ah ouais. Pile poil. Oh le bordel sur la pile route. Pile à l'heure. Mais Romano est pas encore là. Non, il arrive, ouais. On a fait une course, je suis arrivé avant Romano, il me doit 200 euros. Je rappelle le pari que j'ai fait à Romano, il est dans sa voiture. C'est ça. N'est pas d'accident, Romano, hein. C'est trop tard. C'est trop tard, t'as perdu ton pari. 200 euros. Mais ramène 200 balles, ouais, avec toi. 200 balles pour démarrer l'émission, ça fait plaisir, hein. Surtout avec le plus généreux, Romano, c'est gentil comme tout, ça fait plaisir comme tout. Alors, j'ai entendu, il y a le boxeur dans Planète Rap. Tony Yoka, ouais. Ouais, Tony Yoka. Médaille d'or au JO. Médaille d'or. Et sa meuf aussi, d'ailleurs. Ouais, bah ouais. C'est Estelle, sa meuf. Estelle Mosley, ouais. Coupe en or. C'est pas toi qui l'as entraîné, Diffoul, d'ailleurs? Si, bah, pire. Donc je lui passe le coucou s'il est dans les couloirs. Eh oui, parce qu'on s'est entraîné avant les JO. Ouais, c'est ça, ouais. Je lui avais dit, il faut y croire, tu vas y arriver. Eh bien, il y est arrivé, et bravo. Diffoul, c'était le punching ball. Il s'entraînait sur lui, il mettait des patates sur sa gueule. C'est ça. Bon, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Merci d'être là. Vous êtes arrivés, vous êtes à l'heure, vous, ça c'est bien. Radio Libre en direct au 01 53 40 30 20 en direct et aussi sur tous les réseaux. Vous allez faire un tour sur Skyrock FM, ça marche sur Snap, ça marche sur Facebook, ça marche partout. Le Diffoul pour Skyrock.com si vous voulez les mater, ça marche aussi. Alors ce soir, une soirée assez agitée, on a lancé un petit concours hier soir. Ah oui. On vous a demandé de traduire ce bug de Romano. Écoutez-le bien, les amis, le voici. Qu'avec quelqu'un. Et depuis hier, on se creuse la tête, on se dit, mais qu'est-ce qu'a voulu nous dire Romano? Qu'est-ce qu'il a voulu exprimer? Quel est le sentiment qu'il a voulu exprimer? Quels sont les mots qu'il a voulu exprimer? Oui, je pense que c'est ça. Oui, alors, je lance le top tout de suite. Si vous trouvez la bonne réponse, on vous envoie la PS4 nouvelle, la Slim, celle qu'on vous offrira vendredi matin, toute la matinée dans le morning. Morning spécial vendredi matin avec la nouvelle PS4 à choper, plus le nouveau FIFA. Il paraît qu'il est dément, le nouveau FIFA. On en parlait dans le morning ce matin. Donc le nouveau FIFA à choper, puis on vous offrira NBA 2K17 aussi. Allez. 2K17, tu veux dire. C'est ça. Mais on est en France, monsieur. Vive la France. Alors, dis 2K17. Voilà, 2K17. On vous offrira donc la nouvelle PS4. Bah, déjà, ce soir, vous nous dites ce que veut dire Romano quand il dit qu'avec quelqu'un. Voilà, vous avez bien entendu, Romano essaie d'exprimer quelque chose. La traduction du bug de Romano. Pourtant, c'est très clair. Tout de suite. Alors, Marie, si tu as la bonne réponse, n'hésite pas à l'écrire sur une feuille. On vérifiera dans un instant. J'avais écrit un truc hier, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Si c'est aussi clair que ça, donc à découvrir qu'avec quelqu'un. Vos réponses au 41-759 sur le skyrock.fm, ça y a plein de messages qui arrivent. Je les lis pas parce que moi j'ai pas la réponse non plus. Donc faut pas que je vous donne la bonne, mais allez-y, proposez, puis n'oubliez pas de laisser vos numéros de téléphone juste derrière pour qu'on puisse vous appeler. Allez-y en direct ce soir, la PS4 Slim a gagné. La toute nouvelle, elle est pour vous, avec cette petite traduction. Merci Romano. Petite. Voilà, Romano qui arrive dans un instant. On ira faire un tour chez. On ira faire un tour chez Cédric aussi. Je l'appelle là tout de suite, je vais voir. On l'a eu ce matin dans le morning, c'était un de nos invités mystères qui a permis de gagner un iPhone 7. Eh oui, Cédric, on est dans son lit. C'était le moment le plus sexy de l'émission. Tu m'imagines. Une sexitude absolue le morning ce matin. Max de la sexitude. Ah, au max. Il devait puer de la gueule, mais ce qui. Non, mais a priori de tout. Du corps, il n'y a pas que la gueule, il fait tout. Cédric, on arrive. On va te passer un petit coup de fil dans quelques secondes là pour prendre des nouvelles, pour savoir comment ça va. Notre éclopée du morning et de la radio libre, c'est Cédric, le conducteur fou, celui qui conduit tellement bien que. Qui a des accidents. Qui croise des murs. Voilà, qui croise des murs, des poteaux, des plaques d'égout, enfin la totale. Donc Cédric, prépare-toi, l'équipe arrive dans un instant. Est-ce que tu veux un petit point sur le foot d'Ifoul parce qu'il y a des bonnes nouvelles pour les Français? Alors justement, on va parler foot ce soir. Hier, on a suivi le match du PSG. Ouais. Et ce soir, eh bien, on a à suivre les autres matchs de la Champions League car c'est la Champions League. Alors, deux matchs à suivre, le match de Monaco et le match de Lyon. Alors, les deux équipes françaises gagnent 1-0. C'est bien, bravo les Lyonnais, voilà. Bravo les Monégasques. 1-0 contre Tottenham pour Monaco. C'est ça, et 1-0 contre Dynamo Zagreb pour les Lyonnais. Et pour les Lyonnais aussi, donc on suit ça en direct. Mais c'est un peu comme hier soir, hein. On avait démarré l'émission, le PSG avait marqué. Il y avait 1-0 après, aussi. Ils sont fait égaliser. J'espère que ce ne sera pas pareil. Monaco et Lyon à suivre. Et il y a le Real aussi qui joue, on en reparlera. Il y a toujours 0-0 pour le Real, nous dit l'Albanais Forever. C'est ça. Sur le 41-759. Le Sporting Portugal, ouais. Bon, vous nous laissez vos messages. Il y a un mec qui veut te voir, Difoul, là, il est là. Ah, il y a un mec qui va arriver dans deux minutes, ouais. Est-ce que c'est un boxeur? Exactement. C'est ton élève, je crois. Est-ce qu'il est médaillé d'or? C'est ton élève. Je crois, ouais. C'est mon élève. Wow, c'est ton élève. Oh, la masse, mon pote. C'est un beau bébé, quoi. T'es plus grand qu'à la télé, dis donc. Non, je vais m'asseoir parce que ça ne te lève pas. Ouais, merci pour le c'est compliment. Ridicule. Youssoufa aussi. Ah, tu es balèze, Youssoufa aussi. Oh, ouais, Youss à côté de Tony. Youss à côté de Tony. Et oui, Tony Yoka qui est avec nous, le médaillé d'or. Et c'est magnifique cette histoire. Hein. Lui et sa meuf, ils sont médaillés d'or tous les deux. Ouais, c'est beau. Estelle et Tony, c'est mignon. Vas-y, assieds-toi. Fais comme chez toi, gros. Bon, alors notre entraînement a été prolifique, Tony, puisqu'on s'est entraîné avant les JO. Je t'avais dit qu'il fallait y croire. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Et tu as eu raison d'y croire jusqu'au bout. Ça fait plaisir de te voir à Sky, dis donc. Surtout assis, c'est mieux que debout. Ouais, vous faites la même taille. On sent moins ridicule. Ouais, je mets juste la siège un petit peu plus haut. Voilà. Et ça va. Non, merci pour l'invite. Ça fait super plaisir de venir ici. Surtout que j'écoute. Hein. J'écoute Skyrock comme tout le monde. C'est gentil. Bah, attends, mais tu sais que nous, on t'a regardé. On était comme des fous. Hein. Skyrock hey, bravo, Tony. 500 balles. Donnez-lui ce but, je suis pas venu pour rien. Vas-y, donne-nous ta médaille. Ça marche pas avec toi, Youssef. Tony, tu mets tes 1500 balles. Ouais, ouais. 1500 fais euros. Fais gaffe à tes poches. Il y a Romano qui arrive. Je présente Romano. Ah, ça va. Il est là. Ouais. C'est toi qui me donne mes 1500 balles. C'est pas moi qui gère ça, c'est lui le chef. Hey, Romano, c'est qui c'est, toi qui connais rien au sport? Bah, bien sûr que je sais qui c'est. C'est qui? Champion olympique de boxe. Ouais, bravo, Romano. Ça va. Ouais, bravo. Exactement. Tu l'as pas dit, tu fais du kayak ou un truc comme ça? Ça va, ouais. C'est déjà ça de prix. Champion du monde d'Aveyron. Ouais. Non, nous on était en vibre avec toi. Je pense pas qu'on était aussi contents que toi, mais presque. Quand franchement, mais tu sais que sur place, on s'en rendait pas compte. C'est vrai. On était vraiment en focus sur la compétition, dans notre bulle avec Estelle. On calculait pas tout ça. Et quand on est rentré en France, on avait vraiment pris conscience de l'engouement de tous les Français, en fait, par rapport à ça. Bah ouais. Ça, ce qu'on a, en plus, vraiment... c'est une histoire de fou quand même. T'imagines, t'es avec ta meuf, t'es au JO. Il y a le monde entier qui te regarde. C'est génial. Aux Jeux Olympiques. Et vous gagnez tous les deux la médaille d'or. Elle t'a foutu la pression parce qu'elle a gagné avant toi. Elle a gagné avant moi. Ouais. Ça fout la pression. Tu m'étonnes. Il y a une petite question que je me posais. Quand vous prenez la tête à la maison, comment ça se passe? Est-ce que vous mettez des patates? Ça se règle sur le ring ou pas? Est-ce que vous montez sur le ring? Non, ça se règle. Ça se règle. En plusieurs rounds. En plusieurs rounds, ouais. Vous vous entraînez ensemble, non jamais? Si, aussi. Non, on boxe pas ensemble. D'accord. On s'entraîne ensemble. Oui, vous entraînez ensemble. En même temps, c'est pas le même gabarit. Non, oui. C'est pas la même catégorie. Ouais, Estelle, elle écoute là, c'est pour ça qu'il parle. Estelle, on te fait un gros bisou. Ouais, salut. T'as vu, il fait genre. Éteins la radio. Au bout d'un moment, faut que je me fasse respecter. Ouais, c'est bien, t'as raison. Ah, des messages aussi pour Youssoufa. Vous connaissiez avant tous les deux?

Eh, hey, impressionnant, putain, c'est une main, c'est une baraque. Hein. Il a oublié sa casquette, je crois, Yous. Tiens, dis rien, Marie, c'est Romano qui l'a caché. Ah non. Tiens. Voilà. Ah, c'est à Tony. Ah, c'est à Tony, votre petit. Ah ouais, alors non. Tu vas lui rendre, gros. Tu vas te prendre un pain, Romano, il a volé la casquette de Tony. Bah, si c'est un homme, il revient. Il va se pointer. Il va se pointer, tu feras moins le malin. Là. Bon, alors, le 84, c'est avec Youssoufa. Ah, Tony est trop beau. Ouais, mais les prix, je suis désolé, Estelou, là. Il y a Estelou qui nous envoie un message. Et en plus, il est cool. Ouais. Alors, il est sympa, ouais. C'est ah marrant. Ouais, hyper cool. Non, mais je le connaissais, mais on s'était entraîné avant les JO. Avant ouais, bah, ah, je vous l'ai dit. Ouais. Ah, je sais pas si vous avez dit. Apparemment, il t'a pété la gueule. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, non, on s'entraînait. S'entraîner ensemble. Bon, eh bien écoutez, voilà, une émission qui peut démarrer maintenant à 21h15. Depuis un petit quart d'heure, on était avec Youssoufa, avec Tony Yoka, le grand boxeur, champion olympique, médaille d'or, qui était là avec nous. Et alors, attention, c'est de la folie un peu ce soir, parce que vous allez pouvoir débarquer en direct, ça, c'est votre émission, c'est notre émission à nous tous. Vous pouvez y aller au 01 53 40 30 20, sur le 41 759, sur l'appli Skyrock, vous nous laissez vos messages, ouais. Ça débarque directement sur nos écrans. On salue d'ailleurs Vive Romano qui vient d'arriver. On salue Blue. On salue David du 37. Eden qui est là, qui veut la casquette de Tony. Non mais Romano, il va vous la vendre. Hein. On salue. Bon, on salue tous les autres. Zach d'Avignon. Sur le bon coin tout à l'heure. Miror qui est là. Bonjour à Mokhtar qui nous fait un petit coucou. Il y a Bounir qui salue tout le monde. Mounir du 59. Donc vos messages, vous voyez, ça arrive directement ici. Dès que vous avez un truc à dire, dès que vous voulez réagir dans l'émission, dès que vous faites. Dès que vous avez un truc qui vous passe par la tête, tout est possible. Si vous avez envie de faire les cons, ça marche aussi. Exact. Alors, je disais, une soirée qui démarre de manière très très très très exceptionnelle puisque on a déjà les deux équipes qui jouent pour la France, toujours un partout, toujours un 1-0, ouais. Un but pour les deux Français. Ouais ouais ouais. J'espère que ça sera moins misérable que le PSG hier. 2-0 pour Monaco. 2-0, ouais, ouais, ouais, et un deuxième but. Ça c'est du football. C'est pas comme le PSG. Ça c'est le foot français, ça monsieur. Et 2-0 à Tottenham s'il te plaît. Ah ouais, en plus, ça ouais, ouais. Non, c'est bien autre chose que le PSG hier. Monaco, faudra compter avec eux cette année en Ligue 1. Monaco, il y a du niveau à Monaco, ils jouent, c'est pas mal Monaco. Bon, 2-0 pour Monaco, 1-0 pour Lyon. On suit les deux matchs en direct sur Skyrock. Et puis, je vous le disais, un début de soirée exceptionnel. Et vous allez pouvoir lui poser toutes les questions que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de lui poser ce matin parce que vous étiez en train de vous réveiller ou parce que en train de vomir. Ouais, en train de vomir aussi, oui, oui. Ou peut-être que vous n'étiez pas encore réveillé. C'est Cédric qui est avec nous. Les stars s'enchaînent. Salut les filles. T'es en baissant gamme quand même. Salut les filles. Salut les filles. Salut Cédric. On passe d'un champion olympique à un champion de la chiasse, quoi. Oui. Eh ben c'est... Ça va, toi. T'es médaille d'or de la chiasse, Cédric. Bravo, Cédric. Ouais, ouais. Bravo, bravo. Médaille d'or aussi du motard. Ah oui, le motard qui conduit le mieux. C'est toi, c'est toi, Cédric. C'est toi le pilote. Eh bien, oui, il est avec nous. C'est Cédric le Belge, toujours en direct de son lit puant, de sa couche. De sa couche. Non, non, j'ai changé des draps aujourd'hui. Tu as changé. Bah, normal, t'avais chié dedans hier, tu nous avais raconté. Ah ouais, t'es quand même mis 24 heures à les changer, c'est pas mal. Bah ouais, t'imagines, tu restes 24 heures avec de la merde dans ton lit. C'est chaud. Ah ouais, bah j'ai trop kiffé. C'est chaud. Mais t'as du mal à te lever, t'as du mal à te déplacer, tout ça. Ouais, un petit peu, ouais. Eh, un petit peu, je vois ça. Ouais. C'est ça, les petites natures. Hein. Me déplacer, ouais. Ça va encore, tu vois, mais me lever, c'est galère. Mais t'as été ravagé, quoi. Ouais. Cédric, notre Cédric le Belge, en direct, il est pas en congé maternité car il n'était pas enceinte avant. Je dis ça pour Tahiti Airlines, qui s'inquiétait un petit peu. Hein. Non. Il y a Kenzie qui t'envoie un petit message qui te dit Inch'Allah, tu te rétablis vite, Cédric. Merci, mon pote. Inch'Allah, Inch'Allah comme on dit, oui. Mais alors, une question médicale, Cédric. Oui. T'as l'impression que ça va un peu mieux ou pas du tout? Ouais, ça va un peu mieux. Bon, ouais. Bah, tant mieux. Mais docteur Romano, j'ai une douleur dans le dos maintenant. Ah, il veut que tu lui masses ouais, le dos. Ouais, ouais, bah non, il veut que tu lui masses le dos. Je suis pas ma sœur. Hein. Bah, je sais pas, j'ai une pointe dans le dos des fois. Ça m'excite encore plus si t'es mon frère. Ouais, non, mais laisse-toi là. Lâche l'affaire. J'ai une douleur en bas du dos, dans l'arrêt. Mais, ouais, bah écoute. Je sais pas ce qui se passe. T'as pas un truc quoi, c'est dans le cul des fois. Oh, non, y a rien dans le cul, t'inquiète. Mais là, attention, tu vas avoir un médecin. Je dis pas là dans une semaine, ouais. Ah bah tu lui demanderas. Mais tu reviens nous voir quand? Parce que ça commence à bien faire cette histoire. On faisait la réflexion avec Romano, mais c'est quand même fou ça d'être comme je ça. Vous manque, hein. Ah bah grave, t'imagines pas. Pas vraiment, ouais. Enfin, mais ça mort. Bah, je vais revenir bientôt, t'inquiète. Bon, je vais te demander, Cédric, de choisir celui qui te. Ouais, faudrait que t'arrêtes de faire ta comédie, quoi. Bien dit, ça, ouais. La comédie. Parce que moi, ça va une semaine, quoi, gros. Tu vois, on était avec. Pas d'avoir ce que j'ai, ouais. On était avec une force de la nature, là. Tony, champion du monde. Enfin, médaille d'or. T'as vu ça un peu, hein? Et maintenant, on a une grosse balle tringue. Bah ouais. Grosse balle tringue qui sait pas faire de moto et qui se casse la gueule. Voilà, on passe d'un bonhomme à une balle tringue, c'est bien ça. C'est sympa. Un cadavre olympique, tu veux dire, ouais. Bon, comment tu veux qu'on fasse pour le clash pour ce soir? Parce qu'on nous pose la question, il y a Ticket de Caisse qui vient d'arriver. Bonjour à toi, Ticket de Caisse. Vous avez des pseudos de plus en plus, c'est de plus en plus surréaliste, ce truc. Est-ce que t'as envie que je te baisse? Ouais, mais il a failli, mais il a pas gagné. Je l'ai baisé. Tu veux que je te baisse ce soir, toi? Alors, comment on fait, Cédric? Je te baise, moi. T'inquiète. Est-ce que tu fais le clash en direct de ton lit? Est-ce que tu choisis? Ou alors tu préfères. Tu choisis quelqu'un pour te représenter? Comment tu fais? Tellement t'as dit, si on le fait pas tard, je le fais, hein. Ah, il veut faire le clash. T'as une balle tringue. Il veut faire le clash. Mais je vais te baiser, moi, tu vas voir. Pff, tu vas baiser quoi? Non, tu as des clashs, je vais déléguer à Sanyu ou à Karim, ils vont te baiser tous les deux en même temps. Non, mais faut choisir, Cédric. Ou tu fais le clash, ou tu délègues. Mais on le fait rapide alors. Tu le fais là, comme ça je le torche, l'autre je mets de mauvaise humeur pour la soirée. Ah ouais, ce serait marrant ça, tiens. Bon, vous voulez? Romain, ah, mais vas-y, parce que tu relèves le défi. Non, mais défi de baiser Cédric, c'est même pas un défi, c'est une formalité, quoi. Romano relève le défi. Bravo. T'inquiète pas, j'ai déjà ma méthode. Ouais, ouais, bah, t'as fait. Hey, si tu fais la méthode clavicule, laisse tomber, je l'ai fait lundi. Non, bah, je vais la faire. Ah, tu l'as refait, mais arrête de copier les méthodes de Romano. Non, bah, c'est ma clavicule qui est pétée, c'est pas la sienne. Bah, oui, mais il était tellement gentil avec toi, tu vois. Non, mais je t'ai rendu hommage, bah, lundi, oui. Je me suis servi de ta team pour baiser l'auditeur. Je me suis baisé la clavicule, il est en train d'utiliser ma méthode. Et il gagne en plus. En plus. Bon, bah, prépare-nous ta méthode, Romano. Prépare-nous ta méthode. Bah, attention, la méthode de Cédric, on la connaît, c'est la clavicule. La vie cool. Bah, ouais, je veux dire, j'ai la clavicule pétée et je bande comme un taureau et j'arrive pas à me branler. Donc, ouais, c'est exactement la méthode que j'ai fait lundi. Heureusement que tu l'as fait lundi, Romano. Tu vois, t'as fait ça? Bah, oui, oui. Bah, oui, c'était pour te rendre hommage. Bah, oui, t'es gentil comme tout. Putain. C'est pas souvent, Romano. Bah, je pensais pas que tu reviendrais, moi. Ah, ouais. Bah, t'inquiète pas, je suis pas mort, hein. Je vais revenir, mon pote. Bon. Toi, quand je vais revenir, je vais te faire un gros câlin, tu vas voir. Non, je t'annonce, sans doute vendredi matin, je viendrai dans tout gourbi. Ouais, moi aussi, vendredi matin. Alors que je vienne, j'ai très peur d'aller dans ce gourbi, moi aussi. J'ai commandé un masque à gaz. Des trucs pour pouvoir survivre. Moi j'y vais demain. J'ai commandé un kit de survie, etc. etc. Donc j'attends que ça arrive. Dès que ça arrive, je passe à la maison. Avec Cédric. Un masque. Vas-y, pas de problème. Bon, allez, à tout de suite. On te retrouve donc pour le clash en direct. Donc le clash qui va avoir lieu dans pas longtemps. Tenez-vous prêts. Ouais, parce que Cédric a envie que je le baise. Oui, bon, oui. On fera un double appel ou un multi-appel ce soir, on verra. Hein, pour le double appel ou le multi-appel, c'est pareil. Hein. On appelle des familles, on ne parle pas, on les met en contact et on les laisse s'exprimer. C'est ça la liberté sur Skyrock. Ouais. Liberté chérie. Oui, c'est ça. Bon, bah profitez-en vous aussi parce que vous pouvez dire ce que vous voulez ici. Hein. Vous nous appelez au 01 53 40 30 20 sur le 41 759 sur l'appli Skyrock. Et on me demande de repasser le bug de Romano. J'ai mis en jeu une PS4, la PS4 Slim, la toute nouvelle. Celle qu'on vous filera vendredi. Écoutez bien le bug de Romano, il faut traduire ça. Qu'avec les qu'est-ce que ça veut dire? Qu'avec les qu'est-ce que ça veut dire? Qu'avec les même Romano, je pensais qu'avec le chien, mais c'est pas ça. Non, et pour l'instant, personne n'a trouvé, personne n'a la PS4. Non, mais sur tous les messages qu'on a eus. Personne n'a trouvé. Il n'a pas qu'à trouver, donc allez-y, hein, si vous savez ce que veut dire Romano, vous nous dites, c'est le bug de la soirée pour votre PS4 à gagner au 41 759. Et sur l'appli Skyrock, vous laissez tous vos messages, vos numéros de téléphone. La nouvelle. La toute nouvelle, celle qu'on offrira vendredi matin. La PS4 matin. Slim. Ouais, la Slim, vendredi matin à gagner dans un morning spécial. Morning spécial PS4 vendredi pour la sortie de la PS4, avec en plus votre FIFA 17 à gagner vendredi matin aussi. Et puis votre NBA 2K17 là, à choper. Ouais. Putain, moi c'est difficile hein, ce bug. Hein. On a bien fait c'est compliqué, ouais. Une PS4. Allez, bon, vos réponses très vite. Et puis, on vous retrouve en direct tout de suite. Radio Libre sur Skyrock avec. Allez, un petit Drake. Drake. C'est bien ça. C'est One Dance qu'on va écouter. One Dance de Drake sur Skyrock. Hop là. Depuis la rentrée, Difool a déjà distribué plus de 30 000 euros en cash. 30 000 euros en cash. Il faut me dire, quelle est ta radio préférée? Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. Mais oui, c'est Skyrock. C'est gagné. C'est pas vrai. Plus de 30 iPhone 7. Ton iPhone 7. Le tout dernier. Putain, ça c'est bon ça. Romano a déjà arnaqué des commerçants. Des familles. C'est encore une arnaque ça. Hein. Des vendeurs sur le bon coin. Et vous le vendez 50 euros, c'est ce qu'il y a marqué sur l'annonce. 550 euros. Non, bah t'enlèves les 500, tu me le lâches à 50 et puis ça ira bien. Ouais. Eh ben j'arrive. Et ce n'est que le début. 6h-9h. The Morning Show. Le Morning de Difool sur Skyrock. Braqueur. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que t'as fait? Quand un coup tourne mal. C'est pas des convoyeurs que tu vas braquer, c'est Kaira. La guerre est déclarée entre les gangs. On est des braqueurs, on n'est pas des tueurs. Un face-à-face sous pression. Avec Samy Boisgila et Guillaume Gouix. Braqueur en Blu-ray DVD et VOD. Avec Skyrock. The Morning Show. Envoie 1500 au 72020 et multiplie tes chances de gagner 1500 euros toutes les demi-heures dans le Morning de Difool. Julien Tellouk. C'est un truc de fou.

Drake sur Skyrock, c'était One Dance. Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Mais oui, 21h minuit, c'est nous en direct sur Skyrock. Merci à vous d'être là tous les soirs. On est en direct, donc s'il se passe absolument tout ce que vous voulez, vous réagissez dans l'émission, ouais. Vous passez avec nous. Il est 21h30 et pour l'instant, toujours 2-0 pour Monaco contre Tottenham et le match des Lyonnais. 1-0 pour Lyon, toujours. 1-0 et de Tolisso. Et on est à la mi-temps là. Ça y est, à mi-temps pour bientôt en tout cas. Ouais, il reste une minute pour les Monégasques. Et pour l'instant, donc. 2-0, c'est bien. En plus, ils jouent à l'extérieur. Bravo Monaco. Alors, ah, c'est pas Paris ça. Et on va dire bravo, j'espère, ouais. à quelques-unes, j'en sais rien. On va voir qui va gagner. Et but pour Tottenham. Ça fait deux, juste avant la mi-temps. Écoutez-le comme il est content. Ah ouais, je suis heureux. Ouais. C'est pas parce que Paris a fait match nul qu'il faudrait que toutes les équipes lousent leur match, Karim. Bah si, parce que sinon vous allez me casser les couilles, les gars. Je vous connais. Mais tu nous connais. Alors, bien. Allez les gars, match nul, allez. Allez Tottenham. Ah, allez Monaco, allez Lyon. Vous m'entendez dire allez Lyon, c'est pas souvent. Hein. Mais bon, pour les matchs européens, je suis français. Comme le dirait Black M. C'est ça, man. Bon, alors, les bugs, on s'en occupe tout de suite. Il y a un bug à traduire. C'est celui-ci. On a lancé ça hier soir. Et depuis hier soir, on galère tous. On vous offre la PS4. Faut être là dès le début de l'émission parce que la PS4, on l'a lancée tout à l'heure. Alors, qui a la bonne réponse ou la mauvaise réponse? On va voir ce que ça donne. On va prendre Flo de Nantes en direct avec nous. Bonjour Flo. Salut Flo. Salut Flo. Ouais, Flo. Ça va, t'as 18 ans et t'es nantais. Alors, tu proposes quoi pour la traduction de ce magnifique bug? Qu'avec du caca. Le caca c'est bon. Ah oh, ouais, je kiffe. C'est pas très loin. Mais c'est pas ça. Ah merde. Ah merde, dommage. Ah. Bon, c'est pas grave, Flo. Tu vas repartir avec le t-shirt Skyrock quand même. On t'envoie ça à la maison. Vas-y. Salut Flo, raccroche pas. Amaury est avec nous en direct d'Angers. Après Nantes, c'est Angers. On est juste à côté. Salut Amaury. Oui, salut, bonjour. Bonjour Amaury. Caen et Angevin, c'est ça. Une petite proposition, Amaury. J'aurais dit que c'était C'est quelqu'un qui avait quelqu'un. Ah oui, c'est vrai, j'aurais pu. Bah, t'es allé plus loin que le Nantais d'avant, tu vois. Ah, c'est moins bon pour la réponse. Mais c'est faux tous les deux. On me propose qu'avec des calories, c'est ça? Non. Vas-y, remets-le un coup là. Je te le remets un coup. Tu veux un coup, mais. Un coup de bug. Un coup de bug, d'accord. Qu'avec quelqu'un. Alors, Manon, une idée? Je sais pas. Eh bien non, t'es c'est bien avancé. Non, c'est pas ça. Non mais là, aucune idée. Bon, Julien. Qu'avec ses seins. Ah non, c'est pas Julien, non. C'est pas ça. C'est Amaury. Bah Amaury, c'est pas ça. Tu quittes pas, on t'envoie le t-shirt Skyrock, Amaury aussi. Hein. Ouais, c'est gentil les gars, merci. Ne bouge pas. Alors, y a qui pour la suite? Roland, direct. Qu'avec avec le caca du chien. Salut Roland. Non, Romano, c'est encore planté sur le bug. T'as peut-être le bon, toi. Alors, que veut dire? Qu'avec le caca. Qu'avec de la vodka. Eh bien, bonne réponse. C'est ça. Bip, bip. Roland. Roland, tu t'es gavé. Tu viens de gagner la PS4 Slim, la toute nouvelle. Elle est pour toi. Bravo. Bien joué, merci mec. Merci l'équipe. Super. Bravo Roland. Ouais, Roland. Ça fait plaisir. Une PS4 pour Roland. Et plein de PS4 à gagner. Ce sera dans le morning de vendredi matin. N'oubliez pas le rendez-vous morning spécial PS4 Slim avec la toute nouvelle PS4 vendredi en plus. Donc on fait ça vendredi dans le morning. Et on vous offrira en plus FIFA, le nouveau FIFA qui déchire. Et puis NBA 2K17. Il y a un jeu avec ou pas? Bon, on va t'envoyer un jeu avec. Tu veux quoi? Tu veux le nouveau FIFA? Non. Tu veux quoi? Un Call of Duty. Un petit Call of. Attends, t'es plus jeu de baston, toi. Ouais. Un petit Call of qu'on va t'envoyer à la maison. Bravo, Roland. On t'envoie ça à Vannes. T'es à Vannes, c'est ça? Ouais, Vannes dans le 5-6, ouais. Très bien, il y en aura plein tout au long de la soirée. Que de la vodka. Des Vannes. Et ça voulait dire que de la vodka. On vérifie quand même. Donc ça, là. Qu'avec le... Putain, fallait comprendre. Je comprends pourquoi vous avez galéré. Vérification tout de suite. Écoutez bien, c'était dans l'émission. Romano s'exprimait. Ah, je sais ce que je dis. Et parler à la France entière. Bah oui, tu dis que de la vodka. Non, mais c'est. Je bois du Red Bull qu'avec de la vodka. Ah c'est ça, c'est quoi? Sûr. Vérification. Ah, c'est ça, ouais. Bah moi Red Bull, tu vois, je l'aime bien, mais qu'avec la vodka. Il y a le Tropico aussi qui est bon. Moi j'aime bien Red Bull nature aussi. Ah non, moi qu'avec le... Ouais. Qu'avec. Avec quoi? Avec la vodka. Ah, ça va bien. Moi, je bois de la Red Bull, mais qu'avec du caca. Du tropique. Bah, chacun son truc. Le caca, c'est bon. Merci, allez, Cédric. Bon, bah, bien joué, Roland. PS4 pour toi. On rejouera peut-être avant minuit. Hein, parce que des bugs de Romano, on en a plein. Le roi du bug, c'est toi. Bravo, Romano. Merci. Merci. Je te donne la médaille d'or, comme pour Tony tout à l'heure. Lui, il a eu médaille d'or de boxe. Je t'offre la médaille d'or des bugs. Tiens, elle est pour toi. Merci, Diffoul. Merci. Tiens, voilà. J'en prépare la coupe aussi du Clash, histoire que je la récupère après. Hein. Ça, on va voir avec Cédric. On reprend Cédric dans un instant, Clash de la Drague à suivre. T'as une petite préférence pour le Clash, toi, Roland? En général, c'est Romano, c'est Cédric, t'es pour qui, toi? Plus Cédric, moi. T'es plus pour Cédric. Team Le Belge, ouais. Ah, t'es Team Lalousse, quoi. Sacré motard, quoi, tu vois. Ah, ouais, sacré motard, ouais. Ah, représente les motards. Eh, tu sais que c'est votre mobilette, il a pas voulu le dire. Non, mais ça, j'avais trop dit. Romano, c'est pas bien, il voulait pas qu'on le dise qui c'est votre mobilette. Et bon, c'était pas une mobilette, c'était un Solex. Ouais, mais il était d'enlever les roulettes derrière et tout. Excusez-moi, but de Monaco, il me semble. Ah, non, c'est ralenti. Et voilà, bravo. J'ai baisé tout le monde aussi. C'est le premier but, ça. Dans Monaco, il y a toujours 2-1. 2-1, c'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps, donc il n'y aura pas de but pendant un quart d'heure. Bah non, ça c'est ça. Il y a encore un but, Karim, t'as vu? Ah ouais, putain, but de Monaco encore. C'est dingue. Bon, Roland, PS4 pour toi, c'est fait. On t'envoie ça à la maison à Vannes. Merci, Roland. Merci, les gars. Et allez, le clash arrive dans quelques secondes. On va le faire quand Cédric est prêt, hein, parce que bon, il fait sa baltringue avec son épaule. C'est tout un cinéma, là. T'inquiète pas pour moi, bah, je suis prêt depuis longtemps, mon pote. Ah ouais, ouais, ça fait une semaine que t'es pas venu, donc forcément j'espère que t'es bien prêt pour le clash. T'as eu le temps de réfléchir à ta méthode. Parce que nous, depuis une semaine, on en fait des trucs, hein. Ah ouais, c'est clair. Putain, on s'éclate comme jamais. Je sais pas, l'émission elle est super. Le matin, c'est vraiment. Alors, le matin, c'est la folie totale, hein. T'es venu y assister, Karim, l'autre matin, là, ça t'a plu? Bah, il faut allumer ton micro. J'ai dit, ouais, magnifique. Et le mec magnifique, a fait deux matins avec nous, il est HS. Oui. On l'a tué, ouais. Le mec, il est sous perfusion. Il prend du Guronzan. Le mec, il est à bout de sa vie, quoi. C'est là qu'on voit qu'on est solide, nous, hein. Eh ouais, solide, ouais. Comme des rocks, Skyrock. Wow. La nouveau slogan pour le matin. Bon, alors préparez-vous, le clash arrive dans quelques secondes en direct de chez lui. C'est Cédric dans son lit. Ouais, ouais, ouais. C'est Cédric. Oh. Ah, imaginez l'horreur. Oui. Le machin est vautré comme un baleineau dans son lit. Même souffrant, je serai là, la famille. Bah ouais, la preuve l'a dit, t'étais vachement là. Tout à l'heure, je t'ai appelé. Je suis endormi. Premier truc qu'il m'a dit, il me fait voilà. Oh, je transpire, qu'est-ce que je suis en sueur, mais. Voilà, je pousse. Non, bah, je vous annonce, moi j'annule ma visite de vendredi. Ouais, moi aussi. Non, je prendrai ma douche, t'inquiète. Ah merde. Eh, mais pas avec nous, hein. Non, bah non. Okay. Voilà, faut me frotter non, le ça dos. Ça sera mieux, effectivement. Ouais, c'est mieux, ouais. Bon, c'est qui me fait prendre ma douche, t'inquiète. On a juste une urgence, dès que vous avez un petit souci, on vous l'a dit, vous pouvez nous appeler. Et là, il y en a un qui est en galère, c'est Julien, il est à Toulouse. Salut, Julien. Ouais, Diffoul, salut. Salut à toi. Alors, rentre dans la voiture, excuse-moi. Vas-y, rentre dans la voiture. J'ai la tête dans le capot. Vas-y. Je connais rien, ouais. Oui, il a la tête dans le capot, vous allez comprendre pourquoi. Quelle est votre dernière galère dans les transports? Transport en général, que ce soit votre transport en vous, votre voiture, que ce soit les transports, transports en commun, les bus, les dernières galères que vous avez eues dans un bus, dans votre voiture, dans les transports. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que t'as eu, Marie, toi? Ah bah moi, la dernière fois, c'était le train, là, avec le mec bourré qu'on a débarqué à Mâcon, là. Ah oui, oui, c'est vrai. Et on a eu 40 minutes de retard. Mm-hmm. Tout ça pour virer le mec qui puait, qui rotait. 40 minutes, t'as eu du bol, hein. Ouais, oui, encore oui. J'ai eu du, ouais. Mais enfin, bon, ça fait chier quand même, tu vois. Quelle est la dernière galère que t'as eu en voiture, dans ta toute petite voiture, Romano? Roule dans une majorette, hein, je t'ai quand même vous préciser. Non, mais là, putain, j'ai pas eu de galère dernièrement, là. Alors, oui, bah, écoute, mais alors la dernière. La dernière, je sais pas. C'est quand je t'avais changé ton pneu? Non, l'année dernière, j'ai eu une vis dans un pneu. Une vis dans un pneu, et là, le pneu, il fait. Bah ouais, forcément. Bah non, parce que c'était en vacances. Et en fait, vu que je prenais pas trop la voiture, étant donné mon état alcoolique latent. Comme moi. C'était tout le temps, en fait. C'est-à-dire, j'étais sous perfusion. En fait, la voiture, je la déplaçais pas du parking. Et les premiers jours, en fait, le clou, il était, quoi, la vis, elle était en dessous. Donc, du coup, le pneu, il se dégonflait pas. Un jour, carriole très intelligente me dit ouais, ce serait peut-être bien de déplacer la bagnole. Et là, et je déplace la bagnole, et là, le lendemain, la bagnole, elle était à plat, et c'est voilà. Au garage. Ah. Bordel, quoi. Le truc sympa, quoi. Bah, ça m'a coûté 15 euros, j'étais content. Tu vas rigoler. Je vais poser une petite question à Cédric. Quelle est ta dernière galère dans les transports, Cédric? C'est en moto, là, il y a jeudi dernier. Ah ouais, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, dis donc? Oh, une petite cascade mal contrôlée, et puis j'ai fini sur le trottoir. Quoi. Une petite cascade mal contrôlée, et plat d'Adam sur le trottoir, Cédric. Voilà. Eh oui, petite galère de transport. Tiens, il y a chaud bouillant, il y a deux jours, j'ai tapé une biche. Elle était très abîmée, mais pas morte. Tapé une biche. Une biche? Ouais. L'animal, c'est joli, une biche. Ouais, mais bon, des fois, ça saute sur la main. Mais tu fais pas exprès. Ouais. Bah, j'ai t'as tapé Bambi. Bah, c'est Bambi. Ah, bah, j'ai failli en taper une fois. J'ai flippé ma race. Faut pas taper Bambi. En fait, cette connasse, elle s'est mise au milieu de la route. Cette connasse, elle comprend rien. C'est parce que c'est une voiture, la pauvre. Et non, mais en fait, elle a sauté d'un pré, tu vois. Ouais, ouais. Et elle s'est mise pile devant la bagnole. J'ai pilé comme un porc. Mais je suis passé genre à 10 cm d'elle. Ah, ouais, tu la tapes, tu fais du pâté derrière. Ouais, mais tu la tapes, ça te pique bien la bagnole. Tu fais du pâté. Ou des rires. Non, mais ouais, ou même ça se bouffe comme ça. C'était Diffoul, il a tapé un oiseau, lui. Ah ouais, ça m'a rendu malade. Ouais, ouais, il voulait s'arrêter, lui faire du bouche à bouche. Je lui ai dit, mais roule, mon frère, Hachem. Hachem. Attends, c'est quoi, c'est un oiseau. C'était quoi comme oiseau? Je sais même pas, gros. Je crois même que c'était une chauve-souris. Un mais ouais, mais faisait nuit. Il l'a tapé, tu sais, il continue à rouler. Il me disait, putain, mais non. Le mec en dépression nerveuse. J'aime pas faire du mal aux animaux. Ah oui, c'est sûr. Non, mais moi, ça m'est arrivé une fois avec Carriole. En fait, j'ai tapé un pigeon. Ouais, bah Cédric était sur la route, il était là. Oh non, non, c'est pas moi, non. C'était il y a à peu près une semaine, a priori, le pigeon à la clavicule cassée. Oh le bâtard. Non, un jour, j'ai tapé, mais j'avais pas le choix, en fait. Tu sais, si je tournais le volant, je fonçais dans un mur. Donc, oui, je me dis, il fallait foncer dans le mur, quoi. Ouais. Et Carriole, elle a pleuré et tout. Elle m'a dit, arrête-toi. Je fais, non, mais c'est bon, on va passer. Tu es un monstre. Ouais, c'est quoi, un oiseau pleuré? Ouais, c'était un pigeon, tu vois. Ouais, bah, mais en fait, derrière, oiseau, elle a regardé dans le rétro et s'est vu que le pigeon, il était mal en point. Pour la cacher. Mais si je te dis, je pouvais pas l'éviter. J'aurais pu l'éviter, mais bon, j'allais pas me foutre dans un mur pour éviter. Non, c'est clair. Alors, Dylan, dernière galère qu'il a eu dans un. Lui, c'était dans un bus. Dylan BDM, 15 ans, qui nous dit, moi j'ai eu envie de chier très fort dans le bus scolaire. Tu ne dis pas la fin de l'histoire si t'as chié ou si t'as pas chié. Hein. Ah bah quand t'as pas de chiottes, t'évites de chier quand même, non? Bah, en général, dans les bus scolaires, il y a pas de chiottes, Marie. Hein. Moi, ouais, c'était avec ma sœur. Dans les cars, il y a des chiottes. Il y a Momo qui nous envoie un message qui dit, moi c'était avec ma sœur. Elle apprenait à conduire et elle s'est pris un trottoir. Mon père l'a insultée. Elle faisait de la conduite accompagnée. Salut à ta sœur, femme au volant. Mort retournant. Oui, Delanoé. Femme dans le fossé, danger écarté. Delanoé nous dit, moi c'était le RERB, un train en panne. Ouais, ça arrive tout le temps. Hein. Ouais, retard de 30 minutes ce matin au bahut. La prof était obligée de repousser l'interrogation qu'elle avait prévue pour nous. Ah bah c'est bien, elle repousse l'interro, elle repousse le DS. C'est gentil, ouais. Ça c'est bien, bien joué, bien joué. Ah si, ça, mais ça m'est arrivé plusieurs fois, mais c'est pas. Bon, c'est un truc à la con, mais c'est bien relou. C'est, je prends le bateau là pour aller en Sardaigne. Oui, parce que Romano est un petit matelot. Et t'as coulé. Non. Et tiens, le ferry, quoi. Et en fait, au moment de sortir, la voiture devant moi, le mec est en panne. Ah, pas de chance. Ah ouais, ça c'est chiant ça. Et genre, tu peux pas manœuvrer parce que les bagnoles elles sont collées, mais de ouf. Ouais, ouais, ça c'est relou ça. Et en fait, tu peux rien faire, tu attends que le mec il se fasse dépanner. Et tu n'as pas appelé ton ami le. C'est Bill, bonjour. Bonjour Romano, le. Ouais, mais là, commandant Baby, il s'occupe des bateaux, il s'occupe pas des voitures. Eh oui, eh oui. Ah, c'est vrai, ouais. Bon, alors Julien, on va pas te laisser attendre plus longtemps parce que toi tu galères. Ouais. Il pleut pas à Toulouse ce soir. Si, il pleut, c'est en plus la pointe, il pleut, mais grave. Putain, ouais. Grave. Donc, ce que j'ai compris, quoi. Si t'as la tête dans le moteur, si t'as le capot relevé, c'est que t'es en panne. Oui, c'est ça. Voilà, mais en plus, c'est tout bête. Franchement, je me sens tout con, c'est un panne d'essence. Oh, putain. Le GPS, il s'est foutu de ma gueule, il m'a rajouté 5 km. Eh oui, donc t'as pas pu, la voiture s'est arrêtée. Une voiture qui tombe en panne d'essence, elle hoquette au début, elle fait. Ouais, voilà, et beaucoup de gens. Ah, mais c'est quoi, c'est. Il s'est arrêté, tu vois, il m'a dit, il faut repomper, je sais pas quoi. J'arrive. C'est quoi, c'est le diesel? Il veut pomper, tu vois, le bordel. Il m'a dit, faut pomper. C'est une diesel, ta bagnole? Ouais, c'est une diesel. Ah ouais, il m'a dit, faut pomper, je sais pas quoi. C'est ce qu'on m'a dit, moi, a priori, quand tu tombes en panne avec une bagnole diesel, il y a un truc à réactiver, sinon elle redémarre pas, quoi, c'est un bordel. J'ai rien compris, en plus, il pleuvait, tu vois, il a pas. Ouais, non, mais. Mais Cédric, il est pas là, lui, il s'y connaît en truc de comme ça. Un accident, ah non, pardon. Oh, accident. Et c'est une pompe d'amorçage. Une pompe d'amorçage. Il va falloir réamorcer la pompe à gasoil, nous dit Diablo. Ah, elle est où, c'est pas voilà, un petit bouton. Ce qu'il m'a dit, réamorcer, mais je sais même pas où ça se trouve. Et mais avant ça, faudrait que je mette le temps. C'est un petit bouton rond. Ouais. En fait, il y a un caoutchouc par-dessus. Ouais, mais sous le capot, il y a des tas de trucs, Cédric. Il est où le bouton? En fait, je crois qu'il est vers la batterie. Souvent, il est vers la batterie. Ah. Ouais, mais après ça, avec Internet, tu pourrais trouver. Mais juste la galère que j'ai là, c'est s'il y a pas quelqu'un de Toulouse à côté, ouais, qui peut venir sur la bretelle de Turpan, sur le périph. Alors, tu as un jean diesel et tu as des bretelles, d'après ce que tu nous as dit. Si j'ai bien compris tout ce qui s'est passé. Histoire de bien te localiser, voilà. Non, t'es fou, je suis en claquette, en short. Sous bon, la pluie, quoi. Donc, t'as besoin de diesel. Ah ouais. Voilà, c'est sur le filtre à gasoil, la petite truc, on nous dit. C'est pas un bouton, c'est un soufflet, nous dit Greg. Non, mais déjà, pour réamorcer, il faut que t'aies du carburant, déjà. Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà. C'est la première étape. Donc, si quelqu'un veut venir. Alors, localisation. Voilà, localisation. Je suis sur le périph. Périph de Toulouse. Intérieur de Toulouse. Périph intérieur. Et à la sortie Purpan. Dès que tu sors à Purpan, je suis là, tu me verras. Purpan. Purpan. Oh, c'est moi. Purpan, c'est l'hôpital. Donc à côté de l'hôpital de Toulouse, périph' intérieur, voilà. Sur la bretelle. Si vous pouvez lui filer un coup de main, je dis ça à tous les Toulousains. Ah bah, on est sauvés, Marie Vaussey. C'est bien, c'est bon, Marie, on va dire. Là, franchement, t'es bien avancé, Marie, t'as sauvé ta soirée. Ah, c'est cool, Marie, mais, ouais, merci. C'est quoi comme véhicule, au moins moralement, ça va. Ouais, voilà, beaucoup. Jean Vaussey, c'est à l'hôpital à Toulouse. C'est quoi ta caisse? C'est une Clio 2 bleue. Clio 2. Je pense qu'il y en a qu'une qui est arrêtée sur le bas-côté. Mais il y a pas. Ouais, ouais. Et t'as pas de pompe à proximité? Tu l'as? Non, franchement, je vois rien. J'ai marché quoi? J'ai fait 500 mètres, mais sous la pluie, je suis vite revenu. J'adore pomper. Ouais, et puis j'ai marché en claquette sous la pluie. Mais déjà, t'es sur le périph', c'est ça? Non, sur le périph', je suis sorti dès qu'elle a brouté, tu vois, j'étais à la sortie, je suis à la sortie. Dès que tu sors à Purpan, à l'hôpital, je suis là, moi. Ah, ok, d'accord, ouais, parce que j'allais dire sors la voiture, ouais. Bon, allez-y vite. Ouais, ouais. Donc, si vous êtes dans le coin, vous y allez, périphérique intérieur, la sortie, vous avez entendu, la Clio, avec elle est en diesel, panne. Hein. Bah, si vous n'êtes pas dans le coin, souhaitez du bon courage. Non, mais par contre, il y en a qui sont pas dans le coin. Non, et pour pas galérer, s'il y a quelqu'un, il faudrait qu'il prenne un bidon. Moi, j'ai les sous, là, tu vois. Juste un bidon qui vienne avec, et puis c'est bon. Tu sais que Romano serait prêt à te vendre un litre de gasoil à 15 euros. S'il était à Toulouse, tellement qu'il est généreux. Aller au Qatar encore. Oui. Je mangerai mieux là-bas. Ça coûtera moins cher. Ouais, c'est clair. Voilà. Tiens, il y a des mécanos qui nous laissent des messages. Et si vous pouvez lui donner des conseils, c'est bien. Hein, si vous êtes pas à Toulouse, c'est la Farine de Blé qui vient de nous laisser un message. Salut Farine de Blé, 18 ans. Il y a Maxime qui bosse à Noroto. On te salue, Maxime. Donc, donnez-lui des conseils et dites-nous. Et puis surtout, si vous êtes dans le coin, allez lui filer un coup de main. Et attention. Julien. Très bonne information, ouais. Périscope, 14 ans. Ouais. Il y a quelques années, vers l'hôpital, il y avait une pompe à essence à la sortie vers le boulevard des USA. Ah. Tu vois où c'est ou pas? Mais ça fait 2 ans qu'il n'y avait plus, celle-là. Ah, voilà. Et sinon, à Purpan, me dit Elsa, il y a un carrefour à 1 km et a priori, il y a une pompe. Voilà. Au pire des cas, je vais faire ça. Ouais, après, il faut trouver un bidon, quoi. Ouais. Ouais, je vais. Non, mais en vendant la pompe direct. Ouais, mais à Carrefour, je pense que c'est automatique. Il y a rien du tout. C'est automatique. Ouais, c'est vrai. Je vais voir, mais s'il faut, je vais marcher. Je te dis, la poisse, en plus, j'ai changé de téléphone cet après-midi. J'ai pas transféré les contacts, j'ai aucun numéro. Moi, ça m'était arrivé une fois, c'est à Paris. Heureusement que t'as le nôtre. Bah, j'avais fait les poubelles. Ouais. Comment t'avais fait les poubelles? Non, mais en fait, parce que j'avais pas assez d'argent sur moi pour acheter un bidon. Et le mec, tu sais, je lui dis, je vais rembourser, je laisse ma carte d'identité. Le mec, il dit non, l'enfoiré. Ah, le mec, il bat les couilles. Le mec, il m'a dit, non, faut payer maintenant, machin. Donc, j'ai fait les poubelles dans le quartier. Oh, putain, t'as pris des bouteilles d'eau? Non, mais j'ai pris des bouteilles d'eau et j'en ai rempli 3 ou 4. Et comme un connard, je suis parti avec mes 3 ou 4 bouteilles de carburant pour mettre dans la bagnole. Non, mais le mec, il a pas voulu, il a rien. Non, mais t'as de la chance, là, que t'as pris des bouteilles et que le mec, il ait voulu. Parce que maintenant, tu vas dans une pompe à essence avec des bouteilles, le mec, il veut pas. Il dit, t'achètes un bidon. J'en ai rien à foutre. Ouais, mais bon, je t'ai dit, le mec, je voulais m'arranger, je lui laissais ma carte d'identité. Le mec, un gros con, il a rien voulu savoir. Il m'a dit, tu payes, si tu veux un truc, tu payes le bidon. Et là, Romano a fait un malaise. Là, j'étais faire les poubelles. Il a fait les malaises d'abord. J'ai pas eu le choix. Hein. Poubelle après. Bon, Sky Solidarité, dernier problème qu'on a eu dans l'émission pour un problème de transport. C'était Isaac. Ouais, c'était Isaac à Mulhouse et quelqu'un est venu le chercher. Ouais, il était dans le tram bloqué, il y a un mec qui est venu le chercher, ouais. Eh bien, les Toulousains, essayez d'être plus forts que les gars de Mulhouse. Ouais, ce serait cool. On compte sur vous, Julien, donc sur la bretelle, sur le périph intérieur, vous avez pigé la sortie de l'hôpital, vous allez le voir, vous lui filez un petit coup de main, c'est sympa, c'est la... si vous étiez dans la merde, j'aimerais bien qu'on vous file un coup de main, et bien profitez-en, vous pouvez faire une BA, une bonne action, et je vous donnerai un bon point, je dirais. Voilà, et moi attention, aussi, je vous donnerai un bon point. Et bonne nouvelle, le carrefour avec la pompe à essence vient de se rapprocher, il n'est plus qu'à 800 mètres selon BRT Celia. Ah bah, si j'attends 10 minutes, il va se rapprocher encore un peu. J'attends le prochain message qui annoncera. On va être à côté de toi. Il avance vite, c'est pas mal. Je vais attendre en vous écoutant, ça sera mieux. Il est sympa le carrefour. Il est en train d'arriver là. Bon, on compte sur toi. Et vous avez des conseils de mécano, faites-nous signe aussi. À tout de suite, beaucoup, Julien. L'équipe. De rien, de rien. Merci. De rien. Tu me diras merci si ça fonctionne, en tout cas. Salut à toi. Salut. Ciao. Il y a Gogomad qui dit bouge pas, j'arrive. C'est gentil, Gogomad. Tiens, t'inquiète pas, on arrive vers toi, nous dit Max. Salut, Max. C'est gentil, merci à vous. Bon, les Toulousains, on compte sur vous. La Sky Solidarité Toulousaine sur Skyrock. Et puis, vous en direct aussi, dès que vous avez un truc à nous dire, faites comme Julien, vous nous appelez. C'est open, c'est ouvert, c'est jusqu'à minuit. Et dans un instant, place au love. Place à l'amour. Au sexe même. Au sexe aussi. Moi, je compte sexer avec les familles. Sexe aussi. Et place à Cédric et Romano. C'est l'heure du clash de la drague. C'est l'heure du pinage. Alors. Je m'occupe de ton anus, ouais, c'est ça. Alors, Cédric, quelle est ta méthode de clash de ce soir? Tu gardes vraiment la même méthode que Romano l'a dit? J'ai fait une cascade en moto. Ouais. J'ai mal au dos, j'ai mal partout, je peux pas rien faire et. J'ai une érection non-stop et j'arrive pas à débander, faudrait que la femme vienne me soulager. Mais tu passes la journée à te branler, non? Non. L'autre, il se branle. L'autre, il passe sa journée sur, sur YouPorn. Oh, quoi? Non, non, non, même pas. J'ai Marie qui fait des FaceTime avec moi la nuit. Ah, Marie qui fait des FaceTime avec toi la nuit. Tu le chauffes, Marie? Non, non, on a passé deux heures au téléphone. Vous allez me toucher. Elle était dans son canapé en train de se toucher. Non, mais tu sais, je le suspecte parce qu'il fait la même chose avec Cariole, mais pas la nuit. Parce que là, j'apparaîtrais à l'écran. C'est la journée, ce connard, mais je suis sûr. Des fois, je le soupçonne de se branler parce qu'une fois, franchement, je le regardais, le mec. Et même Cariole, elle a trouvé que tu faisais une gueule chelou par moment. Oh, j'ai mal, t'es gentil toi. J'ai mal. Tu sais, puis bizarrement ici. Il se fout de ma gueule. Est-ce que toi, Marie, fait pareil? Il se fume qu'en gros plan, tu vois? Ah oui, c'est en gros plan. Ouais, hein. Bah je pense qu'il se branle, moi. Connard, faut que je pose le téléphone, sinon je peux pas. Tiens, je peux pas, sinon. Petite question que je vais vous poser. Vous l'avez déjà fait, ça? Vous avez une copine au téléphone, je dis ça pour les gars, hein. Vous avez une copine au téléphone, discutez avec elle, et puis en même temps, bon, comme elle vous excite un peu, vous vous branlez, mais sans rien lui dire. Ah, comme Cédric. Ah, putain, attends, mais. Moi je l'ai fait avec Cariole au tout début. Mais là, elle ne le savait pas. Mais ouais, tu nous l'avais raconté ça. Et tu te ouais, mais avec une meuf que tu l'as serré, mais pas une pote comme ça. Non, mais oui, oui, quoi. Ouais, c'était parlé au téléphone et franchement, je m'étais branlé, quoi. Et faites gaffe, les filles, si vous faites des FaceTime, des trucs comme ça. J'essayais d'avoir la voix, tu sais, pas tremblotante ni rien, quoi. Ouais, ça va. Et tu soufflais pas. Oh, oui, ça va. Tu sais, genre, quand je soufflais trop, j'écartais un peu le téléphone, quoi. Oh, oui, on a fait une super émission aujourd'hui. Oh, oui. C'était trop bon. C'était trop bon. Tu t'es fait griller de ouf, nous dit Florian. Il est peut-être en train de se branler en vous parlant, le salaud. Non. Non, mais si, mais cette nuit, j'étais en FaceTime avec Marie, puis tout d'un coup, Difoul, il m'a appelé. Voilà, puis j'ai juté à ce moment-là. Oh non, j'appelle plus jamais, là. C'est redescendu direct, je te jure, c'est vrai. Eh bien, écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Ah bah ouais, tu vois. Donc, ta méthode du clash, Cédric? Bah, c'est, je suis au lit, j'ai fait une cascade, je peux plus bouger, j'arrête pas de bander. D'accord, ouais. Ça marche, accepté, ouais, Romano. Original quand même, mais bon. Ta méthode du clash. Bon, moi, je suis enrhumé. Et le médecin m'a prescrit des suppositoires, j'arrive pas à me les enfoncer dans le cul, il faudrait m'aider. Mais oui, il faut t'aider, oui. Et peut-être les pousser avec la bite ou et pour remercier, je peux les baiser. Bien sûr. Bah évidemment, c'est quelle bonne méthode de drague et en plus je la trouve romantique celle-ci. Moi je dirais même plus classe. Ouais. C'est classe. Bon, allez, la méthode de Cédric, on l'a, la méthode de Romano aussi dans un instant, on attaque le clash. Tiens, deux trois messages quand même par rapport à ce qu'on disait il y a un instant. Ah, t'as mal à la clavicule, bientôt t'auras mal au cul, Cédric, je te l'annonce. Non, tu pourrais faire un poème, t'as mal à la clavicule, bientôt je t'encule. Ouais, aussi, ouais. C'est joli, non? Mais ce que je compte faire. Bon, des messages par rapport à ce qu'on disait, que le fait que tu te branles sur Marie quand elle t'appelle et sur Cariole quand elle t'appelle aussi. C'est sympa, c'est insurant. T'es pas le seul, il y a toi, t'es bonne, 15 ans du 49 qui nous dit, moi je me branle sur Marie et j'ai pas honte. Ben, ça c'est bien. Ah, bah super, merci. Je suis ouais. Content de le. Tu veux que je parle un peu plus? Mais bien sûr, vas-y, Marie, fais plaisir à toi, t'es bonne. À toi, t'es bonne. Il y a NDSS du 77 qui a 25 ans qui dit, moi je l'ai déjà fait. Ah, tu t'es déjà branlé avec une meuf au bout du fil. La meuf a entendu que je gigotais ma queue. J'ai été cramé direct. Ah, putain, la honte. Zedonx, 21 ans, je me suis déjà branlé sur la voix de ma meuf sans qu'elle le sache. Ah, tu te branlais comme un salaud. Hein. Moi, je peux pas me paluche au téléphone. Ah, c'est Hamza qui nous dit ça. Hamza est. Un blocage. Un petit blocage de téléphone. Ben, moi, je suis un peu comme toi, Hamza, me branler au téléphone. Bah, sans tout, sans qu'elle le sache, quoi. Alors, moi, je me suis déjà branlé devant une nana au téléphone, mais je montre tout. Ah, toi, t'as tout montré, tiens. Le retour de Periscope sur le 41-759. Mais moi, ça m'est déjà arrivé aussi de me branler et tu m'appelles, Difool. Et alors? Bah, j'essayais de. Tu sais, quand je te parle au téléphone, j'essayais de tenir ma. Tu sais, que ce soit. Non, je me branlais pas. Mais tu sais, je la gigotais un petit peu pour qu'elle reste dure, quoi. Tu maintenais ta gaule. Ouais, tu vois. T'es content de le savoir. Mais genre, c'est Difool, il t'excitait. Non, en fait, je me branlais, par exemple, je me branle et Difool, il m'appelle. Je décroche, je lui parle et tu sais, je gigote ma bite pour qu'elle reste dure, quoi. Tu sais que tu me dégoûtes. Mais bah, j'ai plus du tout envie de t'appeler. Mais dans ces cas-là, réponds pas. Mais même, t'as l'autre, je lui parle, il est en train de se branler la queue. Décroche pas, ouais, sale poire. On sait jamais si c'est urgent, gros. Il va plus t'appeler, quoi. Ah ouais. Non, mais finis-toi avant. Hein? Moi, j'ai déjà pas décroché au téléphone pour finir. Hein. Bah oui. Ah bah attends, c'est sacré la branlette. Ah, les mecs et la branlette. Le téléphone sonnait, je me branlais, quoi. Bah ouais, mais même quand tu fais l'amour, tu t'arrêtes pas pour décrocher le téléphone. Ah bah non. Ah si, ça m'est déjà arrivé, ça aussi. Ah oui, allô? Ouais, tu cannes en même temps. Bon. Ah, c'est sympa. Bah écoutez, merci pour la réaction. Il commandait une pizza. Il y a 4 fromages là. Ouais, c'est ça. Allez, clash de la drague à suivre et d'autres matchs à suivre aussi. Monaco qui gagne 2 à 1 face à Tottenham, 48e minute de jeu. Et Lyon qui gagne 1-0 face au Dynamo Zagreb. Et bien, c'est reparti. On vous tient au courant de tout ce qui se passe. C'est la Champions League sur Skyrock. Oui. Et puis, c'est le clash de la drague des champions dans un instant aussi. Planet. Ladies and gentlemen.

mentir. J'ai mon survêt du Dortmund, j'ai fait le pain, j'ai pas mis du Gucci. J'ai mon survêt du Dortmund, j'ai fait le pain, j'ai pas mis du Gucci. Fais pas l'étonner, oh, la maman maille, ouais, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît. Je m'étais branlé. Diffoul. Tu veux qu'on fasse des films de cul, Marie? Cédric. Ah, aussi, ouais. Mais c'est marqué sur les pommades. Hein. Des effets secondaires. Sur les pommades. Oui, des pommades. D'accord, pommades. Sur les pommades, pas de problème. Marie. Ouais, ouais, bah, il y a plein de vin là-bas surtout. Samy. Mais elle pisse ou elle chie. Et Karim. Il m'a montré une photo de toi, elle est claquée. Et ce con, il me dit, ouais, elle est bien. Diffoul Radio Libre. Sur Skyrock. Mais non, elle était très beau gosse sur la photo, Romano. Ah bah j'imagine. Magnifique, magnifique. Très photogénique. Ah bah très photogénique, ah bah ça. C'est ça, ouais. Bon, on y va pour le clash parce que Cédric est chez lui et il est dans un piteux état, le pauvre. Il est ravagé, le mec. Il a un problème de clavicule. T'es avec nous, Cédric? Ouais, ouais, ouais, toujours. Et but de Lyon, un troisième but. Et en Lyon qui a marqué un deuxième but pendant le son, c'est et ça. Et à l'instant, un troisième but. Et un troisième maintenant. Lyon 3-0. Ouais. Wow, contre Zagreb. La graine, Paris. Ah bah ouais. Attention, et puis Monaco qui gagne à l'extérieur. Regardez Monaco. But de Lemar et de Bernardo Silva, 56e minute de jeu. Et 2-1 pour Monaco. Mais quelle mémoire tu as, Diffoul? Bah, c'est premier sur le foot, Romano. Hein. On a une réputation ouais. à Skyrock. Ouais, ouais, bah, est-ce bien. Que tu as vu que le Real Madrid perd à domicile? Ah ouais, j'ai vu contre ça. Contre le Sporting. 1-0, non? 1-0, c'est ça. Ouais. T'as le Real, mais qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'ils vont remonter. Ils sont fait un peu secoués. Ils ont dû jouer un peu tranquille le début match. Bon, bah écoutez, on suit ça en direct. On vous donnera tous les résultats de tous les matchs de la Champions League. Parce que sur Skyrock, c'est la Champions League. Bon, on prendra une nouvelle de Julien qui est en panne sur le périph à Toulouse, la sortie de l'hôpital. Et il voulait la Sky Solidarité. J'espère qu'il va trouver quelqu'un. J'espère que vous allez l'aider. Merci. Ça s'appelle Perpan. Perpan. Comment? C'est pas tout en même temps. Je n'entends pas. Comment ça s'appelle? Perpan. Non, Purpan. Purpan, pardon. Mais oui, Romano, c'est Purpan. C'est la sortie Purpan. Ok. Donc on s'occupe de Jules. Oui, de Julien, ouais. Et puis, tiens, on écoutera Maître Gims et Jules tout à l'heure. Petite parenthèse comme ça. Et on aura des nouvelles de Théo aussi qu'on a eu hier dans l'émission. Théo qui nous a appelé, qui nous a demandé des conseils pour convaincre sa mère. Mère était terrorisée. Oui. Oui, sa mère était terrorisée à le voir prendre une heure les transports le soir, la nuit. Ouais, c'est ça, ouais. Pour aller jouer au handball. Elle avait peur qu'il se fasse raqueter. Exactement. C'est ça. Est-ce qu'on a eu des bonnes idées tous ensemble? Est-ce qu'on a été convaincant? Est-ce qu'il a réussi à convaincre sa mère? Des nouvelles de Théo dans un instant, mais d'abord, eh bien oui, on y va pour le clash comme promis. C'est parti. Attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Et on parle de Cédric et Romano ce soir. Oui. Moi, je suis là, opérationnel. Bah, moi aussi, hein. Quoi, moi, je suis là plus que toi. Moi, je suis dans le studio. Malgré la clavicule cassée, je suis là pour vous tous et vous toutes, ma team. Voilà. Qu'il est sexy. Et d'ailleurs, je remercie ceux de la team Romano qui m'envoient des messages de soutien. Ça fait plaisir. Ouais, mais ce soir, il n'y a plus de soutien, là. Pourquoi? Bah, si, attends, ils me soutiennent jusqu'à présent. J'en reçois des messages. Oui, oui, non, mais bon, t'es normal, t'es malade. On n'est pas des monstres dans la team Romano. Merci de me soutenir ce soir. Team Romano, nous avons du cœur. Et oui, ah, j'espère que vous allez voter pour moi avec votre cœur ce soir. Le cœur ce soir sera team Romano. On va voir qui va gagner. Qui sera le meilleur. Cédric, parle bien dans ton téléphone pour qu'on t'entende bien. Tu m'entends là? Oui, ouais, t'entends bien. Ignoble. C'est surtout pour que les familles t'entendent bien, Cédric. Donc c'est parti, on fait donc la méthode de la clavicule cassée. Ouais. Et on appelle une famille au hasard. Chez Daniel lumière. Pour toi, Cédric. Donc Daniel. Le clash avec le coup de fil de Cédric. Chez Daniel, bonne chance, Cédric. Merci, merci. Vas-y, boudin, de rien. Ta gueule, toi. Et gentil, Romano, même lui t'encourage. Fais plaisir. Allez, vas-y, Daniel. Déjà, quand t'es en pleine forme, c'est pas bien brillant, alors là, malade. Mmh. Daniel, je suis mourant, il faut décrocher. Je suis mourant. Daniel, il en a rien à battre, t'as vu. Daniel, il s'en fout. Rien à voir. Je suis en sueur, c'est abusé. Ah, mais c'est peut-être ça, alors. Tu dégoûtes un peu. Gros. Heureusement qu'on n'a pas inventé les téléphones et la radio olfactive. Vous imaginez? Ah, mais je transpire. On aurait... Bienvenue sur la boîte vocale du 09. Ça commence bien. Oh, désolé pour Daniel. Ça commence. Le cirque. Alors, après Daniel, on va tenter Patrick. Allez, vas-y. En plus, absolument, ouais. Un des prénoms stars de l'émission, absolument, oui. Patrick. Allô. Allô, Patrick. Allô. Allô, oui. Ouais, tu m'entends, Patrick? Non, c'est pas Patrick, là, c'est Jean-Michel. Ah, Jean-Michel, excuse-moi, je suis un petit peu fatigué. C'est pour ça que je me suis trompé de prénom. Comment ça va? Ça va. Bah, écoute, moi, je t'explique, j'ai fait une cascade, là, hier, en moto. Et du coup, je me suis éclaté le dos, là. J'ai super mal, je peux pas trop bouger. Et j'ai une petite galère, c'est que j'arrête pas de bander et j'arrive pas à débander. Je voulais savoir si tu pouvais pas me rendre un petit service. À quoi? Tu pouvais pas me rendre un petit service. Genre, tu m'envoies ta femme à la maison, elle me fait une petite fellation, et puis, bah, comme ça, au moins, ça redescend après, quoi. C'est ça, mon con. Elle peut venir tout de suite? Oui, bah, viens plutôt à la maison, je t'attends. Bah, moi, je peux pas trop me déplacer, là. Ouais, j'ai un peu mal. C'est ça. J'ai un peu mal au dos, puis à la limite, elle peut rester la nuit, si elle veut. Oui, bien sûr, ma grande. Oh. Ah, bah, écoute, y a pas de souci. Tu veux venir avec elle? Oui, ben je t'enculerai en même temps. Je t'enculerai. Ah bah ça tombe bien, j'avais l'anus bouché aussi. Eh ben c'est ça. Ouais, salut. Ça fait 3 jours, j'arrive pas à chier. Voilà. Pas mal. Pas mal. Ça va, tu te fais enculer. Voilà le résultat, le mec s'est bien foutu de ta gueule. Hein? Je me fais enculer et sucer. Ouais, ça je vais t'enculer, ouais, ça je te confirme. Ah, je vais t'enculer, ouais. Non, tu vas pas m'enculer, c'est Patrick là qui va m'enculer. Faut que je t'encule. Pas mal, c'était Jean-Michel, Cédric. Ah, c'est Jean-Michel, oui, mais au début, il s'appelait Patrick, non? Oui. Si, au début, ouais, mais après, ça a changé. On est tombé sur un Jean-Michel. C'est ça. C'est pas Jean-Mich. Mal. Bon, allez, vas-y, remballe. À toi, Romano. Même en me changeant les prénoms, j'arrive à serrer. Ouais, mais t'es trop fort. Et en souffrant. Toi, c'est Michel. Michel. Michel pour Romano. C'est Michel. Ouais, il va s'appeler François. Au revoir, ouais. Allez, vas-y, Romano, donne tout. Donne tout. Ben, je donne tout, là. J'attends tout. C'est pas souvent qu'il donne tout, donc profitez-en quand même. Hein. Alors, Michel, je crois qu'on va passer à un autre, hein, parce que Michel est en train de nous claquer entre les pattes. Y'a qui? Et Michel, pour l'instant, Romano, mais je crois que t'as raison. Michel nous fait faux bon. Je t'en ring. Non, j'ai fait juste le bruit du bon, je t'en ring. Bonjour. Voilà. Putain, lui, il a combien de sonneries avant de tomber sur le répondeur? Ah ouais, putain, c'est une galère. T'imagines? Bon, allez, un autre. Qui c'est qu'on appelle? Christian. C'est Christian. Allez, c'est parti pour Christian. Allô? Oui, bonsoir, c'est la femme à Christian? Oui. Oui, est-ce que Cricri est dans le coin? Oui. Ah, je pourrais lui parler? Oui, je vous le passe. Ah, bah, c'est bien gentil. Très belle voix sensuelle. Hein. On parlait de ceux qui se branlaient au téléphone. Moi, là, j'étais limite. Hein. Voilà, allez-y. Allô, bonjour. Ouais, comment tu vas, mon Christian? Ben, ça va. Ben, ça a l'air, dis donc. Ben oui. Qu'est-ce que c'est quand ça va pas? Bon, alors, quoi de neuf? Non, qui es-tu au bout? Comment? Ah, c'est Jean-Louis à l'appareil. Christian, il faudrait articuler un peu plus, que ça va être difficile de communiquer, sinon. Jean-Louis, qui? Jean-Louis David, le coiffeur. D'y voir, j'ai un petit souci, là. J'ai un rhume, mais carabiné. Et j'ai des suppôts à me mettre, j'arrive pas à me les enfiler. Est-ce que vous ne voudrez pas me les mettre avec ta femme? C'est une connerie. Ah non, c'est pas une connerie. Je vais arriver chez vous dans 5 minutes, là. Ça m'étonnerait, ça. Ah si, je me mets à 4 pattes. Tu m'enfiles le suppôt et tu l'enfonces avec ta bite. Je te connais pas, t'es un con, tiens. Ouais, non, mais... Et après, je ferai l'amour à ta femme. Eh non. En cadeau. Eh non, il est parti. Ah, oh, bizarre. Mais... Non, il est parti. En tout cas, la méthode l'a beaucoup fait rire. C'est vrai qu'elle est marrante, cette méthode de mettre un suppositoire avec la bite. Bah ouais, de le pousser, quoi. Ben oui, c'est vrai que c'est Marie, pas mal. On te l'a jamais fait, ça. Non, jamais. Bah, à tester. Super. Le week-end qui arrive. Ça fait longtemps que j'avais pas foutu de suppos. Bah, s'il y en a un qui veut tester avec Marie, non, mais aucun problème. Merci. Vous envoyez des messages. Je ne suis pas malade. Au 41759 avec l'appli Skyrock. Allez-y. Vous pouvez envoyer un petit message. Bah, je t'ai percalé, hein. Ah, bah. Ouais, en même temps, t'as vu l'état du type? Ouais, bon. Il était gentil. C'est pas un problème. Ouais, non, mais bon. C'est bien trouvé, quoi. Ouais, ah, bah, ça, oui. J'ai tiré le pompon. Ah, Cédric. Je suis enculé, moi. Deuxième tour pour toi, Cédric. Allez, vas-y, on appelle chez qui? Hervé. Hervé pour toi. Hervé, je te fais un double serrage, on baise Romano ce soir. Même convalescent, je vais lui faire mal aux fesses, tiens. Ça répond. Allô? Allô, Hervé? Oui? Comment ça va, ma poule? Ça va? Ouais, bah, ça va nickel. Ouais. Dis-moi, je t'appelle parce que moi, j'ai une petite galère, là. J'ai fait une cascade en moto, là, il y a 2 jours. Du coup, j'ai super mal dans le dos et j'arrive plus à bouger. Et j'ai une érection non-stop, là. Le médecin, il m'a dit qu'il fallait que quelqu'un me branle. Et j'ai personne à la maison pour faire ça, donc je pensais à ta femme. Elle pourrait bien me dépanner ce soir. C'est quoi ces conneries là? Bah, je t'ai dit, j'ai la bite toute dure et faudrait qu'elle me suce ou qu'elle me branle pour que ça descende, quoi. Si elle est pas dispo, tu peux venir, Hervé, hein, c'est pareil, hein. Viens, tu fous une perruque, ça part ça nickel, hein. Ça m'a l'air bien parti. Gueule. Allô, Hervé? Là, t'avais raison, Romano, bah c'était bien parti. Ah, mais l'autre, tu parles sur mon appel. Bon, allez, ta gueule. Ta gueule, connard, sinon, je vais te péter ta deuxième clavicule. Ouais, c'est ça. On en a qu'une, Romano, des clavicules. Ah, on en a qu'une. Bah oui, tu peux pas lui péter une deuxième clavicule. Bah, je vais péter. Et c'est pas deux, en deux, mais deux. Hein? On en a deux, bah oui. Mais non, on a qu'une. Je crois qu'on en a deux, j'y fous. Ah non, mais il y en a à gauche et à droite. Clavicule droite et clavicule gauche. C'est la même. Non, c'est pas la même. Non, il y a un trou, mais c'est relié au sternum. Bon, c'est pas grave. Bon, allez, vas-y, remballe. Allez, je m'en fous. Moi, j'ai un serrage, je vais rien serrer. Va te soigner, tu vaux rien. Deuxième tour. Et si, je vois une sodomie. Eh, c'est bizarre, t'as l'air moins malade d'un coup, là. Ah, si, si, bah. Comédien, va. Ouais, ouais, je fais, ça fait du cinéma, c'est sûr. C'est le mec, en fait, il nous prend pour des cons, ça fait une semaine qu'il est en vacances, je sais pas où, aux Bahamas. Ouais, je suis à Marseille, là. Ouais, la famille. Ouais. Je vais venir tout bronzer, vous allez voir. Alors, pour Romano, c'est qui? Allô? Allô? Pascal. Pascal? Oui. Alors, comment tu vas? Ça va, ta femme? Pareil, elle va bien? Ouais, et toi? Bah écoute, nickel. Quoi, nickel? Moyen, j'ai un rhume carabiné. Ouais, bah moi avec. Eh ben voilà. Ouais. Eh ben j'ai des suppôts à me mettre, j'arrive pas à les enfoncer. Tu voudrais pas me les coller avec ta bite? Eh ben, si tu veux. Bah je peux venir dans 5 minutes? Bah ouais. Ouais, tu m'enfiles bien comme il faut, quoi. Et après, moi, j'enfilerai ta femme, quand même. Pour ouais, vous, bah oui. Pour vous remercier, c'est la moindre des choses. C'est gentil. Ouais. Parce que j'ai beaucoup de savoir-vivre. Ouais, ben moi avec, hein. Ah, bah voilà, bah tu me la suceras, tiens, en cadeau. Ouais, d'accord. Voilà. Et moi, je te la sucerai une fois qu'elle sortira de mon anus. Oh non. Ouais, ça pue la merde un peu. T'as raison. Ah ouais, bah ça, sans doute. Bon, bah je suis là dans 5 minutes, mon chéri d'amour. Ok. À tout de suite, mon Pascal. Ouais. Bisous, ma poule. Eh bien, bravo, Manon. Et bravo. Ça, c'est du serrage. Bon, non mais vous avez été bien, Cédric, malgré ta maladie, t'as été bien, Romano super aussi. Je suis malade, j'ai mal. Écoutez-le. Il est dégoûté parce que Romano il a serré, ça te dégoûte, c'est ça. Non mais j'ai serré au premier tour, moi j'ai une sodomie assurée. Il y a Brice Sella, tiens, beau message, tiens, on va les mater parce qu'il y en a plein. Brice Sella qui dit c'est tellement naturel avec Romano, ça passe tout seul. Le suppôt est passé tout seul. Ah ouais, vu, hein. Ah, trop fort Pascal pour la petite PTDR. Big up magique le serrage. Je ne parle pas de la méthode superbe. Team Romano. Non, nous dit Jules. Ouais. Salut à toi, Jules. Cédric, j'étais pour toi, mais là, Romano a tout déchiré. C'est le message de Lagdar. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le poteau qui nous dit mort de rire, Cédric. Ah, toi, lui, tout est moi, la famille, merci. Alors, top vote, allez-y, il est quoi? 22h11. Vous avez jusqu'à 22h16, 5 minutes pour voter en direct. Franchement, votez pour moi, je suis en sueur, j'en peux plus, j'ai mal. Ah ouais, ça donne pas envie de voter pour toi, ça donne envie de voter. Maria m'a vu cette nuit, elle a vu ma tête, elle a eu peur. Ah ouais, bah ça, mais ça, c'est normal, mais c'est tous les jours, ça. Donc, c'était la petite déclaration de Cédric Romano. Bon, ce soir, mes amours, magnifique serrage. Moi, il n'y a pas de comédie parce que Cédric nous prend pour des abrutis. C'est genre, le coup, là, le mec est super vif d'un coup. Moi, je suis sûr que c'est un peu un comédien. Eh bien, votez Romano, magnifique serrage. Pascal m'attend, il m'enfonce le suppôt, il me suce, je baisse sa femme, magnifique. C'est magique. Faut voter Romano. Eh bien, allez-y, votez. Votez Romano. En direct et pendant Romano. 5 minutes. Votez Romano. Cédric. Cédric ou Romano. Allez, on y va. Footreur. Votez pour moi, la famille. Hein. Ah ouais, on est ça demain. Va hein, pour toi, on Cédric. Votera demain. Regarde, Footreur, il vote pour toi. Bonjour, Footreur. Merci. Il est super le pseudo, Footreur. Qui nous dit le boîtier en marche. Je sais pas de quoi il parle. Ouais, votez Romano. Il n'y a pas de boîtier chez nous. Lulu l'inconnu. Les boîtiers en marche, là. Il vote pour Romano, Lulu l'inconnu. Cédric, ouais. Royal. Votez Romano. Ça, c'est pour l'Adessi. Ah bah, qui est plus Adessi, il a choisi Cédric. Romano ah, pour Cassius Clay. Je vote Cédric le gluant pour Simon, 19 ans. Le gluant, pas le gluant. Le gluant, il a dit lui. Joachim, Cédric qui fait de la peine, mais vive Romano. Ah, il vote quand même pour Romano, c'est bien. Enfin, c'est bien d'avoir votre avis en tout cas. Je vote R.O.M.A.N.O. Cédric, tu pue la merde pour Heisenberg. Ça vote. Et bien, dans un instant, vous aurez les résultats du clash. Ça vote grave. Allez-y, hein. 41-759. Votez Romano. Et l'appli, il y a Babtou qui nous dit Romano, facile ce soir. Romano est énorme pour Kaka du 93. Oh non, je suis tout petit. C'est Nicolas qui vote pour Cédric. Merci Nico. Merci Babous Poto. Vote pour Cédric. Je vote blanc égalité. Ah, tu as fait vous avez fait rêver tous les deux le surfeur 15 ans. Il rêve. Ah bah c'est sympa le surfeur. Mais il vote pour les deux. Ça fait. Mais il faut quand même que je le baisse, voter Romano. Allez-y. Ah, vote Cédric, c'est mieux. A tout de suite Cédric pour les résultats du clash de la drague. On vous les donne dès que vous avez fini de voter. Il reste 3 minutes hein, maintenant pour voter. Hein. Yes. Allez, allez. Ça passe vite, ça passe vite. Allez-y. On va prendre des nouvelles des auditeurs et des auditrices de Sky qui sont passés dans l'émission. On aime bien savoir comment ça se passe après que vous soyez passé dans l'émission. Hier soir, il était avec nous, c'est Théo de Paris, et il voulait aller au Hand, mais sa mère elle flippait parce qu'il y avait une heure de transport. Et ça, ta mère est un peu parano, Théo. En plus, on a raconté que des histoires glauques hier. J'espère que tu lui as pas tout raconté ce qu'on t'a dit hier soir, Théo. Bah, je lui ai tout dit et elle a dit oui après. Elle a dit oui. Eh bien voilà. Oh, cool, des sadiques dans le métro. Ben vas-y, vas-y. Ah ouais, on a parlé de sadique, de punk nazi, de... Ouais, de l'autre avec... Le mec qui jette l'acide, là, ouais. On a aussi parlé de lui, ouais. Le mec qui jette de l'acide. Ah mais bon, il en jette plus, hein, c'est fait arrêter, hein, mais les mecs, ils ont galéré pour le trouver. Mais t'as raconté ça à ta mère? Non, mais pas du tout. Ah ouais, parce que sinon... Elle est en réanimation, quoi. Ouais, c'est clair. Elle va recevoir l'enregistrement de l'émission que je lui ai envoyé à ta mère. Hein. Donc elle a dit oui pour l'instant, c'est pas sûr que... Elle va changer d'avis, quoi. Comment t'as fait pour la convaincre, ta mère? Parce que c'est vrai que, bon, une heure de transport, tu rentres le soir à 21h, c'est tard. Ouais. À Paris, ça peut être dangereux parfois, d'ailleurs. Bah, partout, hein. Oui, on a eu. T'as pas d'autres témoignages? On n'a pas d'autres témoignages pour. Attends, je vais t'en trouver. Très bien. Tu peux nous en envoyer, d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce que t'as utilisé comme argument pour ta mère? Quel argument? Bah, j'ai dit ce que vous m'avez dit, hein. Je lui ai dit que. Je vais pas aller dans les ruelles, hein. Je vais rien prendre sur moi. Et puis, j'ai demandé à des gars là-bas que je connais s'ils pouvaient pas me raccompagner plus loin ou juste. Ça, c'est la super idée que j'ai donnée avec Samy après. Il a donné. Ouais, bien sûr, bah oui. Hier, de c'est prendre ça, quelqu'un ouais. qui t'avance un petit peu dans un quartier tranquille. Ta mère vient de te chercher. Ouais. T'as moins de transport ou alors ta mère vient de prendre, ouais. Ouais, bah, bon, ils peuvent pas m'avancer, mais je peux faire quand même du chemin avec, donc du coup, c'est cool. D'accord. Tiens, en mai 2016, là, il y a eu un pousseur parisien, là. Ah, voilà une petite histoire, une nouvelle histoire glauque. Ouais. En fait, le mec, c'était à la gare du Nord, il a essayé de... Mais c'était un vieux, hein, il avait 54 ans, le mec. Et bon, il était déjà auteur d'un meurtre dans les transports. Bon. Oh, très bien. Bon, d'ailleurs, quelqu'un de sympathique. Et non, mais là, il a essayé de pousser une meuf de 28 ans sur les voies. Heureusement, la meuf, elle a réussi à s'échapper, quoi. Mais et le mec s'est fait interpeller. Très bien, une autre histoire glauque à n'importe quel moment dans la radio libre. Non mais c'était en parlant de ça, gros, c'est arrivé une fois, il y avait un daron, c'était un hindou. Histoire, hein. C'est un hindou, ouais, il y a un mec, un fou, il est venu, il l'a poussé, le daron, il est mort, ouais, au moment où le tramway il arrivait. Et ben il a poussé, le mec il est mort. Merci pour cette belle histoire. Non, il y a pas cette histoire aussi. Ouais. J'enverrai également l'enregistrement de l'émission de ce soir à ta maman. Histoire d'en rajouter un petit peu. Pour la convaincre un petit peu. Oui. Ça peut être pas mal. Merci en tout cas pour cette bonne nouvelle, Théo, parce que on a géré ça hier soir. Aujourd'hui t'as la réponse et en plus ça a marché. C'est bien. Bah ouais. Bon bah écoute. Bah bien joué, gros. Tu commences quand l'entraînement de hand? Bah c'est bon, c'était aujourd'hui. Ah tiens, ah ouais, t'as fait ça. Ça y est. Ah ça y est. Bon, oui, bah j'y suis allé. Ma mère est venue me chercher. Mmh. D'ailleurs, heureusement qu'elle a accepté parce que juste à côté de nous, ma mère, elle fait. T'as vu quand même les jeunes à côté. Et il y avait un groupe de jeunes, c'est vrai un peu. Est-ce que c'était des jeunes? Moi, j'ai rien contre le 12e. Hein. C'est moi je. Ouais, mais c'était peut-être les amis de la punk de Romano, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, les punks nazis. Bien bon. Bon, bah super, Théo. Bah merci de nous donner des nouvelles. Bah juste après la résolution du problème. Cool, ouais. On a été efficace, c'est bien. Si vous avez moins de soucis, vous pouvez nous laisser vos messages, vous pouvez nous appeler au 01 53 40 30 20, n'hésitez pas. Et les messages avec l'appli, avec le 41 759. Ouais. Eh bien, merci Théo. Ouais. Ben de rien. Et représente bien, parce qu'on est, je te rappelle qu'on est tous les deux Gaulle au Hand, hein. T'inquiète pas. Ça roule, Théo. Seul Gaulle dans mon club. Merci Théo. Si vous avez besoin, ouais, si vous avez des petites difficultés cette année, je peux venir vous aider un petit peu. Ouais. D'un et rôle. Moi, je vote Cédric au clash. Ah oui, je t'ai pas demandé pour qui tu votes. Tu votes pour Cédric. T'entends Cédric. Merci ma gueule, ça fait plaisir. Merci ma gueule. Pour toi, dès le premier jour. Waouh. Ah, c'est gentil poteau, merci. Là, t'as du courage, hein. Ah, mais c'est bien. Respect à toi. Bravo Théo. Merci Théo, raccroche pas en tout cas. Ok. Salut à toi. Bon, et puis puisqu'on est sur le service après-vente de l'émission, on aime bien savoir ce qui se passe après que vous soyez passé. On a Chloé au téléphone. Vous vous rappelez de Chloé? Si vous vous rappelez pas, je vais tout vous expliquer. Chloé qui va fêter ses 14 ans, qui voulait organiser une teuf. Et on avait la maman qui était là aussi un petit peu bloquée par rapport à la teuf. Pas, ouais. Elle voulait pas trop, pas trop la teuf. Alors, on a donné plein d'idées géniales encore une fois. C'est vrai. Ouais, toi, dis full aussi, hein. Surtout. Ah ouais, tes idées. Super. Ah bah ouais, bah on a vu en voilà hier. Ouais. Re-salut Chloé. Salut. Salut Chloé. Ouais Chloé. Ça va Chloé? Ouais ça va. Alors le service après-vente a super bien marché avec Théo. On va voir si ça a fonctionné aussi avec toi. Donc ta mère, elle était pas très très chaude pour que tu fasses la teuf samedi à la maison avec des potes. Tu m'as invité 12 potes, à peu près 10-12 potes. Ça. Ouais, c'est ouais. Ça. Et alors, quelles sont les nouvelles? Comment ça se passe? Bah en fait, je lui ai dit que j'étais passée sur Sky et tout, et elle m'a dit c'est avec Difool. J'ai fait bah oui, c'est avec Difool. Elle a fait, oh quel connard celui-là. Je ne veux pas le sentir. Et en fait, elle était assez flattée que je t'ai parlé et tout ça. Attends, et, Romano, attends. Elle était flattée. Arrête-toi un peu. Oh la classe. Est-ce que tu as entendu Romano? Moi, t'as vu ce que je fais aux darons? L'effet sur les darons. Ouais, tu flattes. Je flatte la daronne. Voilà, moi j'ai des flatulences. Elle est gentille, ta maman. Donc, ouais, ouais, tu l'as dit que t'étais passée, elle était contente. Elle a dit, ah, t'es passée sur Skyrock, super. Et en fait, à la base, j'étais censée rien faire du tout. Mmh. Ouais, elle voulait pas trop la soirée. Hein. Ouais, voilà. Bon, elle est toujours pas d'accord pour la soirée. Ah. Mais par contre, j'ai eu un compromis. Ah, c'est quoi le compromis? Et bah, de samedi à dimanche, j'ai le droit d'inviter quelques amis pour venir chez moi, dormir. Dormir à la maison? Ah ouais, cool. Genre, ouais, voilà. Ouais, bon, c'est un peu pareil. C'est bien, ouais. De toute façon, une fois qu'ils seront à la maison, vous ferez un peu la teuf, donc bon. Ouais, voilà. Au moins, t'as réussi à gratter quelque chose. Ouais, non, mais c'est bien, au final, c'est pareil. C'est même aussi bien, bah, c'est même mieux. Ouais, parce qu'il dort à la baraque. Il reste le week-end en plus. Ah oui, c'est vrai, il reste à la maison, ouais. Ouais, c'est bien, c'est un bon deal. Mais tu peux en inviter combien? 3, 4. Ah ouais, on n'est pas sur les 10. Ah ouais, ouais, non, ouais, non, on n'est pas moins. Encore sur les 10. Alors, mais, c'est peux... un peu beaucoup aussi pour dormir. Peut-être. Mais ce que tu peux dire, c'est que tu m'as à nouveau eu au téléphone et peut-être que tu arriveras à gratter 2-3 potes ouais, en plus. Ouais, ouais, tu dis à ta mère que Difool n'était pas content, qu'il voulait 10 personnes. C'est oui, Difool, il n'est pas content, c'est pas mal ça. Difool est fâché contre la maman parce que oui. La maman, elle veut que 4 personnes. Ça va fonctionner ça, c'est bon, certain. En tout cas, ouais, tu veux te passer une belle soirée parce que 4 potes à la maison, c'est toujours sympa ça. Ouais, c'est, ça aide bien. Bah ouais, faut bien les choisir, ça va, quoi. Cool, ouais. Non, mais sinon, il y a un argument que tu peux donner à ta mère, parce que si t'en fais venir 10, ils vont tous être obligés de venir avec un cadeau. Ou alors, ouais. Cadeau, ou alors s'ils font tous un cadeau commun, le cadeau sera plus gros. Donc ça serait peut-être pas mal comme méthode. C'est bizarre d'ailleurs que tu l'aies pas trouvé, cette méthode. Ouais, c'est vrai, c'est pas con, ouais. Hein, t'as vu? J'y ai pas pensé. Moi non plus, mais là je viens d'y penser parce que mon cerveau est en ébullition. Ce soir, il ébulle. Blablabla. Si, là, n'importe il, quoi, il est bulle. Mon cerveau est bulle dans tous les sens. Ça ébulle à mort. Sûr, ouais. Si vous avez le moins de soucis, vous voulez des idées pour n'importe quoi, allez-y. Difool est là. Ouais, ouais. Je suis là. En ébullition. J'ai bulle. C'est vrai que t'as des dons faire, Difool. Ah. Ouais, ouais, ça dépend des fois. T'as vu le résultat hier. Non, mais vous êtes très bien. Ouais, c'est vrai, ouais. T'as la famille, là, du côté de chez Chloé, la maman, la fille. Vraiment, vous êtes super. Hier, on a quand même eu un gros problème avec un auditeur qui nous avait appelé et qui s'était donné par Difool. Ah ouais, ça s'est avéré complètement merdique. Il a porté une réclamation. Je ne me rappelle pas, moi. Il y a eu des plaintes. Il y a des plaintes. Ça part au pénal. Ah ouais, ouais, là, c'est limite la cabane, man. Ah non, c'est ou pénis ou anal, monsieur ouais, Bebedo, bah, c'est sûr. Pas pénal. Ah bah si, Marie, là, c'est pénal. Bon, c'est super, Chloé. Bah écoute, éclate-toi bien samedi soir. Écoute le Code Killer Show avec les potes, là. C'est 22h ouais. Minuit, tu peux mais ça à fond. Ouais, mais ça à fond. Et bah écoute, profite bien. Passe une super soirée. On te souhaite, déjà, bon anniversaire si on se parle pas d'ici là. C'est pas aujourd'hui, mon anniversaire. Bon anniversaire. Ah bah ouais. Je vais chanter. Anniversaire Chloé, joyeux anniversaire Chloé, joyeux anniversaire Chloé, joyeux anniversaire Chloé. Merci Chloé. Ouais, c'est la fête. Et puis on t'envoie un cadeau pour ton anniversaire, tiens. Tu veux pas de cadeau? Ou pas. Si, j'en veux un. Oh, j'en veux un. On va t'envoyer un cadeau pour ton anniversaire. Bouge pas, Chloé. Merci à toi. T'as plein de messages. Je peux faire une dédicace? Il y a des potes aussi qui t'écoutent, là. Il y a Rastachat, 14 ans, qui me dit joyeux anniversaire, Clo-Clo. Oui, je lui ai parlé juste avant. Ah ouais, tu la connais parce que j'ai vu d'autres messages de Rastachat, là. Et sympa son pseudo, d'ailleurs. Hein. Allez, dédicace à Rastachat. Tu diras à ta mère que les potes qui viennent, ils ont des pseudos sympas. Salut, moi, c'est Rastachat. Elle va adorer. Alors, petite dédicace. Dédicace parce que j'ai des amis qui écoutent. Vas-y, parle bien fort qu'on t'entende bien. Bah, je fais une dédicace à elle, Oriane, Céline. Céline Dion, pour qui, voilà. Céline Dion, elle est dans un état, elle. Hey, t'as pas mec. Hey, que j'ai trop d'amour, que je suis trop contente, que j'ai tellement d'amour que je vais pleurer. Non, bah non, mais pleure pas. Attendez, c'est... j'attends 2 secondes pour pleurer. Attendez, on est en direct satellite avec ça. Le Québec. Ça y est, je suis en direct, je pleure. Non, mais et là, la meuf se met à pleurer. Merde. Oh, excusez-moi, c'est sorti tout seul. Oh, ma pauvre. Donc, c'est ça, en plus. Donc, salut à Céline Dion. J'ai aussi une dédicace pour quelqu'un qui vient juste de me demander le tricheur, s'il se reconnaît. reconnaîtra. Salut le tricheur. Et bah oui, voilà. Bah écoute, c'est très bien, Chloé. On te fait un gros bisou, Chloé. Bon anniversaire encore. Merci. Voilà, c'était le moment service après-vente de l'émission. C'est un peu un feuilleton l'émission, hein. Vous la suivez, nous aussi on la suit, on doit bien savoir ce qui se passe après. Ah mais c'est bien, comme ça on voit si on est efficace dans les conseils qu'on donne, si on doit s'améliorer encore. En tout cas, vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas, j'ai le cerveau qui ébulle. C'est un ébulle. J'ébulle dans tous les sens. Moi j'ai le cerveau à l'arrêt. Je sais. Complet. Mais non, qu'il est con. Est-ce que vous avez vu Afida Turner nous demande Toto. Ah ouais, ils ont parlé, vu sa chatte, non, à la télé. Afida Turner, Energy 12 ne sait plus quoi faire pour remonter les audiences. Oh là là. Je crois que c'est une des dernières chaînes de la TNT de France. Ça ne marche plus du tout. Et alors là, bravo Energy 12. Vous avez trouvé la solution. Et elle est quand même prête à tout pour qu'on parle d'elle. Et ben on en parle ce soir sur Skyrock. Regarde. On a vu sa chatte vraiment. Toto nous demande ce que vous avez vu à Afida Turner. Eh bien, oui, on a surtout vu, comme on le disait, sa chatte. Ah ouais? Ah, dégueulasse. Parce qu'en fait, elle est venue à la télé avec une jupe courte et elle n'avait pas de culotte. Et à un moment, parce que c'est la classe. Parce que c'est la classe. Elle a décroisé les jambes, écarté les cuisses et t'as vu sa grosse chatte à la télé. Mais est-ce qu'elle a une grosse chatte? Ouais, grosse chatte poilue, oui. Ah ouais? Un poilu en plus. Poilu comme ses cheveux, ça coupe? Non, peut-être pas, mais moi j'ai regardé rapide parce que ça m'a un peu dégoûté. Mais oui, on a vu Afida Turner. On va vous mettre la vidéo sur les réseaux, là, vous pouvez aller mettre. Ça sur Skyrock FM, donc, que ce soit sur Facebook, Facebook ils veulent pas ça. Facebook, le seul moyen de le voir c'est difool.skyrock.com. On vous le met sur le difool.skyrock.com. Ah, oui. Parce que les Américains ils sont sur Facebook, ça y est. Ouais, je l'ai vu sur Facebook. Parce que les Américains en général, tu montes à tétons une chatte, ils te censurent ton truc. Non, mais à mon avis, tu l'as vu tout à l'heure. Ouais, peut-être entre temps ça a sauté. Donc difool.skyrock.com si vous voulez avoir un chat d'Afida Turner. L'autre elle a, ouais, elle a des grosses, une grosse chatte aussi. Putain, elle est dure. Ça va assez vite, on voit pas. J'en ai entendu parler, mais j'ai pas vu l'engin. C'est flouté. Mais là, c'est flouté, ouais. Non, on peut pas te flouter. Nous, on veut du live. Ah, moi, je l'ai vu pas flouter, ouais. Du real. Ouais. Elle a une grosse touffe quand même. Ah, une grosse touffe, hein, quand même. Hein. Et Afida Turner, si tu nous écoutes. Rastachat. Ah ouais, Rastachat. Oh, mais fou une culotte. Comme le pseudo, là. Comme le pseudo, ouais, Rastachat. La vulgarité. Exactement. Bon. Ça dégoûte un peu. On va vous mettre, ça donc sur Facebook. Fais voir. Attends, Romano, il veut se branler, montre lui. Oh merde. En fait, il faut quand même me finir. Romano, je crois qu'il est amoureux d'Afida Turner. Afida, si tu nous écoutes, n'hésite pas à venir nous voir et à te mettre sur les genoux de Romano sans ta culotte. Sans ta culotte, ouais. Ah, Romano. Ah, il va être content. Qu'est-ce qu'il y a? Il va gerber. Normal, l'hôtel monte sa chatte. Normal, bon, sur la table. Ouais. Tranquille, vas-y, j'écarte les paluches. Il y a Mister Cascu qui dit Afida la Karma. C'est joli comme petit pseudo. Elle a la chatte. Pseudo mignon. Elle a la chatte flinguée, nous dit Baby Chou. Elle est trop bonne, Afida, on nous dit aussi juste derrière. Ah ouais. Mais pourquoi elle a pas mis de slip? Bah pour faire parler d'elle. Parce qu'en plus, elle a bien écarté, elle a bien fait. Oui, assise sur le bouchon. Déjà, quand t'as une jupe à la moule, en général, les meufs, elles écartent pas les pattes. Non. Oui, et puis tu mets une culotte, en général. Cédric, je crois qu'il va se branler sur la chatte d'Afida Turner. J'ai pas vu, je vais aller voir, ça y est. On va voir. Dans deux minutes, c'est sur le difool.skyrock.com. Vous pourrez aller mater là. Tout de suite, là, je suis en ligne, là, j'ai mis le parleur. Attends, t'es parti. Skyrock. Tiens, il y a le dingue du 01 qui nous dit, faites un petit sondage sur les femmes qui se rasent intégrales ou pas. Ah, tu veux savoir si les gars préfèrent les femmes rasées intégralement ou alors avec plein de poils? Moi j'aime bien. Pas forcément plein, non, avec un petit peu aussi. Ticket de métro. Alors vous dites, c'est vrai, il y a trois possibilités. Plein de poils, mais partout. Hein. Ouais, partout. Une espèce, espèce de forêt, mais vierge dans tous les sens. Pas de poils du tout, t'es rasé à blanc. Ou alors un petit peu de poils pour le dingue du 01. Je lance le sondage, c'est parti. Bon, là. Je sais, Patrick, c'est bon. Attends, tu parles de chatte, l'autre il arrive. Donc, bah, évidemment, elle y est pas, ta chatte, à l'autre. Mais si, elle va y être. Elle va y être. Dans deux minutes, c'est vrai. Ça y est, il tient plus en place, l'autre. Dans deux minutes, il en peut plus, là. Bon, et puis dans deux minutes aussi, le temps d'écouter le son de DJ Snake et Justin Bieber. On vous donne des résultats du clash de la drague de ce soir. Je les ai, les résultats. Qui a gagné? Je peux vous dire que c'est serré entre Cédric et Romano. Je peux même vous donner les résultats sans vous dire qui a gagné. Évidemment, il a fait sa pleureuse. Eh bien, 55 contre 45. Mais qui a 55? Qui a 45? Moi, j'ai très mal. C'est fini les votes, Cédric. Tu vas peut-être avoir mal au cul, fais gaffe. Ouais. T'inquiète, on va déplacer la douleur, j'espère. Qui a 55? Qui a 45? Réponse tout de suite après. Let me love you, DJ Snake et Justin Bieber sur Skyrock. La radio qui t'offre le plus de places de concert. C'est Skyrock. This is Rihanna. C'est Nekfeu sur Skyrock. Black M. C'est MHD sur Skyrock. Ah, c'est Serge. C'est Jules sur Skyrock. Maître Gims sur Skyrock. Après les 200 premières places pour la toute nouvelle tournée de Maître Gims, Skyrock double la mise. Soprano Baba. Il t'offre 200 places pour voir Soprano en concert dans toute la France. Je suis en feu, toi, moi ce soir je suis en feu.

You sur Sky. Diffoul. Radio Libre. What the fuck. 21h minuit sur Skyrock. On est là et en direct jusqu'à minuit. Cédric est là aussi avec nous. Ça fait plaisir de l'avoir avec nous, même s'il est dans son lit. Et à la limite, ça fait même plaisir encore plus à certains membres de l'équipe. C'est pas, Romano me disait, c'est sympa avec Cédric dans le lit. Ouais, grave. Bah, attends, je suis excité, moi. Ah, c'est parce que t'es excité. Je crois que c'est parce qu'il était loin, moi. Non, mais je suis terriblement excité. Bon, on a plein de sons à vous faire écouter ce soir. Là, c'était DJ Snake et Justin Bieber. T'aimes bien ça, Cédric? Bah, je kiffe, moi. Ouais, j'aime bien. On écoutera quoi, d'ici minuit? Tiens, prochain son, Maître Gims et Jules. L'ennemi, bien l'ami, on n'est pas dans la merde. Bouco. Il y a un son qui va faire plaisir à Persilia qui nous a demandé ça. C'est Ken Jones, avant minuit aussi. Don't Mind, le son de Ken Jones. Et puis si on a le temps, on se mettra un petit MHD. On salue MHD d'ailleurs. Et on mettra peut-être MHD et Zao. Vous aimez bien MHD et Zao? Hier, je suis reparti de la radio. Merci les Koumas. On était avec la Marie, avec Karim et avec Oran dans la voiture, notre garde du corps. Oui. Et donc, on est tombé. Il y avait deux ou trois meufs qui dansaient dans une voiture, mais alors comme des folles. Ouais, ouais, à donf. Et je dis, putain, c'est la même radio que nous qu'elles écoutent, et c'était ça. On vous salue, les filles. Elles étaient avenues d'Éterne. Ouais, vers minuit 40, si vous nous écoutez, les filles, on vous a vu. C'était nous. Vous étiez bonnes. Oui, mignonne en plus. Évidemment, Karim qui bavait. Mignonne tout plat. Et ben, on vous mettra laisser les Koumas. Vous allez pouvoir aller dans la voiture et danser ensemble, les filles. Les résultats du clash de la drague. Et juste après, on aura avec nous Xavier et le joint du cendrier. Et notre sondage qui a été lancé tout à l'heure par. C'est qui, Tony, qui nous a lancé le sondage? Je sais plus comment il s'appelle. Ah, sur la chatte. Oui, qui voulait un sondage express. La schneck. Pour savoir si les hommes préféraient les poils. Beaucoup de poils. La cramouille. Ou alors, pas de poils du tout. Ou alors, entre les deux, un petit peu de poils entre les deux. Voilà, comme ça. Donc, vous avez voté, vous votez encore. D'ailleurs, je vois les messages qui défilent. Il y a Julien, lui, qui aime pas du tout les poils. Je préfère raser, mais avec un petit peu de poils quand même. Donc, on va te mettre au milieu, toi. On va te mettre avec un petit peu de poils quand même. Alors, tiens, il y a le joint du cendrier qui voulait témoigner en direct là-dessus, tiens, avant les résultats du clash. Tu es là, le joint du cendrier. Allô? Bienvenue à toi, ami. Salut. Salut l'équipe. Salut le joint. Et je dirais même plus. Salut les filles. Salut les filles. Alors, donc toi, le sondage chat avec sans poil ou un peu? Ouais, donc moi voilà, en fait, je préfère sans poil. Ah, mais zéro, rien du tout. Zéro du tout à blanc, toi. Ah ben rien du tout. Rien du tout. Même un tout petit peu de poil, t'aimes pas? Ah, pas du tout. Mais pas une petite moustache, quoi. Pas du tout. Petite moustache. Petite moustache sympa, là, Hitler. Ah ouais, non, mais ouais, non, vraiment rien du tout, sinon ça me fait gerber. Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais, t'aimes pas ça, toi. Mais Tu vois, complètement à nu, ça me. J'aime pas trop. Bah, il y en a pas mal, hein, qui disent complètement lisse, hein. Regardez, Paco, 33460, qui dit pas de poils, tout lisse, c'est trop bon. Ouais, non, mais bon, chacun son truc, hein. Donc lui, il kiffe grave. Épilation intégrale, chatte nue. Pour Natacha, oui, les filles. Ouais, moi aussi, je préfère. On a demandé aux gars, mais vous avez le droit de donner votre avis, hein. Ouais, moi, c'est un peu. Ouais, mais moi, c'est un peu ce côté-là qui me dérange. Ouais, déjà, vous pensez à ça, vous êtes chelou, quoi. Bah non, mais c'est vrai que ça fait bizarre, une poêle une chatte toute lisse. Ouais, ouais, il faut un petit peu de poil. Rasé direct pour les jeunes killers. Non, un tout petit peu. Marie, elle garde une petite moustache. Ouais, une moustache, ouais, on va dire ça comme ça. Jojo Ben, moi, j'aime la chatte à Marie. Ah bah, avec ou sans poil, Jojo Ben du 26. Un peu de poil pour Wesh Polo, salut Polo. Sans poil, pour toi t'es bonne. On va vous donner les résultats, c'est en calcul là pour l'instant. Et on vous donne ça dans un instant. Mais toi, tu descends avec la tête entre les jambes, toi, le joint du cendrier? Bah ouais, ça m'arrive, c'est sympa. Tu bouffes de la chatte, quoi. Et s'il y a des poils, tu descends pas? Ah non, j'y vais pas du tout. Même s'il y en a un petit peu? Non, pas du tout. Donc les filles, si vous connaissez le joint du cendrier, 19 ans, au Mans. Faut tout enlever. Si vous voulez faire bouffer la cramouille, faut tout enlever. Ah mais tout. Tout, pas de poils, rien du tout. Même pas le petit ticket de métro, parce qu'il y a pas mal de messages ticket de métro. Trylove, tiens, qui va nous dire ticket de métro. Ticket de métro de Paris, hein. Non, même pas le ticket de métro, non, même pas. Si c'est ticket TGV, ça fait balèze quand même. Ah ouais. Moi, j'ai ticket chéquier, moi. Non, mais le ticket de Marseille, par exemple, c'est la taille d'une carte bleue. Carte bancaire, ouais. Donc bon, c'est un peu plus gros. Ouais, il y en a plus d'un coup. Non, le ticket de métro parisien, il est tout petit. Ouais, c'est ça. Tout petit. Sinon, ça fait enfant, nous dit Mono. C'est ce que je pensais aussi. Ouais, bon, ouais. Absolument, oui. Bon, je vous donne dans un instant les résultats. Oh, ouais. Vous votez et vous nous dites les résultats du sondage express spécial Tony ce soir qui nous a posé une question. Oh, ouais. Vous avez un truc à demander, vous n'hésitez pas. Ça fait enfant. Ouais. Oui, le joint. Je voulais dire vive Romano. Ah, merci, mon pote. Franchement, super sérieux. T'as bien aimé le clash? Moi aussi, j'ai bien aimé le clash. Au début, j'ai bien aimé, moi. Bah, j'espère que j'ai bien aimé le résultat, surtout. Moi, j'ai bien aimé le premier tour, Cédric, moi. Il est nul à chier, Cédric. Ça, on est d'accord. Ta gueule, j'ai fait un pet de carrage au premier tour. Parle pas mal, t'excites pas avec la vie couleuve. Ouais, parle bien, toi. Cédric, dis à tout le monde que t'as la clavicule cassée pour faire un peu de peine. C'est mal. Ah là, vous l'entendez, il souffre, le pauvre. Il a, très mal. Il a essayé de trop faire enculer. Oh, ça te donne pas envie de voter pour lui, ça? Non, mais sérieux, j'ai très mal, je souffre. Ah, j'ai mal dans le joie du cendrier quand tu entends Cédric souffrir avec sa clavicule. Non, ça donne pas envie, c'est fou. Je suis en sueur, mon pote. Ah, qu'elle entend tout le monde, j'ai même pas envie de l'entendre par moment. Ah, bah, c'est très sympa. Eh, Cédric, t'as un fan. Ouais. Ouais, j'entends ça. Et tu sais que les audiences de l'émission n'ont jamais été aussi bonnes depuis une semaine, Cédric? Non, mais c'est. C'est normal, il est pas à la radio. Donc ah, tu crois que ça vient de là? Un truc horrible. Parce que j'ai reçu les dernières audiences, les dernières audiences de Skyrock. On a multiplié l'audience. On était déjà très très haut. Hein. Mm. Multiplié l'audience par deux depuis la semaine dernière. Ah ouais? Je sais pas ce qui s'est passé. Ah ouais? Ouais, c'est bizarre. Ça correspond quand même à un truc. Mais l'émission, on l'a fait tranquille. On n'a pas plus bossé que d'habitude. On rigole, tout ça, comme d'hab. Ouais. Et pourtant, l'audience était multipliée par deux. C'est dingue. Je ne sais. D'après toi, Cédric, ça peut venir d'où? Je sais pas, c'est peut-être l'effet clavicule. Ah bah tiens, tu vois, j'ai les audiences de l'instant présent qui viennent de tomber. Alors c'est marrant. Putain, là, ça s'écroule. Il y a eu une chute. Là, il y a une chute libre. J'aimerais que ça ne dérange pas si on te laisse. Chute libre. Je sais pas ce qui s'est passé, là, d'un coup. C'est dingue. Pas. Là, on a divisé par 4 en deux minutes, là. Ah ouais, merde. C'est dingue. Bon, les résultats. Du clash, mais avant les résultats du foot, parce que les matchs viennent juste de finir. Là. Ouais. Merci, Joan du Cendrier. Hein. Vos témoignages, on y revient dans un instant. Salut, Joan du Cendrier. Salut, Joan du Cendrier. Salut. Juste avant de donner les résultats des Français, il y a un match qui vient de se terminer à la seconde. Oui. C'est le Real Madrid et qui a marqué à la 94e but, un deuxième but. 2-1. Ouais, ils ont gagné. Ils ont marqué à la 89e Ronaldo. Et à la 94e. Ronaldo, il a marqué le premier. Et Morata, le deuxième, du coup, ils gagnent 2-1. Eh bah, bravo, le Real. 2-1. Ils ont de la chatte. Ouais. Non, mais ils sont bons. T'imagines, 89-94. 2-1 pour le Real face au Sporting de Portugal. Mais d'ailleurs, c'est l'ancien club de Cristiano Ronaldo. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est son premier club. Ouais, son premier club, ouais. Ah, ça doit être marrant comme match. Pour lui. Ouais. Bon, alors, la Champions League, Alors, les deux équipes françaises qui jouent aujourd'hui. Ça n'a pas bougé, ils ont gagné. Les deux ont gagné. Lyon a fait 3-0. 3-0 chez eux. Bon, Dynamo Zagreb, c'est pas non plus une grosse équipe de ouf. Hein. Mais bravo les Lyonnais. Ouais, c'est pas Arsenal, quoi. Ouais, j'avoue, non, mais par contre, la performance de Monaco, 2-1 à Tottenham. Tottenham, c'est une grosse équipe, quoi. Ouais, c'est bien. Ouais. Donc, c'est bien, Monaco. Vous avez pris une bonne option pour la suite, là, les deux équipes. Ouais, c'est clair. Bon, ça reste le premier match, mais c'est pas mal. Donc, quelle est la seule équipe française qui n'a pas gagné pour ce premier tour de la Champions League? Bah, c'est Marseille, ils ont pas joué. Casse-toi, gros. Là, il y en a plein d'autres. C'est Paris. Vous avez joué hier. Je repose la question. On a fait match nul, ouais. Quelle est l'équipe qui a joué et qui n'a pas gagné? C'est PSG. Paris, hein. Ah, c'est PSG. Ouais, c'est le PSG, ouais. Ah ouais. La honte. Putain, la honte, ouais. Oh. La honte. C'est vrai, bah tu vois, regarde, la honte. Ça me fait raccrocher, ouais. Bah ouais, t'es de la tristesse. On pète le standard. Oui, ça fait péter le standard. Bon, voilà pour les résultats du foot et puis les résultats du clash, là, tout de suite. Vous êtes prêts? Allez. Bah, on est prêts, hein. Allez, les résultats du clash de la drague. Attention, ils sont où? Ils sont là. Qui a gagné le clash de la drague de ce soir? Romano, tu fais une drôle de tête. Grosse pute. Pourquoi tu dis ça? Dis ça à qui? À moi? Non mais ouais, parce que t'es une grosse pute. T'as entendu Cédric comme il parle mal, Romano? Oh, il insulte parle pas comme ça à l'arbitre, toi. Il parle mal à l'arbitre. Ah, ouais, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Qu'est-ce que tu veux faire avec ta clavicule? Ta gueule. Les résultats du clash de ce soir. Donc je vous ai dit, c'est 55-45. Vas-y. Je les montre d'ailleurs. T'es sur quoi? T'es sur Snap. Je les montre sur Snap. Voici les résultats du clash. Ah là là là. Les résultats du clash. Ah l'enculé. Donne la victoire à. Avec 55% des voix. C'est vrai, tu vas déjà. 55% des voix à. Romano ce soir. Dans ton cul. Dans ton cul. Ma gueule là, j'espère. Je t'ai enculé. Malade, je suis sur mon lit. Détends-toi. J'ai mal à la côte, comment ça? Vous n'avez pas voté pour moi? T'as mal à la côte ou à la clavicule? À la clavicule, c'est au-dessus. Ah, c'est le mec, il est chelou. J'ai mal aux côtes aussi. Comme dirait Karim, t'es piluche. T'es piluche. Ah, je suis piluche, ouais. Alors, Karim, il est dû voir à l'hôpital, je peux dire qu'il faisait moins le malin. Ah ouais, de voir une horreur pareille, je le comprends. Tu sais que ça l'a traumatisé, tout le week-end il était traumatisé, le pauvre. J'étais en caleçon, il est venu me voir en caleçon. Bon, bah écoute, Cédric, désolé, hein. Mais je t'ai baisé. Non mais c'est pas mal, tu vois. Hey, tu, quand t'es malade, tu fais 45%. Je crois que t'as même pas fait un score aussi beau quasiment depuis la rentrée. Mais on peut le dire. 48, c'est un de tes meilleurs scores. Et le dernier score, c'était 57-43. Donc t'es en progression, hein, Cédric. Hein. Vraiment, faut le dire. Putain. Bravo, bravo. Le snap... Anonyme Mouse. Ouais. Parce que c'est un rageux. Et le snap de Sky, c'est Skyrock FM. Ouais. Anonyme Mouse, un supporter de la team Cédric qui est un rageux, mais de première, là. Qu'est-ce qu'il dit ? Il arrête pas de gueuler, on connaît ta comédie, Romano, ferme ta gueule. Bon, ah, mais c'est vrai, c'est pas normal, j'aurais dû gagner. Et il y a le dingue qui est lui a parié 20 euros. J'ai fait un serrage. Il a parié 20 euros sur une victoire de Romano et il a gagné 20 euros trop fort. Ah bah voilà, ah bah, tu m'en donnes 10. Eh bah le Libus, je t'embrasse quand même. Putain, bon. J'ai la haine. Non mais c'était bien, Cédric, t'as fait un beau clash malgré ta maladie. Bien, c'est bien, franchement. Faut rappeler que t'es un peu affaibli, t'es sous cacheton. T'es ravagé, oui. Ouais, et puis oui, ça va pas très fort. Mais t'as fait un beau clash. Complètement ravagé en ce moment. Bravo Cédric. Ouais. Bon, on prend des nouvelles et puis bon, bah, reste à l'écoute, hein, reste avec nous. Hein. Ah ouais, t'inquiète, je suis Al. Tu es Al, très bien. Okay, et tu es mal aussi un petit peu. Voilà, là. J'ai mal. Ah, je suis mal, ouais. Bon, à tout de suite Cédric. Et alors pour la suite, on a qui au téléphone? Ah, on finit avec notre sondage. Tu préfères avec ou sans poil, Cédric, une fille? Ah, sans poil, putain, j'ai vu la photo d'Afida Turner là sur le blog. Ah oui, on l'a vu sur le defool.skyrock.com, vous pouvez aller la mater, ouais, si vous voulez. La chatte Afida Turner. Ouais, mais c'est même pas elle, c'est pas que les poils, c'est qu'elle a une chatte flinguée, quoi. Ah, une grosse chatte déjà. Ouais, mais moi j'aime pas trop les grosses chattes. Bah le bâtard, en même temps elle a qu'à pas la montrer. Ah bah oui, ça c'est vrai, la meuf elle l'aurait pas montré, on parlerait pas d'elle. Hein. Exactement, ouais. Bon, alors, avec ou sans poil, donc sans poil, zéro poil, toi Cédric. Ouais, je préfère 100, ouais. 0-0-0. On a Théo du 59. Salut à toi, Théo. Salut. Salut, Théo. Bienvenue sur Skyrock. Salut. Et salut le 59. Alors, poil, pas poil, un peu de poil. Théo. Oui, c'est Théo. Avec un peu de poil, ouais. Qu'est-ce que tu voulais demander à Théo? Non, mais Théo, t'as vu la chatte d'Afida Turner? Non, je l'ai pas vu. Non, mais va voir, elle a une grosse chatte avec plein de poils. Ah ouais, c'est... Ouais, je me doute, ouais. C'est dangereux. Non, mais elle a une grosse vulve. Non, Karim, elle a une grosse vulve. Ah, elle a une grosse schneck. Ah, ouais, ah non, mais elle a une grosse chatte. Ouais. Comme moi. Ah, Marie, t'as la haine. Non, pas du tout, non. C'est ma sœur de chatte. Non, t'as une chatte comme ça, ouais. Non, mais ça va pas, non, c'est malade. Oh, ouais. Moi, j'ai pas de poils. Voilà. Non, mais au niveau de la taille de la schneck. Ah, non, mais j'ai pas regardé non plus en détail son truc. Bah, fallait, Marie, c'est quand même informatif. Ouais, bah super. C'est journalistique. Ah, non, mais il y a Ned qui est en train de bander sur la chatte d'Afida Turner. Wesh, salut à toi, Ned. Bienvenue. Afida la Calma. Ça, c'est revenu souvent depuis la Sky TZ, la chatte d'Afida, c'est un angora. Ouais, tellement il y a de poils, elle est chiante. C'est une chatte pour l'hiver, quoi. Ah ouais, ouais. Ah, une chatte fourrure. Alors, les résultats du sondage, d'après toi, les auditeurs, Théo, ils sont plus pour les poils, plus pour pas de poils du tout, ou alors plus comme toi pour un peu de poils? Plus pour un peu de poils. Eh ben, t'as raison. T'as raison, puisque le résultat du sondage express donne à peu près 60%, 59 et quelques, hein, 60% pour un peu de poils, sans poils à 30%, ça c'est ceux qui aiment les trucs lisses à blanc, et avec plein de poils... Pour 10% des auditeurs. Ah ouais, quand même, les grosses. Donc, les filles, que vous ayez plein de poils de partout, que ce soit une espèce de buisson, une marmotte, castor. Vous avez quand même 10% des auditeurs. Un écureuil. Oui, un écureuil aussi, avec une grosse queue. Vous avez 10% des auditeurs que ça dérange pas. Si vous avez un petit peu de poils, c'est-à-dire que vous taillez un petit peu, que vous en gardez qu'un petit peu, alors là, vous avez le choix, puisque c'est 60% des auditeurs de Sky. Et pour les sans poils du tout, bon, écoutez, ça marche aussi. Ça nous fait du 30%. Bah, tu vois, il y a Ophélie, là, 62. Oui. Une fidèle. Moi, j'enlève tout. Impossible de garder des poils sur ma. Chut. Parce qu'elle a mis des. C'est bien, bon, tu parles bien, chaise. Toi. J'aime pas ça. Ouais. Ouais, tu vois, bon, ça dépend des goûts. C'est des Greenpeace, les 10% qui kiffent les poils. Ah ouais. Ah, tu veux dire, c'est des écolos naturels. On a déjà eu à l'antenne, hein, des auditeurs qui kiffaient les meufs poilues. Hein. Bah, regarde, il y en a 10%. Donc, forcément, il y en a plein qui nous écoutent. Ouais, même là. Sur les jambes et tout, sous les bras. Ouais, c'est un style, quoi. Ah ouais, attends, les meufs avec des poils sur les jambes. Mais il y en a plein, hein, sous les bras. Hein. Ouais. C'est la nouvelle mode, ouais. Souvent. Hein. Ah ouais. La mode des crasseuses. Moi, j'appelle ça comme ça. Bah, après, bah, peu de respect. Non, mais moi, oui. Si elles ont envie de se laisser les poils sous les bras. Ouais, mais dans ces cas-là, qu'elles lèvent pas les bras quand t'es en train de bouffer. Pourquoi, Marie, j'ai une nanas d'été. Non, mais ouais, mais qu'il y avait des poils, mais tu sais, il faisait une chaleur, mais laisse tomber, donc j'ose pas imaginer. Mais long Ouais, long. Elle faisait des dreads avec. Non, mais elle levait les bras. Ses copains l'appellent Bob Marley. Non, dégueu. Putain, t'es en train de bouffer. T'es ouais, mais en plus, en général, c'est le cornon, elles sont sans complexe, quoi. Bon, elles ont raison. Ouais, c'est là, tu sais qu'il y a des pays où ils kiffent trop, les mecs, ils kiffent, ça les excite, les meufs avec les poils, tu vois. Ah ouais. Mais par exemple, en Inde, tu vois, genre les poils et les cheveux, c'est vachement, c'est sacré. Bah, putain, là-bas, je serais pas dans la merde. Non, mais les meufs qui ont des poils, mais c'est les plus belles, tu vois. Alors, l'Inde, je connais pas, mais chaque fois que tu nous en parles, Samy, les trucs que tu m'as raconté sur l'Inde, c'est. Alors, ça pue la merde partout parce que les gens, ils chient partout parce qu'il y a pas de chiottes. Ouais, ils savent pas utiliser les chiottes, donc il chie dans la rue, tu vois. Voilà. Il mange des cobras. Après, tu nous as raconté. C'est en Indonésie, ça. C'est pareil. C'est pareil. Indonésie, c'est pareil. Après, là, tu viens de nous raconter l'histoire des poils sous les bras. Il y a des cadavres aussi en Inde. Ah ouais, il y a des trucs dégueulasses. Mais c'est vrai que les meufs, tu vas à la plage, t'as des meufs, mais elles ont des touffes de poils, mon pauvre. Mais genre, elles sont plus poilues que moi, quoi, sur les jambes, normal, en maillot de bain. Et l'histoire des cadavres, c'est quoi? Des cadavres, non, j'ai pas vu des cadavres. Ah si, ouais, si. Ouais. En fait, non, c'est parce qu'il y a un endroit où il y a le Gange, tu sais, c'est la rivière sacrée qui passe. Ouais. Et en fait, quand t'as quelqu'un qui meurt dans ta famille, tu l'emballes, tu le brûles, et après tu le jettes dans la rivière, dans le Gange, parce que c'est, il va au paradis en passant. Ouais, mais y a plus rien, c'est que descendre. Ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, si t'as beaucoup d'argent, tu mets beaucoup de bois, donc le corps il brûle bien. Et quand t'as pas trop d'argent, bah tu mets juste vite fait quelques bouts de bois, et ben bah, ça crame pas trop. Et donc tu vois des morceaux de bras qui passent, ou juste des têtes, ou juste une jambe. Ça plaît beaucoup à Théo, ça. Et juste à côté. C'est énorme parce que juste à côté, t'as des gamins, ils sont dans l'eau, ils nagent dans le normal. Un peu plus loin, t'as un mec, il est en train de pêcher. T'as une meuf, elle est en train de faire la vaisselle. Et puis t'as un bras qui flotte. Ah ouais, t'as un corps qui va se faire. Les gens, ils sont rien, quoi. Ils sont habitués, quoi. Ouais, mais pour eux, c'est normal, c'est leur culture. Oh, tiens, un bras, il m'en manquait. Pour eux, c'est sacré. La meuf qui a les jambes, je vais faire un peu de récup. Non, mais il la boive. Il aurait pas une jambe. L'eau du fleuve, il la boive. Elle arrive, regarde, elle arrive. Oh, nickel. Mais si t'as un doux, tu vas là-bas et tu bois l'eau du fleuve. C'est horrible. Tu bois l'eau. Ouais, il la boive, l'eau du Gange. Oh, excusez-moi. Ouais, mais nous, on la boit, on chope une chiasse. On va crever. Vous avez pas une clavicule? Clavicule cool dans le Gange. Samy, après-midi retourné, il va te récupérer ça. Je peux te dire, quand il y a une incinération dans la ville, tu sens bien l'odeur, tu vois. Ah ouais. Oh, putain, ouais. Parce qu'ils font ça ouais, sur la place, la route, quoi. Ouais, dans la rue, tu vois. Bon, salut les Indiens qui nous écoutent. Ouh, ouais, voilà, c'est ça, ouais. Parce que je parle indien, moi, ouais, un peu. Bon. Tu viens, c'est d'être grave envie. Il y a une petite blague qui me fait rigoler, c'est là, c'est sur des paysans. Sur les messages. Juste avant qu'on prenne Xavier. Merci, Théo. Tu restes juste le temps de la petite blague. Vous savez ce que fait Romano le soir pour se détendre? C'est le message de Néo Abra. Elle est marrante. Néo Abra, il a 20 ans. Je sais pas. C'est un truc à la con. Hein, on va t'envoyer un t-shirt Skyrock parce qu'elle est drôle, ta blague. Je sais pas, il se peigne les cheveux. Non. Qu'est-ce que fait, alors d'après toi, que fait Romano, Théo, quand il a envie de se détendre, le soir? Il se branle. Oui, mais pas que. Oui, mais bon, il faut que ça soit drôle. Oui. C'est pas vraiment drôle. Non, mais c'est drôle de t'imaginer. Non, mais ouais, non, mais. Oui, mais d'accord, mais dans la blague, bon, voilà, si la blague c'est ça, c'est un peu pourri, quoi. Tu dois être tout rouge quand tu te branles, non? Non, pas spécialement, non. J'ai le visage qui s'affaisse. Ah, comme ça. C'est genre comme Droupy le chien, quoi. Oui, comme Droupy le chien. Alors, que fait Romano pour se détendre le soir? Il se fait couler un lavabo. Parce qu'il est tout petit. C'est très con, mais bon, c'est marrant. C'est drôle. Elle est marrante, ouais. Non, mais c'est vrai, elle est pas mal. Non, mais c'est vrai. Bon, merci, Néo Abra. On t'envoie un cadeau. On va te rappeler. On prend ton numéro. On te rappelle à la fin de l'émission. Parce que là, on a du taf. Mais à la fin de l'émission, on prend tes coordonnées. On t'envoie le t-shirt Skyrock. Même chose pour toi, Théo, d'ailleurs. D'accord. T-shirt collector Skyrock. On t'envoie à la maison. T'es où dans le 5-9, toi? Moi, je suis dans le Nord. Oui, dans le 5-9. Dans le Nord, ouais, mais où? C'est quoi la ville? Valenciennes. Et bon, salut tous les auditeurs de Sky à Valenciennes. Ah, salut Théo. Ah. Et dans le 5-9. Salut Théo. Merci salut. À toi. Ciao Théo. Bon, ciao. C'est bien, on aura parlé de la chatte d'Afina Turner ce soir. Bah, écoutez, ah bah c'est super. Ouais. C'est super, ça aura lancé un grand débat sur les poils, tout ça. Dites-nous les filles d'ailleurs, hein, si vous avez plein de poils et que vous préférez les poils, dites-nous pourquoi. On va y des photos si vous avez envie. Hein. Bien sûr. Nous les acceptons. Très bonne idée. Pas, ouais. Avec l'appli Skyrock, vous pouvez nous envoyer les photos de tout ce que vous voulez. N'hésitez pas. Bon, on a Xavier qu'on va prendre au téléphone avec nous. Xavier, 26 ans, est parisien. Et puis on prépare Maître Gims et Jules. Le morceau de Maître Gims et Jules s'appelle Boucan. Ouais, c'est un ça. Un titre que vous avez découvert sur Sky. On n'est pas dans la merde. Le son qui arrive tout de suite. Mais c'est quoi ce truc? C'est un truc samplé sur un truc de vieille dance italienne. Ah ouais? Ah ouais, sûr. T'es sûr ça? Ah, sûr et certain. Dites-nous si vous connaissez le sample du morceau. On va l'écouter hein, dans 5 minutes même pas. En entier, oui. Alors Xavier, bonjour à toi d'abord. Salut tout le monde. Salut Xavier, et je dirais même plus. Salut les filles. Salut les filles. Salut Xav. Donc t'as 26 ans, t'es ouais. Parisien Xav. Ouais, c'est ça. Oui. Ah, est-ce que vous savez qu'est-ce que fait Romano quand il va à la piscine? Pour épater les autres. Petite blague encore. Si vous en avez des comme ça, elles sont pas mal, c'est pour le Karim Comedy Club. Ouais, ça c'est la bonne couille qu'il a envoyée. Ouais, merci à la bonne couille. Alors, que fait Romano quand il va à la piscine pour impressionner ses amis? Moi je sais, moi j'ai vu la réponse. Ouais, eh bien il fait un plongeoir avec une petite cuillère. Non mais c'est vrai, je te jure pas 10 centimètres. Il amène une petite cuillère, il y a un pote qui lui la tient, il monte dessus, il fait un plongeoir et là tout le monde est impressionné. Ouais, c'est la classe. Et tout le monde applaudit. Ouais, ouais, bravo. Bravo Romano, bravo. Et alors pour les questions, où est-ce qu'on peut trouver la chatte à Fina Turner? Difool.skyrock.com. Ouais, elle y est, hein. Ouais, elle y est, ouais. Je suis pas allé vérifier, mais bon. Alors, Xav, dis-nous, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Alors, moi, qu'est-ce qui m'arrive, c'est que là, il y a pas longtemps, je suis rentré dans une agence de photos. Oui. Mon photographe. D'accord. Et ah, c'est que tu veux en faire ton métier, photographe. Et t'es quoi, t'es mannequin ou photographe, toi? Ah, t'es photographe. Bah, en fait, avant, non, moi, je suis photographe. Et le problème, c'est que avant, je faisais les photos pour les mannequins, etc. Ça va comme métier, après, c'est sympa, ça, dis donc. Ouais, c'est cool, ouais. Ouais, bah après, tu vois défiler des mannequins toute la journée, donc ça va. C'est... Non, mais attends, ça, c'est pas mal. Alors, moi, comme métier, qu'est-ce que je ferais bien? Je ferais bien casteur pour Film X. Ouais, c'est pas mal, ça. Ouais, pareil, ouais. Ah, t'es casteur. Moi, je ferais testeur, moi. Ah, mais tu sais que les casteurs, ils les baisent, hein. Ah, les castings, tu baises? Bah, je sais pas, moi, j'avais eu un reportage, là, je sais plus, à la télé, je sais plus quel réalisateur, mais un mec connu, hein. Et le mec, il partait dans les pays de l'Est, il organisait des castings, et les mecs, il les kennait dans la chambre normale. Ouais, pour voir ce qu'elle valait, quoi. Normal pour le casting. Vas-y. Non, mais le mec, c'était un Français, hein. Ah, normal pour le casting, alors. Vas-y, paye ta chatte, c'est ça, en gros. Ouais, non, mais c'était ça, il faisait des castings, genre, dans les hôtels. Tu sais, les meufs, ils les faisaient, se foutre à poil dans la piole. Ouais. Et le mec, il lui disait cash, et il disait, ouais, je vais essayer pour voir ce que ça donne, quoi. Ouais, bah ouais. Bon, donc un métier. Bah, arrête de faire du bruit, Xavier. Mets le téléphone vers ta bouche. Fais un truc. Ton téléphone. Ouais. Voilà, qu'on t'entende bien. Et donc, oui, c'est comme métier sympa, c'est pas mal ce que t'as, toi. Photographe avec des modèles féminins, des mannequins. Bon, c'est bien. Ouais, il y a pire, après, ouais. Ça, c'était ma base, on va dire. Mmh. Et après, moi, je suis parti avec une meuf. Ouais. Bah, je suis toujours avec. Et le problème, c'est qu'elle est très jalouse. Ah, et comme t'es avec des gris. Écoute, t'es en contact avec des meufs, effectivement, elle est mal tombée. Ah ouais. Après, bon, donc moi, je suis parti dans tout ce qui est événement, tout ce qui est mariage, etc. Bon, ça va. Et le problème, c'est que j'ai des messages des mariés ou des amis proches de la mariée qui veulent des photos et des fois, elle lit les messages. Ah, donc, comme elle est très jalouse, elle te fait une crise à chaque fois que tu reçois un message pour le boulot, ouais. En fait. Ouais, mais bon, c'est ton boulot. Hein. Ouais, c'est ton taf, quoi. Ouais, mais bon, si elle voit le message et qu'elle voit que c'est pour une photo et que c'est pas pour Ken avec elle. Ouais, après, il y en a qui me disent, ouais, vous pouvez me prendre des photos en shooting. Elle sait que c'est des messages de meufs. Faut qu'elle soit plus tolérante. Hein. Imagine ce que supporte ma chérie à moi. Ah bah avec oui. Les femmes qui se jettent sur moi ah bah, la journée. À l'antenne aussi, hein. À l'antenne pareil. Et qui crie, Marie, exactement. Bah évidemment. Qui crie quand elle me voit en vrai parce qu'elle s'imaginait pas que c'était. Ah merde. Quelle horreur. C'était aussi beau que ça, ouais. Donc non mais on peut être jaloux mais là c'est pour le taf donc t'es pour rien ouais, toi c'est ouais. Ça, ouais. Quand les gens ils te demandent vous pouvez venir faire des photos de notre mariage bon tu vas pas qu'elle la mariée hein. Non pas enfin, s'il y a moyen c'est pourquoi pas oui bon après non, l'horreur s'il y a moyen oui l'enfer. Un cadeau de mariage ouais, comme ça, oh, bah, sympa ouais pour la nuit de noces et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour toi nous Xavier je voudrais savoir s'il y a des personnes qui sont pareilles que moi dans la même situation genre ils ont un boulot ils sont en contact avec ça te saoulerait toi t'es pas tolérant toi putain c'est dingue ça. Non mais c'est comme si admettons moi Cariole elle m'empêchait de parler avec les filles qui passent à l'antenne tu vois ah bah voilà et moi inversement le matin sitôt qu'on a un mec à l'antenne elle n'a absolument pas le droit de parler parce que je suis super jaloux tu sais je sais pas c'est invivable le truc dites-nous si vous êtes jaloux de je sais pas du surtout du... là il y a rien quoi c'est pour le taf quoi du métier ou de la passion je sais pas si votre mec par exemple les filles il est dans une équipe de foot et qu'il y a plein de filles qui viennent le voir à la fin du match parce qu'elles le supportent, tout ça. Ouais, bon, ça veut pas dire qu'il les baise. Hein. Mais Xavier non plus. Xavier, tu les baises pas, t'as baisé personne dans ton boulot. Non, du tout, non. Moi, je préfère gagner de l'argent. Hein. Bah, tu sais que. Ouais, c'est clair. Quitte à ce qu'elles soient jalouses, ah, autant. Autant, enfin, bon. Autant Ken, quoi. Oh non, mais. Enfin, bon. Ken des mariés, là. Ou les mariés. Ken ouais. La mariée, ouais. Donc, dites-nous pour Xavier au 41759 et sur l'appli Skyrock si vous avez un petit conseil à lui donner et comment vous réagiriez si vous étiez à sa place. On vous attend en direct et on en reparle dans un instant. Hein. On va lancer le double appel de ce soir. On l'a pas encore fait ce soir. Ouais. On va le faire tard. C'est tard pour un double appel, mais on va quand même tenter le coup. Ça, on a peur de rien. Et on peut le faire chez les gens qui bossent peut-être. Comme ça, on est sûr que ça va. On est sûr que ça va répondre. Ouais, allez, ouais, vas-y. Et puis on est sûr qu'on réveillera personne aussi. Donc vous pouvez nous laisser les numéros si vous avez, je sais pas, quelqu'un de la famille qui bosse, votre frère, votre sœur qui taffe de nuit. N'hésitez pas à nous laisser les numéros, les vôtres si vous voulez, mais surtout le numéro qu'on doit appeler dans un instant sur Skyrock. Allez, on tente le lourd ce soir. Multi-appel. On est ouf. Allez, un multi-appel, c'est plus fort encore que le double appel. Le multi-appel ce soir à retrouver. Eh bien, je vous le disais dans un instant, après Maître Gims et Jules, qu'on va retrouver tout de suite. C'est Boucan, c'est sur Sky. Depuis la rentrée, Diffoul a déjà distribué plus de 30 000 euros en cash. 30 000 euros en cash. Il faut me dire, quelle est ta radio préférée? Bah, Skyrock. Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. C'est Skyrock. Mais oui, c'est Skyrock. Ouais, c'est gagné. C'est pas vrai. Plus de 30 iPhone 7. Ton iPhone 7, le tout dernier. Putain, ça c'est bon ça. Romano a déjà

nuit, j'esquivais les ennuis. Toute la nuit, j'esquivais les ennuis. Alors ma jolie, on a cœur démoli, on est dans sa folie. Folie, folie, folie, folie. Toute la nuit, j'ai rôdé dans Paris avec Fédic, Dadju et Darcy. Hey! C'était Maître Gims, c'est Jules sur Skyrock, c'était Boucan. Skyrock, Romano. Je suis comme un nouveau-né. Mais oui, c'est bien Romano, vas-y, mais parle-moi plus clairement. Un nouveau-né ou un teubé, oui. Okay. J'ai envie de voir ton cul, je suis dans un train, j'aimerais te sodomiser en cuissarde. C'est quoi ce truc, Cédric? Il avait des gros trucs, des gros jetards pleins de blanc là. Vous étiez sacrément une bande de beaux gosses, toi, tes potes. Bah, il manquait que toi, tu sais, pour faire un beau gosse. Marie. T'aimes quoi sexuellement? Samy. Pourquoi tu l'as pas ken? Et Karim. Ouais, ouais. Lui, il a grandi dans la saleté, donc pour lui, tu sais, peut-être il dit même pas ça. Hein. Oh ouais. Radio Libre. Tous les soirs sur Skyrock. Ah ouais. Ah ouais, mais pourquoi tu dis ça? Eh bien, merci à vous d'être là tous les soirs, 23h04. Avant minuit, dans moins d'une heure, on vous offrira vos places pour aller voir Soprano. Soprano en tournée avec Skyrock, c'est à gagner, c'est sur Skyrock évidemment. Et on vous offrira vos places, je vous l'ai dit, avant minuit, c'est promis. Place de concert pour les concerts dans toute la France. Ils tournent, mais partout. Hein. Ouais. Les villes, les grandes villes, les villes moyennes, les petites villes. Il est partout le Soprano. Partout, il y a Sopra à gagner dans la roulette tout à l'heure. Il y a Ken Jones à écouter, on écoutera aussi MHD. Avec la belle Zao, tout ça avant minuit sur Sky. Et puis on vous écoute, vous, surtout en direct, hein, si vous voulez faire de la radio avec nous. C'est ouvert tous les soirs, c'est en direct, c'est du live. C'est au 01 53 40 30 20. Vous appelez, vous tombez sur la Marie, là, vous avez grave de la chance. Ouais, ah bah oui. Comme tomber sur Karim, bon là. C'est moins de chance. Et Samy, voilà. Alors là, c'est l'apothéose. Ah, c'est l'apothéose. Donc 01 53 40 30 20, si vous avez un truc à demander. N'hésitez pas, il faudrait qu'on prenne des nouvelles de notre Toulousain, là. Julien, est-ce qu'il a trouvé quelqu'un qui l'a aidé? On va voir si les Toulousains sont solidaires. Julien nous a appelé en début d'émission tout à l'heure. Il est toujours en galère. Ouais, c'est chiant. Il est en panne à Toulouse. Il était sur la bretelle du périph' intérieur. On prendra les nouvelles avant minuit pour savoir comment ça s'est passé. Il tombe en panne d'essence. Genre de truc qui arrive et qui est bien relu. Ouais, bien chiant, ouais. C'est déjà arrivé, on tombe en panne d'essence. Bah ouais, j'ai raconté tout à l'heure, j'ai fait les poubelles. Ah oui, tu m'avais dit, excuse-moi. Ça m'est arrivé une fois, mais tu sais que moi en plus, je déteste mettre de l'essence. Il faut payer, normalement. Ah, avant que je sois à zéro. Oui. Il préfère tomber en panne. Donc Romano, en fait, tombe en panne et après met de l'essence. Là, ben, ce matin, par exemple, j'ai mis de l'essence. J'étais à 5 km. Il me restait 5 km. Ah, mais ça, c'est dangereux. Un jour, tu vas te faire baiser comme s'est fait baiser non, Julien. Non, t'inquiète, je connais ma jauge. Julien, il pensait connaître sa jauge aussi et ça n'a pas marché. Non, mais une fois, ouais, je m'étais fait baiser, mais en plein Paris. Elle voulait la galère parce que pour trouver une pompe à essence. Moi, je suis une pompe tout court. Ouais, mais t'aurais pas pu faire grand chose sur le coup, Marie. Non, c'est clair. Bon, le multi-appel ce soir. Allez, on avait promis. Multi-appel à retrouver avant minuit. On va appeler des gens qui bossent. On va les mettre en contact. Et on va voir tous ensemble, il y aura Patrick, il y aura Cédric, il y aura du monde. On va voir un peu ce qui va se passer. Donc, multi-appel à suivre. Lucie, tiens, au téléphone avec nous, qu'on va prendre tout de suite, qui doit être dans le coin. Lucie, avec une toute petite voix, on m'a dit bonjour, Lucie. Ouais, petite voix, Lucie. Bonjour. Bonjour. Ah, ça va encore. Ça va. T'as une belle voix, en tout cas, Lucie. Lucie, 94. Merci. Comment ça va, Lucie? Oui. Ben, ça va bien. Hier, on a offert 1 500 € à Créteil. Le 94 est bien représenté dans les 1 500 €. Tu aimerais bien gagner 1 500 €, hein. Dommage que c'est pas chez moi. Ça arrivera un jour, ouais. Lucie. Eh bien, envoie 1 500 au 720-20. 1 500 au 720-20 et tu augmentes tes chances de gagner. Je penserai la prochaine fois. Mais oui, 720-20, tu t'inscris maintenant, tu gagnes demain matin. Ça c'est bien comme slogan. Ah ouais, 720-20, tu t'inscris maintenant, tu gagnes demain matin. Ouais, c'est bien ça. Mais voilà. Dis full, quel génie. Génie, je suis un génie des slogans. Je vais faire des slogans pour des. Donnez-moi une marque et je fais un slogan. Allez, donnez-moi des marques là au 41759. Camembert et... président. Camembert président, on en mange tous, même quand on n'a pas de dents. Ah, pas mal, gros. Ah ouais, pas mal. Attends, et cochonou. Ouais, cochonou. Cochonou, le bon un saucisson de porc, comme on les met chez nous. Ouais. Ah ouais, ça c'est génial. Ouais, c'est génial. C'est innovant. Un saucisson de porc comme on l'aime chez nous. Et on peut même le chanter cochonou et saucisson de porc. Ah, c'est bien, c'est génial. C'est génial. Et t'as pas l'idée pour les magasins La Paire? La Paire, il y en a pas deux. Oh, ouais. C'est trop bon. Oui, oui, oui, c'est pas mal. Adidas. Adidas. C'est la classe. Ouais, voilà, ouais, facile. Et hop là. Paradise Pizza. Paradise Pizza. N'y allez pas. N'y allez pas. Bravo Mano, je t'embauche comme assistant slogan. Mano. Pas mal. Pas mal. Voilà. Eh, hey, tu vas avoir grave des clients. Ah, mort. Là, je crois qu'on fait le buzz. Alors, Nike, l'ivoirien me dit Nike. Oula, vous êtes plein à dire Nike. Asus Clève Nike. Nike, si t'en mets pas, je te Nike. Ah ouais. Hey. Ok, difficile. Tiens, il y a Slap Logan là qui nous dit Ikea. Ikea, quand il va, t'en es baba. Hein. C'est un peu genre Walibi quand même. Ouais, c'est pas mal non plus comme slogan. Bon, vous me demandez, moi j'ai Capri Sun. Capri Sun, c'est Capri Sun. Si t'en bois pas, eh ben t'as le seum. Ouais. Ça passe, non, ça? C'est pas mal. T'en bois pas, t'as le seum. Ah ouais, c'est bien. Capri Sun, t'en bois pas, t'as le seum. C'est pas mal. Ouais, ouais. Bon, alors, après avoir fait cette petite brainstorming, comme ils disent dans les agences de pub, brainstorming, on a fait. Eh bien, on va passer. Attendez, Carrefour. Carrefour, à droite, après le Carrefour. Non. Viens dans le Carrefour et je te fourre. Non, ça c'est pas super. Mais bon, alors. Et on prend des nouvelles de Julien, il est dans un instant, il est avec nous. Julien, le naufragé de la route, on va l'appeler. Ça, ça classe. Ouais, là. C'est ça, ouais, c'est bien. Oui, dans un instant sur Skyrock, bienvenue, hein, sur Skyrock. Le naufragé de la route sera avec nous. Est-il sauvé? Est-il décédé? Nous en saurons plus. Non, mais ça, c'est horrible, hein. Nous, avec Difool, on a été naufragé des routes. On a été naufragé de la route. Oui, c'est vrai. Attends, il y avait Cariol, il y avait Romano, il y avait Karim, il y avait moi, et il y avait un pote à moi, Fouette Canard. Ouais. Ouais, ouais, putain, l'hiver, là, qu'on est parti. Foie de canard, pardon. Foie de canard, ouais. À l'hiver, on est parti. Bah, c'était pas l'hiver d'avant, cet hiver-là, l'hiver d'avant. Ouais, on a été naufragé de la route, 23 heures sur la route. Ouais, c'est ça. Ouais. On a dormi sur l'autoroute, ouais. Pour faire, moi, j'en ai fait, 400 et quelques. 23 heures pour faire 400 bornes, t'imagines? Ah non, nous, c'était pour faire, je crois, 10 bornes, gros. Oui, c'est vrai. Ah, nous, c'est 23 heures pour faire 10 bornes, parce qu'on se cassait en Italie. Ouais. Et les gens, en fait, ceux qui bloquaient, c'était ceux qui allaient à la station d'avant la frontière en France. Donc, ils bloquaient toute la route. Et on était quasiment arrivés, mais moi, à 10 bornes. Parce que moi, j'étais à un moment donné, j'étais à quoi, à peut-être 5 km. Tu sais, j'avais loué un appart, donc j'appelle l'agence pour les clés, tu vois. Et la meuf, elle me dit, ouais, vous êtes où? Je lui dis, j'étais à Mout. J'étais à Mout. Putain, ça veut dire mort en arabe, gros. Mais c'est une ville dans les montagnes. Et là, elle me dit, ouais, pour rejoindre la station, elle me dit, vous en avez pour 4 heures. Je lui dis, non, mais il y a même pas 5 km. Elle me fait, non, mais il y a des gens qui viennent d'arriver, ils ont mis 4 heures. Et effectivement, j'ai mis 4 heures. Et ben voilà. Ça t'a donné de l'espoir, quoi. Donc, notre naufragé de la route, Julien, est de retour dans un instant. Mais là, on est avec toi, Lucie. Donc, Lucie, 21 ans, 94. Et tu nous appelais en réaction par rapport au sondage qui a été lancé par Tonio tout à l'heure sur les poils. Ah, tu veux nous parler de ta chatte? Mais, oh, mais dis donc, Romano, on n'accueille pas une auditrice de Skyrock comme super. Ça. Super. Bah, c'est ça, Lucie. Alors, parle-nous de ta chatte, Lucie. L'autre, c'est qui t'a C'était pour dire qu'en fait, je suis d'origine chinoise. Regarde, tu du viens coup, d'où, à chaque fois, en Chine, la mode, c'est d'avoir les poils, justement. Mais partout en Chine. Naturel, et puis, du coup, chaque fois que je rentre en Chine, je suis obligée de me les faire pousser en quelque sorte. Non. Non, mais bah, en plus, pourquoi tu te les fais pousser? Parce que tu montes pas ta chatte à tout le monde quand t'es dans non, les mais les poils des jambes, comme on disait tout à l'heure en Inde. Ah ouais. Les poils des bras, des jambes. De ah ouais, mais laisse-les pas. Et toi, t'aimes bien te les laisser pousser les poils sur les jambes? Sincèrement, pas du tout. Bah, j'imagine. Bah ouais, mais dans ce cas-là, mais un jean ou mets des pantalons tout le temps et mets pas de jupe. Et c'est pour aller dans les lieux publics, comme aller à la piscine, des centres de loisirs, etc. Ouais, mais par exemple, si tu vas sans poils, ouais. Ça les gêne. Regarder chelou, ouais. Ah oui, ouais. Parce que les autres filles, elles te regardent avec des regards travers, etc. On n'a pas de poils, Ah, elle est pas humaine. Ah ouais, mais je savais pas ça sur les, les Chinois. Il y a plein de pays. Comme t'es originaire de quelle ville en Chine, toi, Lucie? De Yantai. Yantai. C'est à côté de Qingdao, la bière. Mais les Yantai. Ah, elle est bonne, la Qingdao. Ouais, c'est clair. Et les Yantai, mais c'est pas les trucs de cul, là? Non, c'est les Antai. Ah, Yantai. C'est pas loin. Sympa ta ville. Non, c'est pas du tout. C'est là, mais c'est chelou parce que, alors, les Chinois, par exemple, qui viennent, parce qu'à Paris, il y en a beaucoup. Oui. Tu vois, qui viennent des touristes. Oui. Ben, là, les meufs, bon, j'ai jamais fait super gaffe, mais. Regarde. Non, mais elles se rasent peut-être, mais. Parce que j'ai jamais remarqué qu'elles étaient super poilues, quoi. En fait, ouais, est-ce que tu as vraiment bien regardé? Est-ce que si tu les vois en robe, s'il faut, tu verras qu'elles ont des poils. poils. Ah, ouais, je regarde, tiens. Ouais. On va regarder. Non, en fait, elles sont pas, on n'est pas très poilus des jambes, etc. Mais c'est surtout quand tu vas en Chine, dans les, en été, dans les transports en commun, etc. Mm. Bah, les aisselles, tu les vois. Mais on m'a dit un truc sur les transports en commun. Dis-moi si c'est vrai, Lucie, ou si c'est une légende urbaine ou une connerie sur le net. Mais il paraît que les gens, par exemple, dans les transports, quand ils ont envie de cracher, ils crachent par terre. Ils gênent pas. C'est vrai, ça, ou pas? En Chine, c'est hallucinant. Oui, il crache partout en fait. Ah ouais, c'est hallucinant. Gros. C'est un truc chinois, ça vous crachez. Moi, l'autre fois, j'ai pris l'avion. Je suis allé jusqu'en Chine. Bon, je suis pas resté en Chine, mais j'ai pris une compagnie chinoise. Samy s'est fait cracher dessus. Non, mais dans l'avion, gros. Le mec à côté de moi, normal, gros. Tu sais, je fais putain, mais il est en train de préparer un truc dans ça. Je sais pas ce qu'il va cracher, tu vois. Le mec se tourne dans l'allée normale de l'avion. Normal. Personne lui a rien dit, quoi. Si. Et tu vois, il y a l'hôtesse, elle lui a dit un truc et tout, ça se fait pas, machin. Et du coup, après, il prenait son sac à vomi, il crachait dedans. Ah putain. Ah non. Et le mec, il a fait ça pendant combien d'heures? Non, mais il a fait une fois, tu vois, et l'hôtesse, elle a cramé direct. Elles sont vachement habituées, en fait, parce que, tu vois, tu sais que les mecs... Ouais, c'est, ça, c'est dans les coutumes, quoi. Ouais, mais c'est hallucinant, gros. Ah ouais, c'est marrant, ça. Donc, c'est vrai, ça, Lucie. Oui, évidemment. Ah ouais, c'est marrant, ça. Ah, c'est marrant. Mais c'est quoi? C'est les hommes et les femmes ou c'est que les hommes? Moi, là, c'était un homme. C'est plus les hommes qui crachent, les femmes, c'est mal vu, en fait. Les femmes, elles chient par terre. Direct. C'est sympa. Ça donne envie d'y aller. Et toi, t'es née en France, Lucie, ou tu viens, ou t'es née en Chine? Non, je suis née en Chine. T'es née en Chine. Et t'es arrivée à quel âge en France? Vers 10 ans, à peu près. D'accord. T'as presque. Enfin, t'as pas d'accent, en fait. Ouais, pourquoi tu dis pas Mundo? Non, mais c'est vrai. Il y a des, non, mais c'est plus les parents qui ont l'accent. Là, si je l'ai entendu parler au standard tout à l'heure, je sais pas si t'es avec ta mère ou quoi, que tu parlais derrière, mais tu parlais chinois, quoi. Oui, je parlais chinois avec c'est ma mère. Non, mais ça, c'est bien, cool, hein, parce ça, que franchement. Ouais. Ça, c'est top, ouais. Tiens, présente-moi la chinoise. Je kiffe les chinoises. Je suis du 94, comme l'auditrice. Tu vois, tu fais un carton, Lucie. Carton. Elle a une belle voix, la petite. Possibilité, son numéro. Nous demande la pile Duracell. Tu vois, la petite a 21 ans, quand même, hein. Oui. Ouais. Là, c'est absolument, oui. La petite. Elle veut pas des petits bonbons. Tu es la petite Lucie. Et, la Chine te manque ou t'es heureuse en France ou les deux, peut-être, même à la fois, hein. J'aime bien être en France, mais pendant les vacances, j'adore retourner en Chine tous les ans. Bah, tu retournes à la maison. Avec ta famille et tout, ouais. Et qu'est-ce qu'il y a de bien en Chine? C'est quoi le truc qui est mieux que chez nous? Et qu'est-ce qu'il y a de mieux en France? Bah, tu peux manger du chien. À part les crachats, à part les crachats. La nourriture, quand même. Tu peux avoir la nourriture vraiment pour pas cher, etc. Ah, pas cher, Romano, la Chine. C'est bien ça. T'as déjà mangé du chien, toi? Bien sûr. Oui, je pense, mais je ne suis pas sûre de tout ce que j'ai mangé, à vrai dire, donc. Ah, j'ai même vu des restos de chiots. Spécialisé dans le chiot. Oui, parce que c'est plus tendre. Ouais, c'est ça, la viande est plus tendre. Ouais. Du coup, ils sont spécialisés vraiment dans le chiot. La viande est plus tendre. Ouais, c'est spécial quand même. Ah ouais, c'est clair. Et en France, qu'est-ce qui est mieux? En France, la vie, je dirais, la vie est plus cool en tout ça. Ah, c'est plus cool en France. Putain, je trouve stressé, moi, les Français. Quand je vais à l'étranger, je trouve qu'on est stressé, nous. Mais en fait, niveau au gouvernement, tu parles, non? Oui, niveau gouvernement, Chine, on a putain, plus d'avantages. C'est clair que tout le monde chie sur tous les gouvernements, d'ailleurs, pas que celui-ci. Mais c'est vrai qu'en France, on peut quand même à peu près se démerder, vivre comme on veut. Tu peux plus ou moins dire que t'es libre en Chine. Regarde, Romano peut faire ses conseils pas cher sans aucun problème. Il sera en Chine, je pense que tu serais en prison, Romano. Ouais, c'est possible. Tu sais que par exemple en Chine, WhatsApp, Facebook, tout ça, c'est arrivé il y a quelques mois. Hein. C'était interdit avant. Mmh. Mais il y a les réseaux chinois. Bah, justement, j'étais en vacances cet été en Chine et j'avais pas accès à tout. Ça en y fait. Est, maintenant j'avais ça y est. J'avais accès à rien du tout. Ah ouais. Ça y est, ils ont autorisé Google, YouTube, WhatsApp, Facebook. Bah, c'est pas un pays très très très très libre. Ah ben bah, pas du tout. À ce niveau-là, on va dire. C'est moi qui t'ai autorisé. Vive la Chine! Bravo! Vive Mao Tse-tung! Vive les nems! Vive les nems, oui! C'est pas du tout cliché! Ouais, c'est clair! Vive le karaté! Vive le karaté! Bon, on te fait un gros bisou, Lucie! Et puis merci du coup de fil, on va t'envoyer le t-shirt Skyrock! Quand tu retourneras en Chine, tu le mettras, puisqu'on est autorisé là-bas! De rien! Ben merci, Lucie! Gros bisous! Bisous, bisous, Lucie! Ciao! Ciao, ciao! Et vous en direct aussi, 01 53 40 30 20. On attaque le multi-appel, mais d'abord des nouvelles de notre naufragé de la route. Vous êtes des millions à vous dire, mais qu'est-il devenu? Où est-il? Est-il encore en vie? Bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il est encore avec nous. Skyrock, la... Ah oui, c'est vrai, il est en vie alors. Oui, il est en vie. Skyrock, mais dans quel état est-il? Je sais pas, Juju. Ouais, ça va les gars? Bah écoute, c'est surtout à toi qu'il faut demander si ça va. Donc ouais, tu nous appelles tout à l'heure. Nickel. Alors. Nickel, merci, tout bénef. Je passe une putain de soirée grâce à vous en plus. Ouais. Alors, explique. Ouais, ben nous aussi, pour l'instant, on passe une belle soirée aussi. Alors, on voulait savoir si on avait réussi notre mission de ce soir. Donc, t'étais naufragé de la route sur le périph' intérieur de Toulouse. Voilà. Et alors? Bah alors écoute, 10 minutes après que j'ai raccroché, ouais. T'as deux filles, Linda et je crois je sais plus comment c'est l'autre, Marie ou Marine, je sais plus. T'as des filles en plus. Putain, deux meufs, tous les Russes. Deux filles, ah ouais, mais qui se sont arrêtées. Elles étaient bonnes. Et ou en pas même temps, il y a on va dire 50%. 50%, ouais. Ah bah ouais. Super, c'est ça. Mais gentil, si vous entendez. Non mais déjà, de toute façon, ouais. Non, mais après... moi je l'ai senti dès le début, déjà t'avais oublié le prénom de la deuxième, donc c'est beaucoup moche. Ah voilà, mais non, mais t'as tout compris. Je suis désolé pour l'autre, si elles sont encore. Alors brasse, moi j'ai fait un gros bisou. Bah oui, bisous, de toute façon, chacun ses goûts en plus. Ouais. Voilà. Et du coup, il y a un gars qui arrive en même temps en mobylette pour me déposer là. Donc t'as dit au mec, vas-y, dégage, il y a deux meufs là. Non, au contraire, mais allez, bouge, prends-le, t'es moche. Non. Et du coup, ouais, donc les filles, bon, elles sont arrivées avec un bidon, je leur ai donné les sous, le gars il était là. Donc il avait un bidon aussi, il m'a rajouté et là je suis en train de passer la soirée avec lui là, voilà. avec toute la clique, des collègues à lui, donc voilà quoi. T'as deux meufs qui viennent te prendre, un mec en mobylette, tu termines avec qui? Avec le mec. Avec le mec. Donc enfin en gros c'est que la meuf t'as pas dû lui plaire non plus parce qu'ils se sont barrés. Non mais ça c'est bien goupillé mec, mais ouais c'est entre couilles. Mais j'avoue après regarde moi je fais un peu de son, ils font du son, on se met bien. Mais c'est quoi son prénom là? L'auditeur qui s'est arrêté. C'est Achille, c'est ça, c'est Achille toi. Ouais, c'est Achille. Salut Achille. Ah bah salut, Achille. Merci Achille. Ouais, salut bien. Achille, ils te disent. Ouais, gros big up. Et d'ailleurs, il fait du rap, c'est l'Hameçon Crew pour écouter sur... Alors, l'Hameçon Crew, Achille, le sauveteur de notre naufragé de la route. Ouais, il Julien cool. De Toulouse, c'est bien, voilà. C'est bien. Et nous, c'est la Caravane Production, voilà, on a une chaîne YouTube aussi, si vous voulez aller. La Caravane Production. Bah, la Caravane, mon copain. Faites une alliance, là, tous les deux. Faites un crew. Faites un duo. Ouais, mais franchement, ça va se goupiller, je pense, un petit délire. C'est cool. Et je fais une grosse bisou. Deux copines aussi qui sont passées. Gros bisous, ouais, Linda. Gros bisous, gros bisous, les filles. Gros bisous, la copine. Et l'équipe, je vais vous demander un dernier service. Vous allez me rendre les plus heureux du monde. Ouais, vas-y, dis. Tu peux vous gratter un jeu? On va t'envoyer. On a les t-shirts, les jeux. C'est Cédric qui a la clé. Non, mais c'est bon. Vendredi matin. Vendredi matin. On vous offrira le nouveau FIFA vendredi matin. Morning spécial avec la PS4 Slim qui va avec. Ouais. Et il y aura aussi NBA 2K17. Oui. Voilà, Tourquet 17, oui. A gagné. Et oui, Romano, c'est magnifique ce cadeau. Ne tombe pas dans les pommes. Non, mais je reste avec vous. Donc, vendredi matin, morning spécial PS4 Slim, la nouvelle. Ouais. Bon, ben merci Julien, puis merci surtout à Achille, le poteau Achille maintenant. Hein. Et puis à Linda, yes, merci à la tous. Copine, on vous embrasse. Ouais. Salut. Salut à toi, ciao. Non, mais j'aime bien que ça se passe comme ça, au moins on voit qu'on est utile. C'est vrai, c'est solidarité. Cool. C'est bien. Et quelque part, ça m'émeut. Puis ça a été rapide, 10 minutes après. Ouais, bah, c'est ça ce qu'il y a. Service express. Et ouais, ça va vite. C'est bien, comme on l'aime. Ah, voilà, comme mon sexe, il va très vite. Je suis précoce en fait. Mais oui, je sais, Cédric. Mon présent est précoce. Mais c'est bien. Si vous venez d'arriver, on a eu Cédric ce matin dans le morning à 6h20 au réveil. C'était très sexy pour se réveiller. Ah, bah, et on l'a ouais. eu aussi ce soir dans la radio libre. Il va bien. J'ai l'impression qu'il fait un peu de cinéma, moi. Ouais. Bah, il va bien. Déjà, ça allait moins bien sur la fin parce que bon, je vais quand même vous annoncer, vu que personne ne le fait. Avec toute ma modestie, que je l'ai piné au clash, quoi. Ah là, au passage. 55-45, ça. Il a fait toute sa comédie. J'ai mal. Voilà, bah maintenant, il a mal au cul. ça lui change la douleur. Voilà, c'est bien. C'est vrai, quand vous avez mal quelque part, je sais pas si vous avez remarqué. Mais bah, tu fais mal ailleurs, en fait. T'as mal au doigt, par exemple. Eh bien, je sais pas, fous-toi un coup de poing dans la gueule. Ton mal de doigt va disparaître et après, t'auras mal à visage. Ouais, mais ça dépend jusqu'à quel point la douleur. Admettons, tu te coupes un doigt. Oui. Je suis pas sûr qu'à ce moment précis, t'as envie de te foutre un coup de poing dans la gueule. Ah non, t'as disant, trop mal. Je vais me faire mal ailleurs, quoi. Si. Comme non. Ça, tu sais que tu as moi, mon père, il avait coupé complètement un doigt. Il ah ouais, dans tu la glace. Nous avais dit, oh. Et il en a fait quoi? Bah, il l'a emmené à l'hôpital, ils l'ont remis. Il a mangé comme moi avec les sneakers, les bouts. Non, il a, en fait, ce qu'il a fait, c'est que. Tiens, papa, donne-moi un doigt glacé. J'adore. Non, mais il faut le mettre dans la glace, ouais. Ouais, bah, c'est ce qu'il avait fait, parce qu'il était cuisinier à la trancheuse à jambon. Oui. Ah ouais, c'est passé sous la lame, là, les gros trucs, là, où il pose le jambon dessus, là. Oh. Et bah, à un moment donné, ça a fait pute. Et le doigt, mais il était complètement coupé. Hein. Ça, j'avais fait ça à la mandoline, vous vous souvenez là? Je mettais. À la mandoline. C'est quoi, ouais. C'est un instrument de musique, la mandoline? Non, oui. La mandoline. Ah si, la mandoline, couper, c'est un truc. Fait. Ding, ding, ding, c'est genre une grosse guitare là, ouais, c'est ça? Mais non, c'est pour couper, c'est une sorte de planche avec une lame. C'est une mécanique. Lame comme la chanteuse? Et, ouais. Ouais, bien sûr. Mais vous vous souvenez pas, putain. Elle fait quoi, elle? Je sais pas, elle fait touche pas à mon poste. Exactement, non, ouais. Elle est pas là-dedans, non, elle est pas dedans. Si, bah la si, dernière fois, elle était dans la chouette. Eh. Dans la chouette. Ah ouais. Oui, c'est vrai, on en a parlé. Elle était coincée dans la chouette. Ah elle oui. A fait un malaise. Ah, c'était marrant, ça aussi. La meuf, il la met dans une chouette à déguisement. Il la monte, je sais pas, à 5-6 mètres, la meuf tombe dans les pommes. Non, mais il la laisse un quart d'heure avant de la descendre. Elle tombe dans les pommes? Oui. Ah ouais, elle a fait un malaise, ouais. Ah oui. Oh putain. Bon, mais elle est pas chroniqueuse là-bas. Mais si, je crois, mais... Non, mais Cyril, Cyril, mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-la dans la chouette, mets-la en l'air tous les jours, ça c'est rigolo. Ouais, bah... Qu'elle fasse des malaises tous les jours, qu'elle fasse des malaises, mais pas chroniqueuse. Si, c'est vrai. Bah, je sais pas, pour le moment, elle est venue qu'une fois. Hein, ah bah, elle reviendra peut-être plus. En fait, il lui a dit, tu vas être chroniqueuse, donc il a foutu la chouette, elle a fait un malaise. Elle veut plus revenir. Non, non, c'est lui qui veut plus qu'elle revienne. Voilà, hein. Il a feinté, en fait. Bon, alors, on en était où, là? Ah oui, tiens, un métier que vous aimeriez pas que votre meuf ou votre mec fasse, c'est pour Xavier. Témoignage, réaction, tout ça au 41-759 et sur l'appli Skyrock. Bah gigolo, hein. Non mais il y avait un message tout à l'heure, putain je sais plus qui c'est, il avait une bonne idée pour... Pour Xavier? Pour Xavier, ouais. Ouais. Xavier? Ouais. Je crois qu'on a la solution peut-être. Ah. Attention déjà. Ouais, ah. Mais c'est un auditeur, je sais plus comment il s'appelle, mais j'ai trouvé bien l'idée. C'est en gros, ta meuf, deux, trois fois, elle t'accompagne au taf et elle voit comment ça se passe, comme ça elle est rassurée. Ouais. Ouais, ouais. Ah bah, oui, c'est ça, Bissatuit, bah, la dernière fois qu'elle est venue au taf, c'était quand je faisais le mannequinat, donc... Bah, elle est restée peut-être sur cette image-là, maintenant, si tu fais des mariages et des trucs à la... des trucs oui. Comme ça, ça va. Enfin, bon, t'es... Ouais, après, j'ai changé pour elle, mais c'est vrai que le mannequinat, ça m'avait plu. Bah, non, mais déjà, déjà t'as été bien sympa de changer pour elle, quoi. Bah ouais, attends, tu fais des, tu prends des photos de mannequins, tu vois des bonnes meufs toute la journée. Bah ouais. C'est quand même con de s'en priver. Des fois, c'est pas si beau que ça, parce que moi, j'ai un pote qui avait fait des tournages. Pour Fashion TV ou je sais plus quoi là, les trucs de mannequins là, il avait fait des défilés. Et les meufs, des fois, elles sont tellement maigres. Tu sais, c'est genre elles font malade quoi. Tu vois, elles font anorexique quoi. C'est des fois, c'est des tados les meufs. Hein. Ah ouais, c'est pas. Après, c'est... ça c'est les top modèles, ils sont anorexiques. Ouais, et même cet été, moi j'en ai vu. Là, j'ai vu une mannequin de d'Armani. Elle pesait 10 kilos. Ouais. Non, mais la meuf, mais sans déconner, ses bras, mais. 1m80, 10 kilos. C'était hallucinant, tu vois. On a des pieds de micro, mais l'avant-bras, c'était le pied de micro. Ah ouais, quoi. Mais là, ouais, c'est. Tu sais, la meuf, elle faisait malade. Elle était super grande, genre 1m80, mais là, un tas d'os, quoi. Non, mais en tout mais cas. Mais pas jolie, quoi. Pour revenir à la méthode, là, que tu disais, Romano, elle est bien. Hein. Bah ouais, moi, je trouvais ça pas mal. Tu vois, t'amènes ta meuf, tu. Voilà. Tu peux venir. En plus, il n'y a plus de mannequins. Et moi, je trouve que t'as tort, en plus, de céder à ce qu'elle te demande. Ouais, t'es bien sympa. Ah, hein. Je suis d'accord. Ouais. Ah ouais, c'est ce qu'il disait, Romano. Bah après, c'est ta vie, vrai hein. Que. C'est pas c'est comme si nous, nos meufs, elles nous disaient tu parles plus à une meuf à l'antenne. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Bah, c'est. Ouais, après, c'est vrai. Après, le problème, c'est que j'étais. Non, parce que partant de ce principe. Pendant pas mal de temps. Et le photographe qui m'a embauché, ben, il connaissait bien, mais. Bon, ça reste toujours un peu gênant pour elle, quoi. Ouais, mais de toute façon, tu feras un autre taf. Je sais pas, t'es, admettons, vendeur. Ou conducteur de bus, ou vendeur, ouais. Ouais, vendeur, t'es en contact avec des meufs, oui. C'est pareil. Alors, je voudrais que tu vends des jupes, je sais. Mais je ne voudrais qu'il n'y ait plus une femme qui t'achète des jupes que des hommes. Ouais, bah, ça va être compliqué quand même. Non, mais c'est vrai, faut pas céder. Parce que si on se fait confiance, si on s'aime... Non, et puis là, ouais, c'est quand même des raisons à la con. Si on se fait confiance, si on s'aime... On doit se respecter l'un l'autre. Non mais dis-lui, ça fait combien de temps que t'es avec ta meuf, tu nous as dit, toi, Xavier? Moi, ça fait 2 ans. Ah ouais, non mais au bout de 2 ans, tu devrais quand même avoir confiance. Ah bah ouais, non mais clairement. Ah ouais. Voilà, tu peux lui expliquer aussi que t'as fait des efforts, qu'avant t'avais des mannequins, des modèles, que t'aurais pas dû le faire, mais que t'as fait des efforts pour elle, donc maintenant elle arrête de faire chier. Et puis que c'est ton métier, ta passion. Et puis il faut bien gagner des sous aussi. Et ouais, elle fait quoi comme taf? Ouais, j'avais demandé. Elle fait quoi? Elle travaille à la banque. Bah alors, tu peux lui dire, tu peux te faire sauter par les clients blindés. Ouais, dans le coffre-fort. Dans le coffre-fort en plus. Dans le bureau. Ou dans le bureau. Ou dans le bureau, ouais. Sur le guichet. Bah ouais, tu gâches ta vie pour une meuf, sérieux, c'est pas bien. Quitte-la. Oh, faut peut-être pas y aller jusque-là, c'est A3 qui nous laisse le message. Elle est super, ta méthode D-Fool d'amener sa meuf au boulot. Je trouve aussi. Ouais, c'est vrai qu'elle est géniale, ta méthode D-Fool. Ouais. Merci, Phoenix. Moi, je supporterais pas qu'elle fasse stripteaseuse. Il y a beaucoup de messages comme ça, là. C'est le tatoueur qui vient de nous l'envoyer. Ouais, non, mais bon, entre stripteaseuse et photographe ou. C'est un boulot classique, quoi. Moi, je suis tolérant, mais elle serait stripteaseuse, ça me casserait un peu les couilles, hein, je vous le dis. Moi aussi, mais bon. Juste. C'est clair et net, ouais. Juste entre nous. J'ai une amie qui est mannequin, elle fait 1m80, elle fait 40 kilos, j'ai trop peur pour elle. Bah, je te comprends. Non, mais c'est vrai, hein. Tu sais, les meufs, je te dis, cet été, la meuf que j'ai vue, là, mais c'était un tas d'os, quoi. Ouais, c'est des sacs d'os, parfois, on nous dit aussi, là, sur. Mais souvent, ça fait malade. Sur les messages. Moi, j'aimerais pas que mon gars soit stripteaseur. Ah, bah, tu vois, on est d'accord. C'est Wood Mystic. Oui, mais là, c'est quand même. Salut, ma chérie. Après, moi, je trouve ça plus compréhensible. Tu vois, striptease, c'est quand même un taf spécial, quoi. Ouais, il y a Zilda qui dit pareil, stripteaseur, mannequin et pompier. Ah, pourquoi pompier? Parce que les pompiers, en général, meufs. Ouais, les meufs, elles sont excitées par les pompiers, ouais. Ouais. J'aimerais pas que ma meuf soit actrice porno. Oui, je te comprends, ouais. Hector qui nous envoie ça, 16 ans. Et Brahms également, qui nous dit exactement la même chose. Actrice porno. Oui, non mais là bon, tu prenais l'extrême aussi quoi. Est-ce que Romano, serais content si Carriole t'annonçait qu'elle se lance dans une carrière d'actrice pornographique? Ah, j'avoue bien. Ah bah moi je lui dis. Mais attends, laisse-moi finir quand même. Avec le chien. Non, spécialisée dans les gangbangs. À 8, minimum. Minimum, ouais. Non, non, mais de toute façon, c'est clair et net, quoi. Déjà, elle me dit ça, elle me dégoûte, quoi. Pourquoi tu dégoûtes? C'est un métier comme un autre. Bah ouais, bah c'est pas grave. Non, mais moi, c'est, voilà, je suis désolé, j'ai. T'as pas de tolérance. Non, mais je dis, elle me dégoûte, et je lui dis cash, je lui dis, bah écoute, c'est soit le gangbang, soit moi, quoi. Elle a dit, je préfère le gangbang, elle a plusieurs bites. Bah, vas-y, c'est mieux. Bah, casse-toi. Non, là, alors. Elle est tellement gentille qu'elle te dit, allez, je t'invite. Je t'invite au gangbang. Viens te faire gangbanger. Mais va te faire mettre. Tu seras le 9e. Non. Ça sera le 2e, il se mettra par terre avec elle. Ah ouais, il se fait déglinguer. T'as raison. Non, mais enfin, moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Ah ouais, quelle horreur. Ton mec, c'est un acteur porno, t'aimerais pas toi non plus. Ah, mais non, clairement pas. Ou alors, hé Xavier, tu peux peut-être lui faire une blague. Tu lui dis, bon, allez, écoute, je décide d'arrêter la photo, je vais faire acteur porno maintenant. Elle va adorer. C'est mort. Ah, tu lui fais une petite blague comme ça. Non, mais il y a aussi un problème, c'est que souvent, je prends les rendez-vous vers 19h, etc., et je rentre très tard. Et donc, mais toi aussi. C'est la gueule après, quoi. Ah, ouais, aussi, mais bon, c'est la vie, Casse les couilles, elle aussi. C'est pour ça aussi. Bah, exactement. Ah ouais, non, mais elle nous fait chier. Oui, non, mais qu'elle te respecte un peu. Non, mais elle est bien contente, tu sais, quand vous profitez de l'oseille, que vous partez, je sais pas, en quand week-end. T'as claqué tes sous. Non, mais bon, elle travaille aussi, mais tu sais, forcément, vous mettez de la thune en commun. Ah, moi, ça m'énerve, tu vois, moi, ça durerait pas longtemps. Regarde, je le trouve bien gentil. Qu'est-ce qu'elle casse les couilles, sa meuf, nous dit Carmelo, là, sur SMS, je supporterais pas. Que ma meuf m'interdise de vivre ma passion, nous dit Kamel. Bah, dis-nous quelle est ta passion, Kamel. Bon, eh bien, voilà, Xavier. Donc, tu peux lui dire que t'as fait des efforts déjà, et puis que bon, ça fait 2 ans, elle peut te respecter aussi. Bien. Hein? Après, j'ai essayé de changer de métier, mais j'ai pas réussi. Non, mais tu vas arrêter trop gentil, toi. Après, tu vas pas. Surtout, change de métier. Niquer, c'est ta passion, ça fait combien de temps que t'es avec cette meuf? 2 ans. 2 ans, ouais. Ouais, t'emballes pas non plus, hein, quoi. C'est une belle histoire, mais bon, qui te dit que dans 10 ans, tu seras encore avec cette meuf, t'auras tout niqué et ouais, t'auras plus rien. C'est pas faux. Ouais, au moins, garde ton boulot, là. Bon, ben, merci à toi, Xavier, merci. Et puis, tu nous tiens au courant de la suite de l'histoire. T'embrasse, Xavier. Ouais, ça marche. Salut merci. À toi. Et on t'envoie le t-shirt Skyrock aussi. Merci. Salut Xav. Et vous aussi, si vous avez une question à poser, n'hésitez pas. Jusqu'à minuit, Radio Libre, c'est ouvert. Vous pouvez nous appeler de toute la France. Débarquez ici au 01 53 40 30 20 et dans un instant, juste après. Mais alors, tout juste après Ken Jones. Est-ce que les gens qui bossent sont prêts? C'est bon. C'est bon. C'est prêt. On va faire un multi-appel parce qu'on n'a pas eu le temps de faire le double appel ce soir. Le double appel sera de retour demain. Mais alors, comment on fait pas le double appel? Là, ça va être la folie. On s'est dit, on va se lâcher ce soir. La folie folle, mais voyez, façon Cédric, quoi. Mais folle, comme ça. Comme ça. Ouais, ouais. Bon, et bien, c'est parti. Dans un instant, le multi-appel des familles. Et vous en direct aussi, hein, jusqu'à minuit, vous profitez. Et le son, ben, on l'a dit, Ken Jones. Ken Jones et Don't Mind Me. Ladies and gentlemen. Le jeu de la pièce, c'est simple. Des pièces de monnaie, des potes, un mur. Celui qui jette sa pièce le plus près du mur sans le toucher remporte la mise. À vous de jouer toute la semaine dans Planète Rap. La pièce, c'est le premier film du Wattibé. Avec une pièce, on s'y fait. Je vais pas changer le monde avec ma musique, ça ne serait qu'à Planète Rap reçoit les rappeurs de la bande-son et l'équipe du film. Planète Rap, la pièce. Le premier film du Wattibé. Tous les soirs de 20h à 21h avec Fred sur Skyrock. Et sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Avec le vidéo live comme si t'y étais. Jolie course, t'as progressé. Ouais, si ça pouvait être pareil avec une nana. Pourquoi t'essayes pas de discuter par SMS? Envoie chat CHAT au 62333. Le chat avec photo. Chat CHAT au 62333. Concert. Il va mettre le feu. En 2017, Soprano choisit encore Skyrock pour sa nouvelle tournée dans toute la France. En concert partout en France pour terminer sur la scène de l'Accor Hotel Arena de Paris le 30 septembre et le 7 octobre 2017. À l'Orange Vélodrome de Marseille. Ouais. Yeah, c'est Soprano. En tournée dans toute la France avec Skyrock. Plus d'infos sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Le 3692 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes, échanger vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 3692, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 3692. C'est très simple et surtout rapide. Télone, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel. Tu veux réussir ta rentrée ? Il n'y a pas 50 solutions. YAX, YAX. YAX, c'est l'application pour délirer, choper des conseils et se taper des barres.

Et donc, je faisais Zao là. Je vais rassurer, ils sont trop mieux que nous. Oui, je faisais Zao. Moi, je trouvais ça pas mal. Moi. Ouais, moi aussi, je trouvais ça pas mal. Bon, et puis, comme vous le savez, au 01 53 40 30 20, tout peut arriver. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez débarquer ici. On vous attend en direct sur Skyrock jusqu'à minuit. Ah, tiens, j'ai un bug à vous faire traduire là, parce qu'on a commencé l'émission avec un bug. On a commencé l'émission de manière exceptionnelle ce soir. Hein. Oui. Un bug à traduire. Un médaillé d'or champion des Jeux Olympiques. Un champion olympique qui était avec nous. Tony Yoka. Ouais, c'est bien les coups de Sky en plus, Tony. Et, cool. Et vous savez qu'il a voulu me voler 1 500 euros. Ouais. Même 3 000. Ouais. Ouais, même plus que ça. Et je l'ai un petit peu impressionné. Et il est reparti sans rien. Et du coup, c'est Romano qui a piqué sa casquette. Voilà, je voulais faire. Je l'ai d'ailleurs. Ouais. Voilà, la casquette de. Il l'a volée. Vas-y, on fera aux éditeurs. Mais non. C'est pas l'offrir. Il l'avait parce qu'il y a encore l'étiquette et tout à mon avis. Ouais, mais ils lui ont filé la planète rap en fait. Ah bah vas-y, ouais, je peux la faire gagner. Ouais. Ah bah, oh non. Contre 100 euros. Pour la modique somme de 100 euros. Skyrock offre des cadeaux géniaux pour 100 euros. Hein. C'est... Si vous avez 100 euros, c'est pour faire plaisir à Romano, il adore. Ouais. Oh bah oui, ça me fait toujours plaisir d'argent. Ah, un petit peu d'argent, ça évidemment. Fait de mal. Évidemment. Un peu de cash, ça fait jamais de mal. Ça fait de mal à personne, en effet. Ah ça non, ça fait du bien au contraire. Ah ouais. Ah ouais, vas-y. Vas-y. Ah ça fait du bien gros. Oh. Bon allez, on y va pour la suite. On a Flo en direct avec nous. Et le multi-appel alors. Et le multi-appel. Ah ouais, il va falloir s'y mettre là. Allez, on y va pour le multi-appel. Vas-y. T'es là Flo? Ouais. Ouais, tu vas nous parler de ta passion dans un instant Flo toi. Ouais. Ouais, une passion un peu particulière, très originale d'ailleurs. Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu beaucoup, même d'ailleurs. Ah, hein, ah ouais. Une passion qu'on a déjà vue dans des émissions du style Confession intime, par exemple. Ah, genre, t'es Johnny amoureux des camions. Johnny Hallyday. On verra dans un instant. Vous en saurez plus d'ici quelques secondes après le multi-appel. Et le bug, tu l'as pas fait écouter à découvrir. Ah, tu le veux tout de suite? Allez, le bug. Dessous. S'il est dur comme celui qu'on a fait écouter hier soir, dont on a eu le résultat aujourd'hui. Ouais. Oh, c'est le même genre. Ah ouais. Écoutez bien, je vous passe un bug. Vous me dites si vous arrivez à traduire ce que dit Romano. Et on vous offre, tout à l'heure on a offert une PS4, là on va offrire le. Allez, maillot de foot. Ou jeu si vous voulez. Si vous voulez FIFA, tiens, FIFA, vous voulez FIFA? Et en même temps, je peux donner la casquette en même temps. Alors, la casquette, c'est un gros cadeau. Hein. Ah, la casquette de Tony. Tony Yoka. C'est une casquette médaille olympique. La casquette de Tony. Et en plus, ou le jeu au choix, ou le maillot au choix. Écoute bien, Flo, si t'arrives à trouver, tu gagnes. Qu'est-ce que dit Romano, là? Sur le... Moi, je proposerais sodomie. Eh bien, non. Le sodomie, tu me fais mal au cul? Non, c'est pas ça. Ah, moi, je proposerais salam alikoum. Eh bien, non. Salam alikoum. Ah, merde. Sur le... C'est vrai, ouais. T'as vu au début, salam alikoum. Ça veut dire un truc, ça. Si vous arrivez à trouver, chapeau, hein. Chapeau ou plutôt casquette de Tony Yoka. Oui. Enfin, même Romano, il est surpris, quoi. Bah ouais. C'est vrai que c'est Tony lui-même par moment. C'est clair, mais là, je me demande ce que je dis, ouais. Il se comprend pas lui-même. Ah non, mais là, ouais, putain, pour moi, ça veut rien dire. C'est le même langage qu'un mec bourré, c'est pareil. Ah, c'est ça. Ouais, ou qu'un teubé, d'ailleurs, aussi. Un teubé bourré, même. Allez, vos propositions, on nous dit sale con. C'est ça? Non. Non, ça fait mal au cul, on nous dit. Non plus. C'est pas ça. Ça peut lui poser des problèmes. Non. C'est le maillot. Non. Non. Salami. Non. Non. Allô, Alain. Eh non. C'est ça? Sur le Je sais pas où t'entends Allô, Alain, mais de toute façon, on comprend rien. Donc, t'as le droit de proposer Allô, Alain aussi. Ah ouais, ça peut être n'importe la sodomie quoi. Fait mal au cul pour le niçois. Absolument, oui. Absolument, oui. Absolument. Sur le lit pour CC Drake. C'est pas ça. CC Drake. Ça me casse les couilles, nous dit Anonymous. Non. C'est pas ça non plus? Bon, alors, vous laissez vos réponses, Samy et Matt, et puis dès qu'on a le gagnant, cadeau, donc, casquette, Watibé. Mais ouais, pas la casquette de n'importe qui, casquette de notre médaillé olympique, médaillé d'or. Et en plus, que Romano a volé ce soir. Ouais, je l'ai piqué, ouais. Bon, en fait, il l'a oublié, mais je l'ai récupéré, quoi. Et puis, votre jeu, votre maillot, choix. Moi, je prendrais FIFA 16, si je pouvais. FIFA 17. 17, parce 17, que 16, ouais. Mais c'est quoi? C'est que FIFA ou c'est jeu au choix? Jeu au choix. Prenez ce que vous voulez. Ouais, allez. Mais moi, je vous dis ce que je prendrais, là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait avant de retrouver Flo? Ah oui, le multi-appel. Jingle double appel, multi-appel. Allez, c'est parti. Allez. Oui. Ah, vous êtes dans un hôtel, monsieur. Alors, pourquoi vous m'appelez? Je ne vous appelle pas. Mais si, mais ça fait déjà deux fois que vous m'appelez. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Ah, je sais pas, moi ça vient de sonner, je décroche. Ah, ben moi aussi, ça fait trois fois que vous m'appelez. Moi j'en ai marre-le-bol, vous me dérangez pour rien. Le double appel de Default sur Skyrock. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Ouais, c'est le multi-appel. Ce sera même plus fort qu'un double appel, c'est un multi-appel. Absolument, ouais. En gros, c'est aucun des deux n'a appelé les 10 autres. Hein, c'est ça, ouais. On va prendre plein de numéros, on va tous les mettre en contexte, ça va être un beau bordel hein, en général. Ah, bien sûr, oui. Bien sûr, Patrick. Alors ce soir on a des bars vers Bordeaux, oui. Des bars en Gironde, on a des épiceries de nuit à Marseille. Très bien. Des hôtels en Bretagne, des hôtels dans le Nord. Oui. des hôtels à Paris et pizzeria, je sais pas où, mais des pizzerias. Pizzeria, j'ai kebab aussi qu'on nous laissait, ouais, du numéro. Ouais, j'ai plein de listes, hein, j'ai plein de pizza, kebab, donc tout ça, allez, c'est parti. On mélange tout. Ouais, on commence Patrick par est là. On commence par sûr, oui. Et Patrick est là en plus. On commence par les deux premiers. Bah, sans problème, ça. Allez, sans problème, c'est parti. C'est parti, mon kiki. En avant, Guingamp. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, je vous entends. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Allô? Absolument. Allô? Oui, bonsoir. Oui, comment vas-tu? Regarde, tu te reviens. Allô? Allô? Oui. Oui, allô. Bienvenue. Oui, comment vas-tu? Sur la message. C'est qui? Allô? Ben, allô, moi, je suis Patrick, hein. Mec, si tu veux. Allô? Bah, il faut que tu viennes me masser, mais pas simplement ça, hein. Là, je suis à poil, là. Tu veux te faire ce demi-dé, là? Bonsoir. Tu veux te faire ce demi-dé, là? Allô? Tu veux te faire ce demi-dé, là? Allez, c'est bien, les gars, bonne soirée. Là, je suis à poil, là. Ok, allez, bonne soirée. Bah, il faut que tu viennes me passer, mais pas simplement ça, hein. Oui, t'es de très très mauvaise humeur, le monsieur. Ah, dis-moi, tu as poil, c'est bien, hein, mais tu as pas parlé comme ça aux gens, hein. Bah, moi, je suis Patrick, hein. Allô? Moi, je suis décaloté complètement. De quoi? Décaloté complètement. Qu'est-ce que tu m'appelles, toi? Et je peux te dire que je vais te baiser, Allô? Tu veux te faire ce demi-dé, là? Ta grand-mère, c'est pas ce demi-dé. Et je peux te dire que je vais te baiser, Ta grand-mère. T'as mis un petit oui, peu cher, de... T'as mis un petit peu de doigt dans la chatte, là? Et parti. Ah, il est là. Ouais, j'ai une bonne bite, surtout, hein. Appelle la police. Oui, allô, la police, il y a un sadique au téléphone qui me dit, tu veux te faire sodomiser. Deux, trois doigts dans le cul. Tu veux te faire sodomiser, là? Ah, ils sont tous partis, là. Ah, ben, ouais. Tout le monde s'est barré, là. Bravo, bravo, Patrick. Ouais, pas mal, pas mal. Pas. Félicitations, Patrick, c'est bien. En tout cas... Beau travail. Je salue la dame, la première qu'on a eue au téléphone, qui est tombée sur Patrick. Et le dernier, à qui on fait un grand salut, et on rappelle la phrase du soir de Patrick. Tu veux te faire sodomiser, là? Ah, ben, Patrick, il adore, ça. Bon, on en a d'autres ? Ouais, il y en a d'autres. Allez, vas-y, on y retourne. C'est parti, on y retourne et on parle de la passion de Flo là dans un instant. Une passion à la confession intime. Bienvenue dans votre hôtel Ibis. Absolument. Ah, un hôtel en plus pour Patrick. Welcome to your Ibis Hotel. Ibis. C'est Ibis. Hôtel Ibis, Montpellier. Bonsoir. Allô ? Allô ? Allô ? J'écoute. Allô ? Allô ? Allô ? Je vous écoute. Allô? Allô? Ouais, y a pas de chance. Allô? Allô? Allô? Oui, comment vas-tu? Bon. Tu veux te faire ce demi-dé là? Moi j'attaque fort. Moi je suis décaloté complètement. Allô? Décaloté complètement. Ok. Allô? Tu la branles bien là? Toi, t'écoutes derrière ton téléphone. Là, je suis à poil, là. Tu écoutes derrière ton téléphone et... Allô? Allô? Allô? Ah ouais, je suis à poil, là. Ils appellent depuis tout à l'heure. Inconnu. De trois doigts dans le cul. Et rapproche. Ben, moi, je suis Patrick, hein. Le mec, il est con. Il oui, a... comment vas-tu? On est là. Ah ben, elle est partie, ça y est. Ben, moi, je suis à Walpé, là, comme d'habitude. Ça y est, on a tout vidé? Ouais, tout vidé. Allô? Allô? Bah allô? Moi je suis à Walpé là comme d'habitude. Oui, comment vas-tu? Allô? Allô? Allô? Non mais c'est l'image de Patrick à Walpé. Là ça y est, on a tout vidé. Un peu trop. Là, il y en a plus. Ah ouais, terminé. Ah, fini, ouais. Ils sont partis là.

Et voilà. Moi, les routiers sont mes amis. Les routiers sont sympas, Romano. Ah, ouais. Hein. Moi, je conduis. Mais par contre, votre émission devrait durer plus tard que minuit. Hein. Oui, mais après, tu nous tues après. Hein. Faut qu'on dorme entre les deux, nous. Oui, oui parce que il reprend à 6 heures. Donc, mais écoute, c'est gentil comme tout, Flo. On t'envoie le. Ça marche. Ils sont contents, les routiers. Ah, tata, il y a une petite lutte là entre. Putain, les routiers, vous êtes déchaînés. Hein. Entre Scania et Volvo, là, parce que là, j'ai Ch'touni de la Somme, 24 ans, qui dit niveau moteur, Scania est deux fois meilleur que Volvo. Nice. Et il y a Lucas Thermo 07, ouais. J'ai un Volvo, c'est de la merde. Ah ah. Non, c'est très bien. En tout cas, il y a Saïd le routier, super mec, qui nous représente trop bien, respect à lui. Après, niveau merci. Confort sur Volvo, c'est quand même les meilleurs. Ah. Ouais. Tu vois. Bon, bah, en tout cas, merci pour le message. Confort de conduite, c'est. En même temps, c'est important vu le nombre d'heures que tu passes sur la route. Ah bah, tu attends, vis dedans, ouais. J'ai une dernière question. Ouais. T'as jamais eu d'hémorroïdes? Il y a combien de roues? Si, une fois, ouais. Ça m'est, bah. C'est ça le souci dans notre métier, et encore en plus, par moments, sur certains camions, il y a les sièges chauffants et c'est hyper mauvais. Ah, ça dilate les veines du cul, quoi. Ouais, la prochaine fois que je vous croise, que je croise un routier, je alors, penserai, pas trop mal au cul. Je penserai direct à son trou du cul, tiens. Non, mais c'est vrai, c'est connu, hein. Eh ben écoute, non mais oui c'est vrai. Je savais que c'était un, quand tu restais assis souvent ça pouvait être un problème. Eh ben la preuve. Merci Flo, il raconte. Bon courage, bonne route. Merci, salut. Bis Flo, ciao. Ciao. On lance la roulette. Ouais, ça va tourner. Allez, la roulette. T'as un dernier de multi-appel à faire. Bon, je lance la roulette. 7-20-20. Roulette. Vous envoyez roulette. Roulette au 7-20-20 pour gagner Soprano. Si vous voulez vos places pour aller voir Sopra, c'est maintenant. Faites tourner de toute la France. Allez-y, qui est le 7-20-20 en tire-au-sort. Et vous vous retrouvez en direct avec nous. Et en plus, avec des places pour aller voir Sopra partout en France. C'est évidemment une tournée Skyrock. Et c'est pour. Grosse, vous. Grosse tournée. Ouais, grosse, grosse tournée. Allez, on se tente le petit multi-appel. Là. Vous êtes prêts? Allez, alors. C'est qui qu'on appelle? Ah bon, tu nous as dit tout à l'heure, donc il y a des. Vas-y, envoie tout. Là. Des pizzas, il y a tout en fait. Hein. Pizza, épicerie, on a des hôtels. Ouais, enfin, des gens qui bossent la nuit. Ah, des gens de sécu, et on les met en contact tous ensemble. C'est excellent, là. Welcome to Hôtel de Champagne. Ah, Marie. Hôtel de Champagne, Olivier, bonsoir. Allô? Oui? Oui, comment vas-tu? Allô? Allô? Qui demandez-vous, monsieur? Ben, moi, je suis Patrick, hein. Allô? C'est quoi ça, oui? Là, vous êtes à l'hôtel de Champagne. C'est qui vous m'appelez? Allô? Oui? Oui, bonsoir. Aussi, bonsoir. Oui, allô? Vous êtes trompé. Vous êtes trompé de numéro, là, je pense, non? Non, c'est vous qui m'appelez. Ah, j'ai pas appelé, alors donc. Allô? Allô? Allô? C'est Cédric. Okay. C'est Cédric. Allô? Eh ben, c'est Michel au téléphone. Eh ben. Allô? Je crois le ballon tu. Allô? Ah ouais, je suis à poil, là. Allô? Allô? C'est Patrick. Allô? Allô? Oui, comment vas-tu? Allô? Oui, allô? Comment vas-tu? Allô? Ok. Allô? Oui, comment vas-tu? Oh, putain, c'est tout parti là. Ah, mais là, on avait, bah, on bien avait, sûr, oui. On avait quatre, trois qui restaient muets, un qui faisait allô, allô, allô, Patrick qui faisait bloqué, allô, ouais. Allô, allô, allô, Patrick qui se demandait, mais. Oui, comment vas-tu? Comment vas-tu? Bah, comment vas-tu? L'autre était incapable de répondre. Si, il répondait. Allô? Allô? Merci Patrick. Bah de rien Patrick. Allez, dans un instant sur Skyrock, Zao MHD, le son que vous avez promis. J'adore ce son, Zao et MHD. Laissez les Koumas. Laissez les Koumas. Encore un son découvert sur Skyrock, c'est tout de suite. Et roulette au 7-20-20, on fait tourner la roulette. Soprano a gagné. Depuis la rentrée, Diffoul a déjà distribué plus de 30 000 euros en cash. 30 000 euros en cash. Il faut me dire, quelle est ta radio préférée? Bah Skyrock. Skyrock. Eh ben c'est Skyrock. C'est Skyrock. Mais oui, c'est Skyrock. Ouais, c'est voilà. Gagné. C'est pas vrai. Plus de 30 iPhone 7. Ton iPhone 7. Le tout dernier. Putain, ça c'est bon ça. Romano a déjà arnaqué des commerçants. Bah, que va faire cuire à l'offre, hein. Des familles. C'est encore une arnaque ça, hein. Des vendeurs sur le bon coin. Et vous le vendez 50 euros, c'est ce qu'il y a marqué sur l'annonce. 550 euros. Non, t'enlèves les 500, tu me le lâches à 50 et puis ça ira bien. Ouais.

Quand je te regarde toi, je me dis putain, mais qu'est-ce que je suis grand. Mais d'ailleurs, il a cru que t'étais assis pendant tout le temps. Ouais, ta gueule, là, Marie. Non, t'étais debout. Non, mais fais bien de le dire pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission tout à l'heure. C'est vrai qu'il a cru qu'Romano était assis en permanence. Et en fait, Romano était debout. Mais pourtant, je pensais que comme il écoutait Skyrock, il savait que tu étais petit, mais il pensait pas que tu étais aussi petit, tout petit comme ça. Bah oui, oui, on s'est découvert ce soir. Oh, vous étiez mignons tous les deux. Bon, en tout cas, merci à lui d'être passé. Hein, s'il nous écoute là, s'il est encore branché sur Sky, ça nous a fait super plaisir de le voir. C'est bien l'émission, comme ça on voit des stars, nous aussi. Il y a un truc, le bug, on l'a toujours pas traduit. Non, du coup. Non, non, personne qui a trouvé. Justement, on va finir avec ça. Le bug de Romano. Ah ouais, je voulais te demander, Samy, s'il y avait du monde qui avait trouvé. Personne n'a trouvé. Non, personne. Personne s'est approché, rien du tout. Non. Même quelqu'un d'assez près, non. Premier mot, quoi. Il y en a pas mal contre le premier mot. Ah oui, mais ça ne suffit pas. Ah non, parce qu'il faut comprendre tout ce qu'essaye de nous dire mots. Romano. Mais il y a beaucoup de mots, Marie. Bah écoutez, ouais, écoutez bien. Il y a beaucoup de mots, hein, vous entendez. T'as vu, Marie, tous les mots qu'il y a. Ouais. Ah, donc personne n'a trouvé. Six mots. Ouais, il y a six mots. Donc on remettra en jeu les cadeaux demain. On va faire la traduction. Dans l'équipe, vous proposez quoi? Parce qu'il faut faire des propositions. Oh, putain, oh la merde. Moi, je t'ai dit salam alikoum, mais c'est pas ça. C'est pas vas-y, salam alikoum. C'est vrai que salam alikoum, ça marchait presque. Sur le site doctissimo.com. Ah, tu avais le sûr, c'est pas vrai. Sur le site doctissimo.com. Il y a le sûr que vous aviez trouvé, ouais, vous aussi. Ouais, hein. Bon, j'ai eu plein de messages avec écrit sûr, ouais, dessus. Sur le Coran. Non. Je sais pas, on sait jamais. Tu sais, il jure comme ça sur le Coran. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non. Bon, la réponse, écoutez bien, que dit Romano quand il fait sur la manivelle. Réponse tout de suite. Beaucoup voté cette semaine sur le defool.skyrock.com. Vous avez également les bugs disponibles sur le exactement avec votre appli, l'appli des bugs de Romano. C'est ça que tu voulais dire. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Ah ouais, sur l'appli des bugs de Romano. Ce qui est fou, c'est que j'ai toujours pas compris c'était quoi le bug alors. Sur l'appli des bugs de Romano. Sur l'appli. En plus, t'avais réussi à me traduire jour du bug. Ouais, ouais. J'y arrive plus du tout là. Donc sur l'appli des bugs de Romano, c'est ça qu'il fallait traduire, les amis. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, on remet en jeu la casquette de Tony. Ouais, en attendant, je la garde. J'espère que je ne l'oublierai pas chez moi. T'es content que personne n'ait trouvé, en fait, ouais, Romano. C'est cool. Hein. Il va la garder, l'enfoiré. Un enculé, hein, quand même. Demain matin sur le bon coin. Ou peut-être dans les conseils pas chers demain matin. Ouais, c'est possible. Ouais, il est capable de les vendre aussi. Bon, voilà pour le bug de soi. Je vous rappelle le bug de tout à l'heure, qui était pas mal non plus. Qu'avec. Qui voulait qu'avec dire de la vodka. Qu'avec de la vodka, bien sûr. Bah qu'avec. Ben oui. Bah moi Red Bull, tu vois, je l'aime bien, mais qu'avec la vodka. Il y a Tropico aussi qui est bon. Moi j'aime bien Red Bull nature aussi. Ah non, moi qu'avec le kikika. Ouais. Avec quoi? Avec la vodka. Ah, ça va bien. C'est bien parce que Cédric, il est toujours à côté de la plaque. C'est-à-dire on parle de Red Bull et Cédric. Il y a le Tropico. Oh, le Tropico. C'est vrai. Pas très ce que ça vient foutre là, mais bon. Vrai, ouais. Mais laisse Cédric s'exprimer s'il a envie de dire des trucs. Il est content. Il y a le Tropico. Il a le droit de dire. Il y a le Tropico. Voilà, bah, il y a du Tropico pour Cédric. Et les bugs, on les retrouve. Ça dépend. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas fait de top bug depuis la rentrée. Ah, ouais, il va falloir qu'on en fasse un. Ouais, on pourrait s'en faire un petit top bug d'ici quelques jours. Votez d'ailleurs, allez écouter les bugs. Et vous votez pour vos bugs préférés. Vous les retrouvez sur l'appli de Romano, donc, hein, puisqu'il a son appli à lui. Ouais, sur l'Apple Store, Google Play, allez-y. Exactement. Et puis, elle est gratuite, c'est exceptionnel. Hein. Oui, c'est rare. Si je n'ai pas eu le choix. Oui, c'est bon, on l'a menacé, donc gratuit l'appli. Ouais. Et alors, si vous n'avez pas envie de télécharger l'appli de Romano, je ne sais pas pourquoi, mais vous n'en avez pas envie. Vous n'avez pas envie. Vous pouvez les trouver également. Bah, sur le defool.skyrock.com. Exactement. Donc, vous allez mater et écouter, plutôt précisément, tous les bugs. Oui. Bon, on va faire tourner la roulette. C'est l'heure de faire tourner la roulette. Et c'est Ibtissam qui est avec nous en direct du 92 à Châtenay. Salut, Ibtissam. Salut. Salut, Tissam. Comment vas-tu, Tissam? Coucou. Ça va très bien, et vous? Écoute, ça va bien, on a passé une belle soirée ce soir. Ouais, ça va bien. Ouais, c'est cool. Content, on a eu Cédric au téléphone. Bon, on s'est rendu compte qu'il faisait un petit peu de cinéma et qu'en il allait mieux qu'il le disait. Hein. Bah, d'ailleurs, vous l'avez puni, il a perdu le clash. C'est vrai, vous l'avez puni, c'est vrai. Et puis, on termine la soirée avec toi, ça va être magnifique, et petit Sam, on fait tourner la roulette. Skyrock t'offre 200 places de concert Soprano. Soprano a gagné dans la roulette sur Skyrock, vous êtes prêts? J'ai vu qu'il y en avait plein qui s'étaient inscrits. Ah, mais je te dis vous, mais t'es toute seule, et petit Sam, ou t'es accompagnée? Je me motive, non, je suis toute seule. Bon, alors, je vais te vous voyer parce que c'est la classe. Bon, allez, t'es prête? Ça tourne, ça dis stop quand tu veux. Bien. Alors. Tu serais heureuse si je te disais que t'as gagné Soprano, Tissam. Ouais. Et mec, t'as pas une place, t'en as deux en plus. Yeah, cool. Pour aller le voir à Bercy, c'est pour toi. Ah, ouais. Super. Tu vas aller voir le grand soprano à Bercy. Enfin, il est pas si grand que ça, mais enfin bon. Non, oui. Ah, soprano. T'as deux places, tu ramènes qui avec toi, toi? Sûrement mon chéri. Eh ben voilà, en amoureux. Vous vous retrouverez au concert de Sopra et ça fait bien plaisir. Tu penseras à nous. Deux places qui viennent de tomber maintenant sur Skyrock. Et on en aura d'autres demain matin, par exemple dans le morning. Ça va retourner. Oui, et toute la journée avec toute l'équipe de Sky, bien sûr. Salut Tissam, ciao. Je peux passer une petite dédicace? Vas-y, vas-y. Alors en fait, j'aimerais juste vous demander, tous ceux qui m'écoutent, si vous pouvez aller sur Instagram. Mais oui. Sur le Insta de ma collègue Andrea. En fait, c'est INSTA_Andrea. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a sur son Insta? En fait, il y a deux photos. Elle est toute donc nue. On est entre collègues. Presque. On est en sous-vêtements. Avec mes collègues. Et en fait, il faut qu'on récolte un maximum de likes pour pouvoir gagner le challenge que Etam Lingerie nous fixe. Ah, et gagner des places pour le défilé. Donc voilà, mais... donc si vous pouvez... Ouais, mais elle est en privé. Elle est en privé, ta copine, je suis dessus, là. Eh ben, allez-y, je lui demande tout de suite de se mettre en public. Vas-y, on va regarder ça. Tu vas avoir du monde. Et si elle enlève la lingerie, il y aura encore plus de... Ah ouais. Ça, c'est exactement. Pour demain. Demain. Ouais. C'est bon, ça. Bien vu, Samy. Ça, c'est cool. Je crois qu'on va la follow, elle, hein. Ça. La copine. Salut, petit Sam, ciao. Merci, salut, bonne soirée. Ciao, salut. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit à vous tous et à vous toutes également. Vous écoutez Skyrock et vous allez pouvoir retrouver Prisca. Et ça, vous avez de la chance. Ouais. Ouais. Prisca, que vous allez retrouver dans un instant sur Skyrock. Toute la nuit avec elle et avec le son de Sky. La première DJ radio urbaine mondiale. Et DJ Snake. Justin Bieber. Et Justin Bieber. Let me love you. I love you, Manu. Skyrock, yeah. C'est bon. Voilà. Il est temps qu'on y aille. Il est temps qu'on s'en aille. Elle est en train de râler, Prisca, parce qu'elle ne peut pas passer. Pourquoi tu ne peux pas passer? Parce que tu as foutu toutes tes affaires au milieu. Ah, excuse-moi, Prisca. Je vais ranger. T'inquiète. Bon, on se retrouve demain matin entre 6h et 9h. Passez une super bonne nuit. Si vous restez sur Sky, ça va bien se passer. Dès 6h, les 1 500 € à choper. Les rendez-vous des conseils pas chers. Ouais. Les invités mystères. Réveil de star. Le réveil de star. Info, ouais. Mytho. De l'iPhone. À gogo. De l'alpha de gogo. Oui. Et puis bah, vous tous en direct dès le réveil sur Skyrock. Passez une bonne nuit. Et vivement demain matin et demain soir pour la radio libre, bien sûr. Ciao. Ciao, à demain. Ciao. Ciao. Ciao. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui. Ciao et bisous, Momo. Allez, salut. Ciao. Depuis la rentrée, Difool a déjà distribué plus de 30 000 euros en cash. 30 000 euros en cash. Il faut me dire, quelle est ta radio préférée? Bah, Skyrock. Skyrock. Eh bah, c'est Skyrock. C'est Skyrock. Mais oui, c'est Skyrock. Ouais, Skyrock. Ah, c'est gagné. C'est pas vrai. Plus de 30 iPhone 7. Ton iPhone 7. Le tout dernier. Putain, ça c'est bon, ça. Romano a déjà arnaqué des commerçants. Hein. Des familles. C'est encore une arnaque, ça. Hein. Des vendeurs sur le bon coin. Et vous le vendez 50 euros aussi. Qu'il y a marqué sur l'annonce. 550 euros. Non, non, bah t'enlèves les 500, tu me le lâches à 50 et puis ça ira bien. Ouais, ouais. Ah bah j'arrive. Et ce n'est que le début. Que le début. 6h-9h. The Morning Show. Le Morning de Difool sur Skyrock. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days. Having to heartbreak away. Never let you go. Never let me down. Oh, it's been a hell of a ride. Driving the edge of a knife. Never let you go. Never let me down. Don't you give up. Give up.